240, 200 plutôt. Mais si tu peux nous donner le refrain, frère, si le refrain n'est pas compliqué. Jésus est au milieu de vous. Amen. Jésus est au milieu de nous. Amen. C'est 148. Dans notre cœur, ton âme languissante, une nouvelle fraîcheur, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine sondier, venez arroser nous. Ne laisse pas mourir d'aride, qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé, fraîche rosée, descende sur nous. Ô divine sondée, venez arroser nous. Piquez les déserts fleurissants sous tes bienfaisantes eaux. Que les lieux secrets vertissent et portent de fruits nouveaux. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine sondée, venez arroser nous. Viens au salut ta pluie, esprit de grâce et de paix, répands en nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine sondée, venez arroser nous. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Shalom, shalom, frère Junior. Le frère Junior est connecté. Shalom à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Il y a le frère, c'est le frère Achille. Frère Achille. Shalom, frère Achille. Shalom, c'est le frère. Shalom, frère Junior. Shalom, shalom. Yeah, shalom tout le monde. Shalom tout le monde. Shalom, shalom. Donc, il y a le frère qui a fait le résumé. Oui, shalom. Le frère Christian a fait le résumé de ce qu'on a vu, ce que le Saint-Esprit a mis à son cœur mercredi. Donc, il parlait de la nuit, donc de la nuit spirituelle. Il a parlé de la nuit spirituelle, la nuit prophétique, en fait. La nuit prophétique. Et que nous sommes en plein dedans, en fait. Et que nous devons veiller par rapport à ce que nous faisons, parce que en fait nous sommes la lumière, nous sommes la lumière qui brille dans cette nuit là, en fait. En fait, comme c'était un résumé, pour ceux qui étaient là, moi je n'étais pas là, mais bon, je pense que c'est un sujet qui est très très important. C'est-à-dire que d'être conscient de du moment où nous vivons, de cette période-ci là. Donc, afin que dans chaque chose, dans chaque acte que nous faisons, que nous tenons compte de ce que nous, de la période, hein, de la période, et que les choses ne nous scandalisent pas, en fait. Parce que tout ça est prévu dans la parole de Dieu. Après, bon, maintenant, c'était un résumé, mais on va laisser le Saint-Esprit nous conduire. Le frère aussi, le frère Junior est là, donc voilà. Si quelqu'un a une question... Le frère, on t'a... Pardon? Il a écrit qu'on a commencé, il veut nous laisser travailler. Nous, on a besoin de lui. Il dit qu'il veut nous laisser travailler. Aussi, si le frère Achille a une parole, ou bien si quelqu'un a une question... Ah, ok, d'accord. S'il y a un frère ou une sœur qui a une question, Shalom, shalom. J'ai une question, mon frère. En fait, je crois que je dois en avoir quand même quelques-uns. Excusez-moi, je vous pose la question. Pourquoi l'Union insiste qu'on doit se voir à Balan parce que ils disent qu'on ouvre nos vidéos parce qu'on doit se voir en parlant. Voilà, les vidéos sont ouvertes, frère Union. Oui, frère Joseph, je te vois bien là. Le frère Olivier, je vois le frère Olivier. Le frère Achille aussi. Je vois le frère Achille. La sœur Esther. Sœur Esther, je la vois. On a 6 vidéos ouvertes. Mais je ne vois pas le frère Junior. Je ne vois pas la sœur Hélène. Moi, alors, vous ne pouvez pas me voir parce que mon écran est tout noir. J'ai un problème. Ok. Ok, et frère. La sœur Hélène. Mon frère, c'est que je ne suis pas en France et je ne sais pas, je suis dans le noir parce que d'autres dorment, donc je ne peux pas trop parler même. Ah, j'ai compris, frère. Shalom, frère Achille. Frère Yannick, pardon. Shalom, shalom la famille, shalom tout le monde. Shalom. Shalom, frère. La sœur Anne. Le frère Willy. Bonjour, frère et soeur. Bonjour, soeur. Bon, les autres ont une bonne excuse devant le Seigneur de ne pas nous faire voir leur visage. Donc, s'il y a une question, il y a le frère Achille qui disait qu'il avait une question. En fait. Oui, je vais parler de ma question. Je suis en train de chercher une question là que j'avais. Voilà. Ma question se trouve dans Ésaïe 19. Verset 24 et 25. Ésaïe 19. Ésaïe 19. Verset 24 à 25. Je crois que là, il est écrit. Voilà. On dit en ce même temps, Israël sera lui-même uni à l'Égypte et à la Syrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant: béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, l'œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Voilà. Donc, justement, c'est ça que tu n'as pas bien compris. On dit Israël sera uni à l'Égypte. Ça, c'est la. Ça, c'est la première des choses. Israël uni à l'Égypte. On dit béni soit l'Égypte, mon peuple, je ne comprends pas, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Donc, voilà là où on n'a pas bien compris, en fait. Donc, l'Égypte, bon, c'était ceux qui s'étaient opposés à Israël. Donc, c'est les uns des autres dessus. Il y a le bruit chez quelqu'un là, je ne sais pas c'est chez qui. C'est chez la sœur Anne. On peut couper son micro. Est-ce que tu peux répéter ta question, frère frère Achille. Ok, je répète ma question. C'est, en fait, je relis encore, je relis le verset. C'était Ésaïe 19, versets 24 et 25. On dit, en ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple. Et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Donc voilà, ma question est la suivante. L'Égypte unie à Israël, ça c'est déjà ma première question. Et ensuite, c'est, on dit, béni soit l'Égypte, mon peuple. Est-ce que l'Égypte est le peuple de Dieu? C'est des questions, les, en fait, ce que l'Éternel a cité là-bas, c'est un certain nombre de choses que je ne comprends pas, en fait. Alors que je savais, donc même si je n'ai pas les versets bibliques pour les dire, c'était que normalement, l'Égypte, c'était par le peuple de Dieu. L'Égypte, c'est ceux qui se sont opposés à l'Éternel. Donc, ils sont opposés au peuple de Dieu et tout. Donc, c'est pour ça que je pose les questions. En fait, j'avais commencé à lire Ésaïe depuis, hein. Jusqu'à un moment donné, j'ai arrêté sur Ésaïe, je suis allé sur d'autres livres de la Bible, mais ces questions sont restées sur Ésaïe. Sentons-nous libres, hein, si une personne a, en attendant que le frère intervient, si une personne a à dire, hein, qu'elle se sente libre, quoi, de parler. Le frère Yannick, le frère Olivier, le frère Joseph. Non, moi, je dirais que ça m'a l'air d'une prophétie, en fait, déjà. Ça a l'air d'être, c'est une prophétie. Et après... Bon, en fait, si je comprends, c'est que la prophétie n'est pas encore arrivée. Parce que l'Égypte a été toujours considérée comme comme ennemi de, c'est-à-dire que ennemi de du peuple de Dieu, quoi, en fait. Donc cette prophétie n'est pas encore arrivée, si je comprends bien. Parce que chaque fois qu'on veut se référer à l'ennemi ou bien à Satan, on parle toujours un peu de l'Égypte. C'est un peu ça, le frère Yannick. Je me dis, en fait, hein, parce que quand tu lis dès le départ, c'est le verset, le chapitre 19, l'ensemble du chapitre, j'ai l'impression que tout ça, c'est une prophétie. Donc, il parle peut-être des choses qui ne sont pas encore arrivées. Je ne suis pas sûr, mais il faudrait que je relise. Il faut peut-être lire l'ensemble du chapitre pour avant d'arriver à ce... comprendre le contexte dans lequel c'est dit, en fait, à mon avis. Parce qu'en effet, l'Égypte, on sait, enfin, prophétiquement, c'est pas un peuple, c'est pas une référence, on parle toujours de l'Égypte comme tu l'as dit, comme un peuple, là où on était attaché, en fait. Donc, il faut peut-être lire l'ensemble du chapitre pour comprendre mieux cette partie-là, je pense. Nous reposons la question au frère Junior, nous lui laissons la place. Et ça fait vraiment un bon bail. On est resté sans lui. Et en même temps, nous profitons pour lui poser des tonnes de questions alors. Shalom bien de mes frères. C'est une grâce qu'il soit avec nous. Et tu vois, quand il vient, la question prend une autre dimension. D'habitude, les questions sont à un autre niveau. C'est sa présence qui a fait ça. Donc, on les laisse. Ok. La France dans la sainteté, bonjour. Bonjour, frère Junior. Bonjour, frère Junior. La sainte Diane Esther, bonjour, je suis ravi de te voir ce matin. Bonjour, frère Junior. Pareil. Voilà. Alors, prenons une ponctuation et puis on revient, d'accord? Le temps que vous regardez toutes vos questions. Allez, on bouge un peu. Que Dieu vous bénisse. Dans quelques instants, on revient. Amen. Amen. Amen. Amen. Maintenant, le frère Achille, il cherche maintenant, c'est les grosses questions maintenant pour me poser. Il a ouvert son ancien cahier avec des questions. Donc, tout à l'heure, après cette ponctuation musicale, il y a le frère Joseph qui est aussi là maintenant avec ses questions aussi. Bientôt, il va me bombarder. Rien, frère. Ne vous inquiétez pas, mon frère. Peut-être le temps pour moi de saluer également le frère Yannick, le seul Banganté de Paris. Shalom, mon frère. Que la grâce et la paix te soient multipliées. Amen. Pareil chez toi. Le frère Olivier, bonjour et bienvenue aussi. Shalom, mon frère. Beaucoup de courage, d'accord? Amen. Le frère Willy, bonjour. Bonsoir, frère Gilles. Bonjour. Voilà, on prend la musique et on revient. Persuaded to rule is not like that today. Today's leadership has turned to a do or die affair. I remember when thieves operated only at night, not in these days. Thieves prefer to operate in broad daylight without minding our armed security men on guard. Things are really falling apart. I remember when our youth are eager to learn. But it is no more like that in these days. Our youth are curious to know better than old ones. Things are falling apart. I remember also when there was love amidst people of God. But today, jealousy and hatred have been the order of the day. Things are falling apart. I remember again when servants open and submit themselves to their masters. But nowadays, servants are now proud and feel they know better than their masters. Things are falling apart. I remember when things were still okay. When mothers still breastfeed their babies. But instead, they now choose to give foreign milk to their children in excuse of not allowing their breasts to fall. Things are really falling apart. I remember those days when one could use 1 shilling to buy something in the market and still have some balance. It is no more today. I remember when there was still fear of God in the life of many. But today, many are behaving like animals. I could remember when a bag of cement is sold for 100 naira. But now a bag of cement is now sold for 1,400 naira, making things difficult for a common man. It is true that things are falling apart, but our God must surely see us through. If they like, let them sell a bag of rice for 10,000 naira. The children of God must survive. And even sell a bag of cement for 3,000 naira. The children of God must surely survive. Let them also raise a liter of wealth for 200 naira. The children of God Most High must definitely survive it. La sœur Julie Gabo de Virich Tatillon, bonjour et bienvenue. Bonjour, Ferdinand. À quelques kilomètres justement de là, son précieux époux qui vient tout juste se connecter, mon frère Christian Gabo. Bonsoir, bonjour et bienvenue. Bonjour, mon frère, c'est comment? Surprise ce matin, n'est-ce pas? Ah, grave seulement. Mm-hmm. Ça tombe que je travaille. Oui. Dommage. Donc, on s'est entendu à t'exclure du groupe, quoi. Ah? Hein? Non, c'est pour dire qu'on va bien travailler aujourd'hui, quoi. Le frère Pierre, bonjour. Bonjour, shalom, frère. Oui, la sœur Anne, je crois que la sœur Anne a dû fermer son micro tout à l'heure. La sœur Anne, si tu m'entends, bonjour, je suis ravi de vous entendre ce matin. Ça fait plaisir. Mm-hmm. Natoucha. Je suis au boulot et malheureusement, je ne peux pas trop parler. Oui, il ne faut même pas parler, il faut se concentrer. Bonjour, frère Junior. Bonjour, ma chère sœur. Je vous écoute seulement. Oui, écoute nos frères, mais bon là, on continue toujours à t'entendre. La sœur Marie-France Sophie, elle est en France et c'est tout naturel qu'elle s'appelle la France, du 97 boulevard David. Bonsoir, bonjour et bienvenue dans la France, dans la sainteté. Bonjour, frère Junior. Bonjour à tous les frères. Toujours, les sœurs. Toujours discrète comme la femme de Pilate. Donc, vous ne voyez pas la sœur Marie-France, c'est tellement sa caméra. La sœur Hélène, ce qui se trouve à, si ma mémoire est bonne, à Germantown, c'est quelques enclavures de Maryland aux États-Unis. Bonjour. Bonjour, mon frère. Tu as bien fait. Bonjour, mes frères et sœurs. Tu as bien voyagé. Oui, très bien. Le frère Joseph Kamagati, le fils du Seigneur, bonjour et bienvenue. Bonjour le frère Junior. Voilà, comment vous allez ce matin? Alors, grâce de Dieu, ça va. toujours égal à lui-même. Je crois que le moment viendra, on va parler de cela, toujours égal à lui-même. C'est-à-dire la parole, toujours égalé, toujours imité, toujours combattu, mais jamais égalé, ni jamais vaincu. Donc, ce serait un bon sujet d'observer dans les Saintes Écritures. N'est-ce pas? Le couple Achille aussi, bonjour et bienvenue. Bonjour Frère Junior, bonjour tout le monde. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de table. Je suis à votre service ce soir et la première question a été balancée. Frère Junior, tu n'as pas fait le tour de table, je n'ai pas entendu mon nom. Ok, c'est qui encore comme ça? C'est la scène Natou Chantal là, il croit bien, c'est ça, c'est sa voix ça. Oui, c'est moi. Bonjour la sœur Chantal. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Que le Seigneur te bénisse. Alors, je suis à votre service. Je suis à votre service. Vous m'avez manqué. Nous avons aussi manqué, frère. Voilà. Donc, je suis avec vous maintenant. Je suis avec vous. Bon, prenons donc, examinons la question de notre bien-aimé frère, de frère Achille. Je crois qu'il parlait des Aïe au chapitre 19, les prophéties qui concernent l'Afrique et le Moyen-Orient, n'est-ce pas? Oui, exactement, frère. Et vous voyez justement qu'il faut être malhonnête pour ne pas savoir que dans ces prophéties-là, justement, on parle aussi du Cameroun là-dedans. Et principalement de l'Afrique centrale, de ce que Dieu est censé faire à l'Afrique centrale. Vous pouvez comprendre tous les ébullements que le diable fait tout autour de l'Afrique centrale. Alors, le frère Achille, je crois que c'est... Qui dit « Ah bon, encore là-bas comme ça ?» Vous aimez seulement en tant que Dieu a agi en Amérique, il a agi en Orient, il a agi. Mais quand on dit c'est à l'Afrique maintenant, ça commence à surprendre, c'est ça? Ça nous étonne, frère. On ne voit pas ça. Comment ça vous étonne? Ah, le frère Christian, je crois que dans ton lieu de service, il y a du bruit. Si tu peux fermer ton micro, ce serait bon. Je crois que son talk-walk est en ce moment. La sœur Kelly est en... Elle est où maintenant? Elle est en os. Voilà, je crois qu'on peut bien travailler aujourd'hui. Si le frère Christian nous entend, puisse-t-il... Donc, commencez à noter. Notez donc Zacharie au chapitre 2. Zacharie chapitre 2 et le chapitre 9. On va examiner ces choses-là dedans avant de passer à la question suivante. Mais je crois qu'il va falloir qu'on éloque là-dessus véritablement. Oh là là là. Vous y êtes? Comment ça va faire là? Tout le monde y est. Vous avez noté Zacharie chapitre 2 et chapitre 9. Notez Actes chapitre 15. Actes chapitre 15. Tout ce dont je vais parler vont tourner autour de cela, de ces versets-là. Matthieu chapitre 10, versets 5 et 6. Matthieu chapitre 10, les versets 5 et 6. Le livre du prophète Michée, chapitre 4 et 5. Michée, chapitre... Je crois que si les autres, si vous écoutez, veuillez saisir cela sur le forum comme ça, les autres, pour que les gens puissent entendre. Vous êtes avec moi? Oui, Michée. Voilà, donc Michée, notez seulement Michée chapitre 4 et 5. Je ne sais pas dans quel passage on va commencer. Notez aussi Romains chapitre 9, 10 et 11. Vous voyez là, le frère Pierre a pris un coup de jeunesse. On ne sait pas ce qui lui arrive. Mais bientôt, on se passe certainement. Le frère Pierre, bonjour. 9 et 5. Donc, Romains chapitre 9, 10 et 11. Notez, on va parler là-dedans. Vous pouvez également noter le livre de Daniel. Si vous avez eu à lire le livre de Daniel, le chapitre 2, principalement, chapitre 2 et chapitre 3, le livre de Daniel. Si il continue comme ça, à ce sens-là, je vais vous donner toute la Bible. Parce qu'en réalité, toutes ces choses sont détachées dans la Bible. Maintenant, est-ce qu'il peut commencer maintenant? Oui. Voilà. Vous voyez, à la lecture de ce livre du prophète Ésaïe, le rouleau du prophète Ésaïe au chapitre 19, vous voyez que le prophète s'étend là longuement sur des nations, principalement cinq nations et cinq territoires qui vont intéresser le Seigneur dans un espace bien déterminé de ses prophéties. Et le frère Yannick a si bien délimité cela en disant que lorsqu'il lit cela, il a comme impression que c'est la prophétie, c'est une prophétie qui ne sont pas encore accomplies. Et effectivement, ce sont des choses qui ne sont pas encore accomplies, comme nous allons voir maintenant en examinant cela. Est-ce que le frère Willy est là? Il ne voit pas le frère Willy sur mon écran. Il voit le frère Joseph. La sœur Laetitia de Angola. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Shalom. Installe-toi confortablement et regarde sur le forum les versets qu'on a donnés. On va commencer maintenant. D'accord. Que Dieu te bénisse. Je suis là, frère. Voilà. Le frère Willy aussi est là. Donc. Alors, là, Madame Olivier Dila, Madame Olivier Saria, bonjour. Toujours calme, discret comme la femme de l'apôtre Pierre. Oui. Tu es toujours discret comme la femme de l'apôtre Pierre, n'est-ce pas? On entend seulement les échos dans les Écritures qu'elle était mariée à Pierre. Point. On ne sait pas qui c'est quoi. Voilà. Alors, pour saisir ces prophéties, ces choses dont le prophète Isaïe, ah mon Dieu, j'aurais souhaité qu'on se réunisse quelque part et puis on prend ces prophéties, si on les détache une à une dans les saintes écritures et que vous me voyez, vous prenez un verre d'eau, passe avec ces choses virtuelles, mais le moment viendra, on se réunira certainement. Ce sont des grandes révélations des saintes écritures comme ça. Vous voyez subitement, vous entendez en Afrique qu'il y a un certain souci d'orgueil, de réveil, qui arrive dans tous les plans du thème, sur tous les plans du thème, que ce soit dans les. Même les sorciers se réunissent pour dire qu'il faut que l'Afrique se réveille, même les sorciers. Commence à prophétiser en parlant, vous entendez des groupes d'Africains qui s'élèvent, ça se passe dans tous les domaines. Et dans le domaine du football, dans le domaine du sport, dans le domaine de la politique, il y a une certaine révolution, un esprit de révolution qui vient d'arriver. Et d'autres personnes disent que non, il est clair que le continent africain, c'est le berceau de l'humanité, qu'il est clair que le continent africain a longtemps souffert, il est temps qu'on se rompe des jougs de l'oppresseur. Alors, les gens le font sans savoir ce qui est en train d'arriver en réalité. Alors, c'est l'esprit des prophéties de ce que le prophète Isaïe avait écrit il y a cela plus de 2900 ans. Alors, c'est ces choses qui sont en train de s'élever comme ça. Et alors, maintenant, je vous dis, le prophète Isaïe a parlé du Cameroun là-bas et de l'Afrique centrale en général. Vous êtes surpris, pourtant, c'est écrit là-bas noir et blanc. Vous entendez chaque fois dans les enseignements, je dis, le Cameroun dans la Bible ou bien les États-Unis. Vous ne verrez nulle part les États-Unis écrit les États-Unis. Mais le langage prophétique se renvoie et vous pouvez savoir. Enfin, si vous lisez la Bible avec l'esprit du prophète, vous pouvez savoir de qui l'on est parlé. Maintenant, Dieu s'intéresse à l'Afrique. Avant de développer cela, il faut qu'on comprenne d'abord ce que Dieu veut faire sur la terre. On comprend quel est son plan à lui. Vous voyez, n'est-ce pas? Pour cela, commençons donc dans le livre des Actes des Apôtres pour comprendre cela dans la Nouvelle Alliance. Comprenons ce qu'il en est dans la Nouvelle Alliance. Ouvrez Actes des Apôtres, chapitre 15. Actes des Apôtres, chapitre 15. Ah, oui. Excuse-moi, Père Junior. Oui. Je voudrais poser une question un peu dans le même ordre que là. Oui. Pourquoi la prière pour la paix? J'ai pas bien saisi. J'ai pas bien saisi. Ça se coupe un peu là. Pas. Oh là là. Je ne sais pas si vous l'entendez. Je l'entends pas. On ne t'entend pas. Je ne sais pas si les autres t'entendent. Moi, je ne t'entends pas du tout. Non, nous ne l'entendons pas. En tout cas, je ne t'entends pas. Le frère Olivier, on ne t'entend pas. Je ne sais pas si elle peut permettre que la connexion soit stable. Si c'est possible, note ta question. Ne pas oublier. Là même, ça ne marche pas. Essaye de parler, voir. Ok, d'accord. Après, je vais poser. Si ça ne marche pas, après, je pose. Ok, merci beaucoup. Si vous ne m'entendez pas. Oui, donc il y a des interruptions. Sinon, je vous entends. Voilà. Non, il y a des interruptions de ton côté, des interruptions. Et souvenez-vous, c'est pour cela que je vous demande d'ouvrir les écrans, parce que à vous voir la réaction de vos visages, quand on dit quelque chose de choquant, vous pouvez réagir, on sait que vous avez entendu. Mais quand c'est virtuel, quelqu'un peut être en train de parler sans s'en rendre compte que ça ne passe pas du tout. Alors, ouvrez, chaque fois si je parle, s'il y a des interruptions, vous levez la main, faites-moi aussi pour que je vous voie sur l'écran pour intervenir. Alors, si vous prenez cet acte des apôtres au chapitre 15, à partir du verset 1, il est écrit, et je vais chuter là-dessus, il est écrit que quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidaient que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et à la Samarie, racontant la conversion des païens. Soulignez déjà ça, la conversion des païens. La conversion des païens. Et ils causaient une grande joie à tous les frères. Donc vous voyez dans le verset 3, on parle de la conversion des païens. C'est très important. Arrivé à Jérusalem, il fut reçu par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors maintenant, écoutez très attentivement. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru s'élevaient en disant qu'il fallait circoncire les païens. Circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Soulignez circoncire les païens et exiger la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre, écoutez bien, Pierre se leva et leur dit, « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. » Soulignez, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme en nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Soulignez nous et eux. Voilà, nous et eux. Maintenant, vous pouvez encadrer le groupe de mots ayant purifié le cœur par la foi. Ayant purifié le cœur par la foi. Vous voyez qu'une seule question de la Bible, et puis ça va nous entraîner dans toutes les directions là maintenant. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un jour que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. Il y a le talkie walkie de mon frère qui est en train de signaler là qu'il y a des bandits dans le rayon. Dedans là où vous avez sorti. Le frère Christian, si tu nous entends, dès que tu es connecté, il faut couper ton micro. Verset 11 du chapitre 15 des Actes des Apôtres. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière que toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontaient tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Soulignez au milieu des païens. Au milieu des païens. Maintenant, verset 11, il y a des bruits là, il y a des bruits, il y a des bruits. Verset 12 encore. Je ne sais pas si le peuple est science. Vous pensez qu'avec les bruits qu'il y a autour de lui, là, il est en train de nous écouter lui-même? Il ne nous écoute pas. Il n'est ni concentré dans la parole, ni concentré dans le travail. Le verset 12 encore, toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontaient tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Et quoi qu'il va apprendre à ses... Il va apprendre à ses dépens. C'est désagréable. Pour l'appeler Serge Julie. Non, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Son problème sera réglé maintenant. Quelques secondes, ne vous inquiétez pas seulement. Alors, souvenez-vous du verset 12 encore. Quand vous avez souligné la partie B, la partie C de cela. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontaient tous les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Vous avez souligné, au milieu des païens. Lorsqu'il eut cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Homme frère, écoutez-moi. » Maintenant, écoutez bien le discours de Jacques. « Simon a raconté comment Dieu a d'abord... » Gardez bien les mots. Verset 14. « Simon a raconté comment Dieu a d'abord... » jeter les regards sur les nations. Souligner les nations. Maintenant, pour choisir du milieu d'elles Elle aime remarquer très lentement qu'elle ici est accordée, c'est au pluriel. Pour choisir du milieu d'elle un peuple qui porta son nom. Puis la Bible déclare verset 15. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes. Remarquez qu'il est écrit encore par rapport aux prophètes. Les prophètes ici c'est au pluriel. Donc ça veut dire que ce sont les prophètes en ont parlé. Avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, nous allons comprendre pourquoi il en est dit après cela. Encadré après cela. Nous, il faut qu'on comprenne ce que le frère en train de parler ici par après cela. Qu'est-ce qu'il veut faire mention? Qu'est-ce qu'il fait mention en appelant par après cela? La Bible déclare ici, il dit, après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. Souligner chute de la tente de David. Chute de la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Verset 17, enfin, afin que le reste des hommes, souligner reste des hommes. Afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations, écoutez, sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses. Fin de lecture. Que Dieu bénisse son peuple. Vous êtes prêts maintenant à m'écouter, frère? Amen, amen, amen. Amen. Voilà. Il y a des mots que nous avons soulignés dans cet acte des apôtres. C'est là suffisant, ça suffit plus maintenant de faire quatre d'enseignements et puis de bien saisir le plan du Seigneur. D'après ce qui est là, on voit qu'en réalité, le choc de la conversion, la conversion des païens et la réunion avec le peuple de Dieu chantant d'un même cœur le Dieu d'Israël était un choc pour les premiers chrétiens. Je ne sais pas si vous me saisissez. La conversion des païens, vous avez souligné tout à l'heure la conversion des païens, parce que c'était incommensurable, c'était impensable que les païens puissent chanter dans leur propre langue, dans les langues maternelles de leurs différents pays, les cantiques et les paroles du Seigneur. C'était impensable. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Dieu était un Dieu exclusivement le Dieu d'Israël. Vous voyez cela? Donc, ça veut dire dans la pensée juive. Et pourtant, d'après ce que nous sommes en train de lire ici, les prophètes en avaient parlé. Et pourtant, les prophètes en avaient parlé, d'après ce que Jacques André nous dit ici. Qu'avec cela s'accorde ce qu'ont dit les prophètes. Maintenant, qu'est-ce qu'on commence à remarquer? On remarque que dès la conversion de l'Église, l'intégration des païens n'a pas été facile parce que la mentalité juive avait donné pour Dieu l'exclusivité des Juifs. En effet, Dieu s'appelle le Dieu d'Israël, pas le Dieu des nations. Mais dans les pensées de Dieu, c'est pour ça que ceux qui sont de la religion musulmane, justement, c'est pour ça que je vous ai donné le livre de Matthieu chapitre 10, verset 5 et 6. Je crois que vous avez noté cela aujourd'hui. Dans le livre de Matthieu chapitre 10, verset 5 et 6, il est écrit, on donne au verset 5 les noms des disciples que le Seigneur a choisis et les a envoyés aller prêcher. Au verset 6, il leur dit d'aller, n'allez pas vers les nations, vers les païens, vers la Samarie, à la Samarie, mais allez vers les, il précise très attentivement, allez vers les brebis égarées de la maison d'Israël. C'est parti maintenant pour la doctrine musulmane selon laquelle Jésus n'était venu. Vous voyez seulement, pour élever Mohammed au rang des messagers pour l'humanité, pour tout l'univers, il faut qu'il trouve les alternatives dans la parole pour signifier que normalement, on ne peut pas croire en d'autres personnes que Mohammed. Et par conséquent, il trouve des failles comme ça. Enfin, il trouve des pieds d'achoppement que Dieu lui-même a mis pour pouvoir dresser Jésus-Christ chez les Juifs et maintenant l'isoler là-bas afin de dire maintenant que normalement un messager est censé venir de façon universelle. Vous voyez? Alors, maintenant, ne comprenant pas justement ces choses, c'est pour ça que nous sommes obligés de lire toutes ces choses pour que vous compreniez. Je suis obligé de faire le panorama de toutes ces choses dans les Saintes Écritures pour vous les présenter en fin de compte. Donc, d'après ce qui est écrit ici dans ce Matthieu chapitre 10, Jésus dit lui-même de sa propre bouche. Et vous voyez, quand les débatteurs des musulmans disent cela, ils disent que, est-ce que vous êtes plus intelligent que Jésus? Les chrétiens font ce qu'ils ne vont pas. Et c'est pour ça qu'ils détestent l'apôtre Paul, parce que c'est l'apôtre Paul, dit-il, qui a amené le christianisme moderne. Parce que Jésus, lui, il n'a pas fondé la religion des chrétiens parce que Jésus était exclusivement judaïque et il était exclusivement chez les musulmans. Et ils disent clairement que si l'apôtre Paul a fondé et amené la religion chrétienne chez les païens, il n'a jamais rencontré Jésus-Christ. Et sa rencontre avec Jésus-Christ dans la colonne de feu de Actes chapitre 9 était un mensonge. Et par contre, il a dérouté tout le monde parce que Jésus, lui, il a dit, comme on venait de lire ici, je n'étais envoyé qu'aux brebis égarées des enfants d'Israël. Et au chapitre 15 également, il y a une femme syro-phénicienne qui crie à lui. Il dit que il y a les choses des petits chiens, la table des enfants. Vous savez, ces choses-là. Par conséquent, d'après cette doctrine musulmane, Jésus n'avait été envoyé qu'aux brebis égarées des enfants d'Israël, c'est-à-dire qu'il était envoyé pour Israël. Mohammed maintenant était envoyé pour toute l'humanité comme annonciateur et avertisseur, comme il est écrit dans ce Coran-là, dans cette sourate, c'est que Mohammed est un messager pour toute l'humanité. Non seulement pour toute l'humanité, pour tout l'univers. Donc même les djinns en haut, même les étoiles sont censés entendre le message de la rédemption par le Coran. Cela étant, c'est sans compter avec les langages prophétiques, des choses cachées dans les Saintes Écritures que les prophètes ont parlé et que Dieu a annoncé longtemps avant. C'est donc pour cela que nous allons aller dans les Écritures pour voir effectivement que c'était prévu dans le plan des dieux que Dieu appelle les nations à lui, à le servir aux compagnies d'Israël. C'est ça donc, voilà donc l'un des grands mystères des Saintes Écritures. Maintenant, Jacques dit ici, à l'issue de la rencontre, parce que le problème qui a eu lieu à la naissance de l'Église, c'est que ils se trouvaient dans l'ambiguïté de l'observation. Dieu leur avait donné une règle d'écriture au travers de Moïse, sous le sacerdoce lévitique. Maintenant, les païens n'observaient pas cela. Sous les yeux du livre d'Ézéchiel, la Bible déclare que toutes les nations sont incirconcises, que Israël est incirconcis de cœur, mais toutes les nations sont incirconcises. Dieu avait donné le signe de la circoncision à Israël, comme signe de la conversion authentique. Vous voyez cela, de la nouvelle naissance. Maintenant, le temps de cette prophétie-là, de la nouvelle naissance, devrait arriver en son comble, manifesté par le Fils de Dieu, dont l'Esprit devait régénérer tous ses frères qui lui appartiennent, afin d'être un type modèle pour tout le reste de la postérité. Alors, Jésus vient et fait le sacerdoce, et il va au ciel, en disant justement aux disciples qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Justement, s'il leur disait physiquement que les nations devaient se joindre à eux, ils ne comprendraient pas cela. Ils pouvaient dire que Jésus était le faux Messie, parce qu'ils savent que le Messie, c'est pour les Juifs. Alors, quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit mettra les cœurs d'accord sur tous les plans. Les disciples donc se convertissent, quand les gens se convertissent, et en même temps chez les païens, en même temps chez les Juifs, des problèmes se posent maintenant. Faut-il continuer à observer la loi de Moïse? Si oui, comment faire? Quelle est l'étendue? Dans ce cas, ils pensaient qu'il fallait qu'on attire les païens donc et on les soumet à la loi de Moïse pour qu'ils puissent être enseignés de la même règle de doctrine telle qu'on a fait avec les Juifs. Or, ils ne comprenaient pas que non seulement la règle de doctrine écrite pour les Juifs annonçait ce moment-là, le moment de la restauration où Dieu écrivait la loi sur le cœur, où l'adoration se passait en esprit et en vérité, où ce n'est pas la loi des interdictions dans la chair. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, non seulement ceux qui étaient sous la loi étaient ambigus, mais aussi ceux qui se convertissaient ne savaient pas que faire. C'est donc pour cela que le Saint-Esprit, le grand enseignant, devrait être au milieu d'eux pour les conduire dans la vérité. Et cela, Simon-Pierre leur dit clairement que Dieu a fait un choix parmi eux afin que ce n'est pas sa voix que les païens entendissent la parole. Et ce qu'il fait, ce qu'il dit, est réitéré précédemment dans le livre d'Actes d'Apôtre, chapitre 10. Lorsque Dieu lui montre la vision en disant « tu et mange », il dit effectivement à la voix qui lui parle, tu sais que je n'ai jamais rien d'impur, manger rien d'impur. Or, dans son langage prophétique, il est question de la collaboration avec les païens. Seigneur, tu sais que je n'ai jamais été chez les païens. Et Dieu lui dit que voici maintenant, voici le moment d'attraper les gens chez les païens, dans la vision que Dieu lui montre. Vous voyez, il lui montre avec les quadrupèdes de tous ces animaux impurs qui étaient interdits chez les Juifs de manger. Vous commencez à comprendre que dans le langage prophétique, en interdisant aux Juifs de manger les animaux, Dieu voulait leur interdire pour montrer qu'ils sont un peuple mis à part, un peuple saint. Ils ne devaient pas collaborer avec les païens qui ne sont pas encore circoncis. Et donc, dans Actes chapitre 10, donc Dieu présente cela à l'apôtre Pierre en disant qu'il est temps maintenant d'affronter le païen, que le mur de la barrière qui avait été installée jusqu'à un certain temps doit être brisé. Le moment est arrivé. Il dit à Pierre, à trois reprises, tu et mange. Il dit, je n'ai jamais mangé rien d'impur. Donc, en réalité, je n'ai jamais communié avec des païens. Je ne peux pas entrer chez eux. Alors, le Seigneur, la voix lui a dit, c'est que Dieu a déclaré pur, que personne ne regarde comme impur. Dieu ne veut pas dire qu'il mange des animaux, que non. Dieu a lui dit que le moment de la purification est arrivé parce que cette purification doit être faite. Et tout à l'heure, vous avez souligné, Dieu leur a accordé quoi? Que Dieu leur a purifié leur cœur par la foi. La foi, le cœur devait être purifié. C'est ça qui rendait les gens impurs. Vous voyez, Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 10, enfin chapitre 7, 7 Marc chapitre 7, j'espère qu'il ne va pas venir. Vous voyez, quand cette chose me prend là, vous voyez ce qu'il arrive là maintenant. Dans Matthieu chapitre 15, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui souille l'homme. Or, vous voyez qu'en présentant ça chez les Juifs, ça devient comme si c'était un paradoxe ou même des contradictions. Parce que c'est écrit littéralement dans le livre de Lévitique chapitre 19, et chapitre 11, qu'il y a des interdictions par rapport au sujet des animaux qu'on ne devrait pas manger. Mais ces animaux-là typifiaient la vie des païens. Et Jésus leur explique effectivement qu'il est préparé à ces événements-ci. Que ce qu'on mange ne souille pas l'homme à l'intérieur. C'est ce qui sort de l'homme. Parce que c'est de l'intérieur que vient le meurtre, les adultères, le mensonge, toutes ces choses-là. Ce sont ces choses-là qui souillent l'homme. Or, donc, ça veut dire que les parents étaient souillés parce que leur cœur n'avait pas été purifié. Et ici, le Saint-Esprit dans Actes des Apôtres nous explique clairement que les païens, leur cœur a été purifié par la foi. Donc, c'est uniquement par la foi en Jésus-Christ que les cœurs sont purifiés de tout péché. Et ça fait donc que les gens soient déclarés devant Dieu justifiés. Et donc, cet enseignement dont l'apôtre Pierre l'a reçu dans Actes chapitre 10, alors qu'il était à Joppé en train de prier sur la montagne, enfin, dans la chambre, avant que l'ange descende maintenant et demande qu'on envoie appeler l'apôtre Pierre à Joppé. Quand il vient maintenant, en descendant donc de là, la barrière judaïque qui était le mur de séparation entre les païens avait été brisée. C'est donc pour cela que l'apôtre Pierre dit, vous savez que Dieu a longtemps fait un choix parmi vous, afin que par ma voix, les païens entendissent la bonne nouvelle. Quand il va entrer donc dans Actes d'Apôtre chapitre 10, si vous lisez à partir du verset 24, la Bible dit que toute la famille de Cornée et tous les autres des amis l'avaient invité, les amis, ils étaient longtemps, ils attendaient. Quand Pierre est entré, il a vu les païens assis. Il dit que vous, en réalité, vous savez, dans son discours, vous savez qu'il est interdit. C'est ça qui montre clairement le mur. L'inimitié dont l'apôtre Paul parle dans Actes chapitre 2, verset 13 et suivant, que l'a brisé le mur de la séparation. Il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin et la paix à ceux qui étaient prêts. Donc ceux qui étaient prêts ont été coupables devant Dieu. Ceux qui étaient loin étaient coupables devant Dieu. Chacun en son rang. Dieu est venu donc annoncer la paix. Donc, et par la croix du Seigneur Jésus-Christ, dont la réconciliation a été faite, non seulement avec les Juifs, qui étaient son peuple prophétique par rapport à l'héritage et le don des appels, de la même façon aussi par rapport à son peuple qui était disséminé parmi les nations. Jésus-Christ est le remédiateur et le réconciliateur qui unit toute personne donc dans le parfait amour et dans la parfaite façon à Dieu comme Dieu a voulu. Dans Hébreux chapitre 10, la Bible déclare qu'il n'a voulu ni sacrifice ni holocauste, ce dont on donne d'après la loi. Mais il m'a formé un quoi. Il dit que dans le rouleau du livre, il est question de moi. Vous lisez ça là dans le livre de Psaume 46. Alors, il dit que je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Quand Dieu dit qu'il vient pour faire ta volonté, l'apôtre Paul explique dans ses Hébreux chapitre 10 qu'en disant que je viens pour faire ta volonté, il annule la première. Donc, ça veut dire que la première n'était pas sa volonté parfaite. Christ est donc venu pour accomplir la volonté parfaite du Seigneur. Et après l'avoir accompli cette volonté parfaite, le verset 14 dit que par son seul sacrifice, il a amené à la perfection pour toujours tous ceux qui sont sanctifiés. Donc vous voyez effectivement que c'est par le sacrifice de son corps et c'est en vertu de cette volonté donc dit la Bible que nous sommes sanctifiés. C'est donc pour cela que quiconque met la foi en le Seigneur Jésus-Christ est automatiquement sanctifié par cette même volonté. Parce que Christ lui a accompli la volonté parfaite du Seigneur. Personne de nous ne pouvait l'accomplir. Alors ce mystère-ci expliqué dans la Bible, dans les Saintes Écritures et présenté dans les Saintes Écritures, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ils croient que Jésus est venu établir une religion sur la terre. Que non, Jésus n'est pas venu établir une religion sur la terre, encore moins ses disciples. Parce que ce sont ces institutions religieuses qui ont toujours mis un frein et un obstacle entre l'homme et Dieu. On a toujours eu à concevoir certaines choses, comme des marches avec le Seigneur, comme étant des dogmes, des rituels qu'on doit faire pour plaire à Dieu. Que non, Dieu a envoyé Jésus-Christ justifier ceux qui lui appartiennent. Et quand il les a déclarés non coupables, la Bible parle donc de la purification de leur foi, de leur cœur par la foi. Les païens donc ayant été purifiés par la foi en Jésus-Christ, il n'y avait plus donc le mur entre eux et les Juifs. Par conséquent, le conflit judéo-païen, judéo-grec était brisé. Mais maintenant, il fallait nettoyer ça dans la mentalité. D'où la réunion donc de Jérusalem dans Actes chapitre 15. Et lors de cette réunion donc là, le Saint-Esprit parle dans les uns et dans les autres sans que nous ne voyions des contradictions. Pourtant, on s'attendrait à ce que le débat soit houleux pour que les gens disent, ok, si les païens ne veulent pas se soumettre à la loi de Moïse, ils doivent se séparer. Vous voyez, la Bible déclare que ça a mené un vif débat parce que Dieu a amené les apôtres qui avaient cru à une compréhension parfaite des plans de Dieu, le pourquoi il y avait séparation initiale entre les Juifs et les païens et le pourquoi et à quel moment de l'histoire il se trouvait et il fallait maintenant jumeler les deux pour comprendre que lorsqu'on croit en Christ, Juifs et païens n'ont plus de sens, tous nous sommes un en Christ. Et c'est ce que la réunion de Jérusalem va faire ressortir pour qu'on enseigne la même doctrine partout que les païens ont accès. De la même façon comme les Juifs, pas par le sang des boucs, pas par l'observation de la loi de Moïse, mais par la foi en Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre explique que Dieu a justifié leur foi en leur accordant le même Saint-Esprit comme à eux au commencement, sans faire la différence. Et il dit, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que nous croyons être sauvés, tout aussi bien comme eux. Donc, le moyen d'accès au salut ne dépendait pas par l'observance de la loi de Moïse, ni par l'appartenance d'une certaine ethnie. Et par conséquent, ceci étant, ça montre clairement que les fils de Dieu dans la souche de Dieu étaient disséminés parmi les nations partout, en commençant par les Juifs. L'apôtre Jacques donc explique ici que Dieu a d'abord jeté le regard sur la terre pour chercher, pour choisir une nation qui porte son nom. Donc, Israël par ce choix de Dieu, de façon irrévocable, montre par là que c'est par grâce que Dieu choisit. Et ses dons et ses appels sont irrévocables. Donc, Israël n'avait rien fait pour mériter le choix de Dieu. C'est Dieu qui, dans son amour, a choisi Israël de son propre gré. Et dans cette même phrase, l'apôtre nous explique que avec cela s'accorde ce qu'ont dit les prophètes. Donc, c'est un paradoxe vraiment. Parce que même certains prophètes disaient ces choses sans comprendre. Parce que les Juifs ne collaboraient pas avec les nations. Et pourtant, les prophètes étaient là pour annoncer qu'en réalité, il y a un moment où Dieu va réunir à lui un peuple, déjà à Israël, un autre peuple qui lui appartient, qui sont ses frères. Et maintenant, les prophètes eux-mêmes, il fallait que Dieu envoie les nations, le peuple parler des nations. Quand vous lisez le livre de Jonas, vous êtes surpris, et vous êtes surpris comment Dieu va envoyer un prophète de la Galilée, parce que Jonas est issu de Galilée, comment Dieu envoie quelqu'un de Galilée aller parler à Ninive, la grande ville. Et vous voyez que la grande ville de Ninive, au bord de Tyr et Sidon qui est située, le commerce qui était là-bas, l'opulence qui était là-bas, il y avait tellement de péchés là-bas. Au point où vous vous posez la question, dans l'Ancien Testament, comment se fait-il que Dieu envoie un prophète juif chez les nations, à Tyr, à Sidon, à Ninive, pour pouvoir prêcher la repentance au point où les gens se repentent? Ça commence à poser un problème au milieu même de l'Ancien Testament. Comment se fait-il? Là, ce n'est pas le peuple de Dieu, ce n'est pas le peuple juif. Comment Dieu annonce la repentance dans les nations, dans l'Ancien Testament? Vous commencez à voir les signes des présages. Au point où le prophète lui-même, le prophète Jonas, a refusé cette mission-là. Il a dit que non, Dieu, je te connais, tu es un Dieu qui pardonne, tu es miséricordieux. Tu l'as dit donc, il dérange. Et les gens-là sont des pécheurs parce qu'ils ne connaissent pas la loi. Dieu lui demande, est-ce que tu veux que je tue ces gens des villes comme ça où il y a 120 000 hommes et donc aucune personne de cette ville-là ne s'est distinguée de sa gauche, de sa droite. Alors maintenant, le point c'est ceci. Ninive n'est pas le peuple de Dieu sur le plan étymologique par rapport à l'Ancien Testament. Alors pourquoi donc Dieu envoie un prophète juif aller là-bas pour prêcher la repentance au point où tout le peuple se repent, même le roi, il prend le sac exactement comme les juifs. Vous voyez que ces signes-ci dans l'Ancien Testament montraient effectivement que Dieu devait ouvrir une brèche vers les nations et il y avait un plan derrière. Que Dieu vous bénisse. Bon, j'espère que vous m'entendez pour que je puisse continuer. Amen, amen. Voilà. Amen. Alors, donc en réalité, le point ici, c'est qu'il faut comprendre dans le plan de Dieu que Dieu avait un plan avec les nations. Israël n'est pas donc le peuple exclusif de Dieu. Parce que c'est le peuple exclusif de Dieu en tant qu'Israël, en tant que nation, c'est un choix type pour montrer que Dieu a son peuple et c'est lui qui fait le choix. Israël donc est une nation choisie par Dieu dans laquelle il devrait implémenter ses lois et ses différentes façons de vivre. Donc Dieu voulait choisir Israël pour présenter aux yeux des nations sa fonctionnalité, ses personnalités. C'est pour cela qu'il va prendre Israël comme un type pour pouvoir expliquer ses lois aux gens. Il a donc choisi Israël. Le choix d'Israël ne veut pas dire Dieu a rejeté les nations. Vous voyez cela? C'est ce que l'apôtre Paul explique dans le livre de Romains au chapitre 11. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a choisi d'avance. Parce qu'il y a un autre paradoxe maintenant. Pendant que d'autres franges chrétiens disent non, Israël n'est plus une nation de Dieu parce que Dieu les a rejetés, ils ne comprennent pas qu'il y a un mystère de chute et de relèvement d'Israël. Il y a un mystère de chute d'intégration des païens. Donc d'un côté, Dieu choisit Israël, fonctionne avec Israël pour implémenter ses lois et ses commandements. À un moment donné, donc, met la pause à Israël, les fait chuter dans le péché, et se tourne vers les nations maintenant pour implémenter la loi de la foi. Quand il marche dans la loi de la foi maintenant, il va enlever les gens dont la foi est parfaite pour l'enlèvement. Se tourne maintenant quoi à Israël pour les réconcilier à lui, afin que toutes les nations suivent Dieu à Jérusalem, comme nous allons voir dans le livre des Zacharie, chapitre 2 et le chapitre 9. Je ne sais pas si vous me saisissez. C'est ce qui est contenu donc dans la prédication de l'apôtre Jacques dans ce chapitre 15 ou verset 15 où il conclut en disant qu'avec cela s'accorde ce qu'ont dit les prophètes. Après cela, je relèverai de la tente la chute. Donc c'est prévu dans le plan de Dieu que la tente de David sera bafouée, que la tente de David va chuter. Et par conséquent, Dieu. Maintenant, le mot c'est après cela. Donc vous voyez cela? Donc il y a le groupe de mots après cela. La question c'est après cela. Qu'est-ce qu'il a de se référer par après cela? Ça veut dire qu'il y a un événement qui doit se produire afin qu'il revienne encore vers David, dont la chute de la maison d'Israël était prophétisée. La chute de la maison d'Israël était prophétisée et quelque chose est censé se mettre en place avant que Dieu revienne maintenant pour remettre Israël à sa position de choix inéluctable devant la pensée du Seigneur. Amen. Alors donc, quand on n'a pas compris ces choses, si vous allez voir effectivement que les gens posent la question, pourquoi Jésus-Christ dit notre Seigneur dans Matthieu chapitre 10, verset 5 et 6, n'allez pas vers les païens, parce que ce n'était pas le moment. Vous voyez cela? Ce n'était pas le moment d'aller vers les païens. Il est venu pour implémenter d'abord, pour montrer aux juifs que ce qu'on vous a promis, c'est ici dans la rédemption. Parce que c'était écrit justement dans le livre d'Isaïe, justement, au chapitre 6, à partir du verset 1, l'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur debout, sur un trône élevé. Le pan de son vêtement remplissait le temple et les séraphins qui criaient là-bas, Saint, Saint, Saint, et l'Éternel. Toute la maison était avait frémi. Puis Dieu, après avoir purifié les lèvres du prophète Ésaïe, va demander qui enverrai-je, qui marchera pour nous. Et Ésaïe va dire, mais voici Seigneur, envoie-nous, au verset 8. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, va et dis à ce peuple, vous entendez de vos yeux, vous regardez de vos yeux, vous ne verrez pas. Donc Dieu a envoyé l'esprit de prophétie pour aveugler Ésaïe, pour qu'il ne reconnaisse pas le Messie. Exprès, pour qu'il tue le Messie, afin qu'il se tourne vers les nations. Voilà donc le mystère de la chute d'Israël. Donc, c'est prophétisé que c'est Dieu lui-même qui a aveuglé Israël pour qu'il ne reconnaisse pas le Messie. Il y avait un but. Parce qu'il fallait qu'il établisse d'abord la justice sur la terre avant que toutes les nations le cherchent, comme on va voir dans les Saintes Écritures. Amen. Amen. Alors, donc, quand on ne connaît pas toutes ces choses-là, on va commencer à prendre les Écritures, aller dans tous les sens du terme. Dans ce cas, pourquoi Jésus dit ici-là que, n'allez pas vers les païens? Et donc, vous voyez effectivement que ces gens qui prennent ces discours-là, lorsqu'ils arrivent dans Matthieu chapitre 28, où Jésus-Christ a dit maintenant, allez par toutes les nations et faire des nations des disciples, on commence maintenant les philosophies. Les deux choses l'une, on commence soit, on dit que non, c'est pas ça là, Jésus-Christ n'a pas dit, on l'a seulement ajouté. Les deux, ou bien on dit que non, Jésus-Christ dit comme ça aux juifs, d'aller chercher les juifs qui sont dans la diaspora. Ou bien de trois, on dit que non, là maintenant, ce sont les apôtres eux-mêmes qui ont ajouté cela, les chrétiens de modernes qui ont falsifié ça pour pouvoir justifier la chrétienté dans le monde. Parce qu'en réalité, ça semble être bizarre. S'ils acceptent que Jésus-Christ a dit dans le chapitre 10, dans ce cas, pourquoi il dit donc qu'aller faire des nations des disciples? Vous voyez? Or, d'autres personnes disent maintenant qu'en prenant ce même passage, que Dieu veut que toutes les nations soient ses disciples. Dieu ne dit ni que toutes les nations seront ses disciples, il ne dit ni que ce sont les juifs de la diaspora. Dieu dit qu'il y a ses enfants parmi des nations partout qu'il faut aller pour délivrer. Et par conséquent, quand les gens là dans les nations, quand ils vont recevoir, ne vous inquiétez pas, c'est la lumière qu'on a coupée ici donc. Quand vous avez vu le changement de décor, c'est la lumière, c'est normal, mais on va continuer à bavarder. Alors, quand vous voyez le changement de décor comme ça, ça montre clairement que c'est un temps qui change. Comme la lumière quitte pour donner place aux ténèbres, et ainsi de suite, les ténèbres jouent le rôle de la lumière. C'est comme ça que Dieu fait dans ses plans. Alors, quand Jésus dit, allez et faites que toutes les nations des disciples, il ne dit pas qu'on fasse que toutes les nations. Jésus n'a pas dit, allez, faites que toutes les nations soient disciples. Il a dit, allez et faites de toutes les nations. Donc, dans la nation, on va faire les disciples dans les nations. Il n'a pas dit que toutes les nations seront des disciples. Non. Mais faites de toutes les nations les disciples. Pas que faire qu'on fasse toutes les nations les disciples, mais de toutes les nations les disciples. Donc, vous voyez, l'appellation et le langage du Seigneur doivent être bien compris. Si on n'a pas compris cela, on va aller dans tous les sens du terme. Vous m'entendez, mes frères? Est-ce que vous m'entendez? La France de la sainteté, rebonjour. Rebonjour, frère. Cette coupure de lumière n'a rien changé au décor, bonjour. N'est-ce pas? Nous allons continuer à parler. Vous m'entendez? On t'entend. Voilà. Donc, on a eu une interruption d'électricité de ce côté-ci. Mais ça n'a pas m'empêché de parler. Vous pouvez me permettre de continuer? Oui, frère. Voilà. Notre adversaire n'aime pas qu'on déploie les choses de Dieu pour qu'on puisse entrer en connaissance de toutes ces choses-là. Il est vaincu. Il est vaincu, en effet, il est vaincu. Alors, je continue. Donc, vous comprenez effectivement que tant qu'on n'a pas saisi toutes ces choses dans la Bible, ce sont des choses que Dieu lui-même... Je ne sais pas, vous me voyez, n'est-ce pas? Si vous ne me comprenez pas, vous faites-moi seulement signe. Alors, quand on n'a pas compris ces choses, Dieu a lui-même mis des choses comme ça, des paroles disséminées dans la Bible, pour que son esprit puisse les rassembler dans sa compréhension. Maintenant, de l'autre côté, on voit effectivement que Jésus est venu lui-même sur la terre et lui dit de sa bouche, n'allez pas vers les brebis, n'allez pas vers les païens, n'allez pas chez les Samaritains, mais allez vers les brebis et garder des enfants d'Israël. Et quand les gens lisent là, ils veulent soutenir une doctrine pour pouvoir construire l'hérésie comme les musulmans. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se rencontrer dans le livre des Jean chapitre 4 et ils vont avoir l'ambiguïté là-bas, la conversation de Jésus avec les Samaritains. Et une fois de plus maintenant, il va falloir renier toute cette parole-là. Jésus lui-même qui a interdit qu'on ne parle pas chez les Samaritains a séjourné, causé avec la femme samaritaine. Parce que c'est une femme samaritaine. La conversation dit clairement que d'où vient-il que toi qui es juif, tu me demandes à moi qui suis samaritain. Vous voyez cela? Dans la conversation de Jésus, ça va amener que toute la population de la Samarie vont se convertir. Mais les musulmans, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, ce sont les juifs de la diaspora qui étaient disséminés parmi les Samaritains que Jésus a convertis. Or, cette femme dit clairement qu'elle est samaritaine. Vous voyez que les gens sont seulement malhonnêtes. Non seulement ils sont malhonnêtes, ils voient clairement dans les Écritures et ils ne veulent pas croire. Et la Bible déclare que Jésus a séjourné là-bas encore 2 jours, leur enseignant la parole avant de quitter. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, vous voyez, même avant de dire que l'apôtre Paul est venu pour parsemer parmi les chrétiens la sémence de la doctrine chrétienne chez les païens, alors qu'il ne devrait pas être, nous voyons Jésus-Christ lui-même commencer à frayer le chemin pour montrer effectivement que ça devrait aller dans cette direction-là. Au sorti donc de son ministère terrestre, dans Actes chapitre 1, le verset 8, Jésus l'a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il dit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie. Vous voyez, il cite encore la Samarie. Il dit que en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais les malhonnêtes musulmans disent encore que non, ce sont les juifs qu'on va aller chercher aux extrémités de la terre. Ces juifs-là, eux-mêmes, qui restent toujours, qui donnent, comme David a dit, qu'on tient leur dos continuellement courbé, parce que l'endissement va rester tant que les chrétiens sont encore sur la terre. Alors, donc, ce sont ces petites choses qu'il faut savoir. La chute d'Israël, la renonciation d'Israël par la suite, donc l'intégration des païens. Ce sont les mystères de la Bible. Je crois que dans un enseignement, sur Bamba, les mystères, j'en ai parlé, hein, j'en ai fait état de toutes ces choses ici. Donc, dans Jean chapitre 4, on voit Jésus annoncer chez les Samaritains. Mais maintenant, le plus grand c'est ceci, c'est que les nations, donc, par la suite, devraient être réunies à Israël. C'est ce qui ressort. Allons donc dans le livre de Zacharie au chapitre 2. Zacharie, le chapitre 2. Que Dieu vous bénisse. Et merci au frère pour cette question-là. J'espère que... Je crois qu'il faut plus que j'ai... Vous savez, je suis obligé, à chaque fois que vous posez la question, de détacher comme ça pour que ça soit clair, que l'ombre soit... La lumière soit jetée dans toutes les zones d'ombre afin que plusieurs questions, les pans soient levés dans d'autres directions. Zacharie, chapitre 2. Zacharie, le prophète Zacharie, chapitre 2. Voilà. À partir du verset 7, donc, notez les versets 7 à 13. Comme il n'y a pas la lumière, si vous lisez là, le son ne sera pas élevé. Donc, je vais devoir lire, vous suivez dans votre Bible. Regardez verset 7. Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone. Vous voyez effectivement ici, dans ce contexte, dans le contexte de Zacharie encore, c'est le retour des peuples juifs et le rétablissement d'Israël en son sein. Le prophète Zacharie, fils de Berechia, ainsi de suite, âgé, et tous les autres prophètes, Tobija et autres, là-bas, Sévérin, Secrétaire, Sophonie et Josué, étaient des rescapés de la captivité babylonienne, qui sont allés là où ils sont allés sur Nebuchadnezzar. Là, maintenant, on atteignait 70 ans et qu'ils rentraient au pays. Donc, c'était le retour maintenant. Et Dieu a annoncé ici à Sion que quitte, sauve-toi. Ça ne veut pas dire qu'il fuit, ça veut dire que c'est le moment de quitter. Le moment que le peuple juif quitte du côté de Babylone pour retourner dans son pays. Maintenant, suivons la prophétie. Verset 7 encore, sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone. Donc, Israël était captif en Babylone. Maintenant, car ainsi parle l'Éternel des armées. Écoutez encore le mot, après cela, vous vous souvenez d'Actes des Apôtres, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations. Soulignez, vers les nations. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Verset 9. Écoutez, voici, je lève ma main contre elle. Vous voyez, le L là est au pluriel encore une fois de plus. Elle ici est mise pour les nations qui sont levées contre Israël. Dieu avait utilisé les nations pour châtier Israël. Remarquez très attentivement, quand Nebuchadnezzar va venir chercher Israël pour amener en captivité, les chefs d'armée vont dire à Israël que en fait, c'est à cause de votre désobéissance que Dieu nous a dit de nous arrêter. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui a commandé à Nebuchadnezzar, comme il appelle son serviteur, pour accomplir sa volonté. Et de l'autre côté, il dit au prophète Jérémie, à tous les autres prophètes qui étaient là, de se soumettre sous le joug de Nebuchadnezzar. C'est la volonté parfaite de Dieu. Mais ici, maintenant, en contre, Dieu dit aussi qu'il va aussi punir cette nation-là qui ont châtié Israël. Dieu châtie Israël à cause de leur iniquité, tout en sachant qu'en réalité, les autres nations qui sont les châtiées aussi vivent dans le même péché qu'Israël vit. Vous voyez? Donc, par conséquent, il va aussi les châtier. Dieu dit ici au verset 9, « Voici, je lève ma main contre elles, et elles seront la proie de ceux qui leur ont été asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. » Verset 10, « Pousse des cris d'allégresse, et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens, et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. » Dieu dit clairement qu'il va tabernacler au milieu d'Israël. Il dit comme ça alors qu'Israël est en captivité, ils sont en train de sortir. Verset 11, écoutez maintenant, beaucoup des nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là. Donc le jour où Dieu va habiter au milieu d'elles, la Bible prophétise que beaucoup de nations vont s'ajouter, s'attacher où? À l'Éternel. Donc c'est prophétisé dans l'Ancien Testament que les nations païennes devraient servir Dieu. Voilà ce qui est écrit littéralement là-bas. Et donc l'apôtre Jacques disait tout à l'heure dans Actes chapitre 15 qu'avec cela s'accorde ce qu'ont dit les prophètes. Donc les prophètes en ont annoncé. Les prophètes ont annoncé ces jours-là qu'Israël devrait avoir en son sein des gens qui servent le même Dieu, mais n'étant pas de même tribu qu'eux. Alors verset 11 dit encore, beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ces jours-là, écoutez, et deviendront mon peuple. Voilà le fameux mot. Vous voyez cela? Et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte et il choisira encore Israël. Puis il dit que tout chef fasse silence devant l'Éternel car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Amen. Amen. Donc Dieu, dans sa volonté, a décidé que l'élève des peuples. Et en effet, si vous lisez Apocalypse, au chapitre 7 et chapitre 14, parlant des différents vieillards qui vont être là pour... Enfin, des 144 000, vous avez remarqué effectivement que le prophète Jean lui-même sera encore surpris par des gens qui sont là de toutes les nations. Il se tourne là et puis le vieil qui lui présentait la chose lui dit, mais ceci d'où vient-il? La Bible déclare qu'il a vu une foule nombreuse de peuples qui chantaient le cantique de l'agneau et il dit, mais il était tellement surpris, il dit, mais ceci d'où vient-il? Il dit, c'est la grande tribulation. Il vient de la grande tribulation. Il dit, ils entendaient des gens de tous les peuples, de toutes les langues, de toutes les nations devant le trône. Il se pose la question, comment se fait-il que ceci soit possible? Donc vous voyez, ça veut dire que ce sont des gens que Dieu a choisis et a sauvés effectivement par le sang du Seigneur Jésus-Christ dans tous les peuples. Ça veut dire que Dieu avait prévu que toutes les nations de la terre, les langues devraient servir pour l'adorer. Effectivement, on voit dans le livre d'Apocalypse que cela a été accompli. Donc, Dieu a été glorifié au travers de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ a choisi ses enfants de part et d'autre du monde en donnant son esprit, ne faisant pas la différence entre un juif et quelqu'un des nations, pour que sur toutes les nations où on invoque son nom, que le nom de Dieu soit glorifié. Chapitre 9, Zacharie, chapitre 9. Je vous ai donné ça aujourd'hui. Oui. Voilà. Vous voyez, je vous ai choisi quelques 4 versets. Je vous ai dit de noter Romains chapitre 9, 10 et 11. Pour que vous allez lire tout ce plan là-bas, détaillé là-bas. L'apôtre Paul va dire que Dieu a-t-il rejeté son peuple? Il va dire, jamais. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a choisi d'avance. Parce que dans l'état actuel des choses qu'on observait, on avait comme impression que Dieu s'était tourné vers les nations, il a jeté son peuple. L'apôtre Paul explique donc que c'était un mystère. Au chapitre 11, il dit, je vous dis un mystère, afin que vous ne regardiez pas comme ça, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens, pas tous les païens, la totalité des païens, c'est-à-dire le nombre de païens dans les nations où Dieu s'est choisi. Et avec cela, ça accorde ce que l'apôtre Pierre va prêcher le premier jour. Au verset 38, il dit que repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés, vous recevez le don du Saint-Esprit. Puis il dit que la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Il dit en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc ça veut dire qu'il y a un appel. La voix doit aller de retentir. Le grand nombre tel que Dieu a désigné, quand ils vont entrer, Dieu va se tourner vers Israël. Donc l'apôtre Paul dit qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Puis il dit que alors tout Israël sera sauvé. Donc tout le peuple d'Israël et chez les Juifs Souvenez-vous de cela. Dans ces versets, il dit « Et tout Israël sera sauvé. » Vous voyez cela, tandis que tout le groupe Benoît maintenant sera sauvé. Alors maintenant, le libérateur viendra des cieux et il détournerait de Jacob ses impiétés. Puis il explique Benoît le mystère de la chute, l'intégration du greffage des païens sur la racine du choix d'Abraham. Amen. Amen. Zacharie, j'espère qu'il ne va pas vite. Amen. Pourquoi le frère Willy est dubitatif un peu comme ça? Frère Willy, j'espère qu'il ne va pas vite, non? Ok. Non, frère, non, tu vas pas vite. Ok. Après, il y a des choses que je ne connais pas, donc c'est beaucoup de découvertes pour moi. Amen. Que Dieu te bénisse. Il faut donc que j'aille vraiment doucement pour vous cesser cela. Vous voyez, c'est un grand plan de Dieu. C'est un peu comme un puzzle où quelqu'un a positionné, on a positionné des pions qu'il faut arranger pour voir une figure se dessiner. Vous savez, c'est déjà des puzzles où on met le lion, on fait le désordre. Là, il faut classer chaque chose. On voit l'œil apparaître, le pied apparaître, la crinière apparaître, la queue. On les classe jusqu'à ce qu'on voit le grand lion de tribu de Judas puisse apparaître maintenant dans la révélation. Zacharie chapitre 9, lisons à partir du verset 1. Zacharie chapitre 9. Oui. Oui. Ça dit que les païens et les juifs ne serviront jamais le Seigneur en même temps. Parce qu'à chaque fois, ils mettent pause d'un côté pour se retourner vers l'autre. C'est pour ce qui est de la terre. Vous savez pourquoi? Voilà encore une question qui relance encore et qui peut me faire entrer encore dans ces choses-là. Est-ce que vous savez pourquoi? Non. Parce qu'en réalité, le royaume dans lequel nous vivons, c'est un royaume ambigu. Dieu, et je vous ai demandé de noter cela, si vous lisez le livre de Daniel au chapitre 2, le prophète Daniel va être invité à l'issue du rêve de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar va voir une grande statue. Je ne sais pas si vous avez lu cela pour que je puisse arriver rapidement. Si vous lisez donc le livre de Daniel, chapitre 2, il y a une grande statue que le Mécanisme va voir avec la description des têtes en or, les pieds en argent mélangés avec de l'argile et puis les reins, la poitrine, ainsi de suite, les cuisses. Et quand le prophète Daniel va venir pour lui donner l'interprétation de cela, et la Bible déclare dans ce rêve-là, dans ce Daniel, chapitre 2, qu'il y a une pied qui est sortie sans le secours d'un homme, a frappé cette statue-là et a brisé. Vous voyez cela? Et puis cette pierre, écoutez bien, et puis l'orientation est donnée vers cette pierre. Il dit, cette pierre qui était sortie sans le secours d'un homme est devenue une grande montagne. Vous voyez cela? Et le prophète Daniel entre en action dans l'explication en disant que la tête d'or, c'est toi, Nebuchadnezzar. Vous voyez que Dieu lui a donné la majesté, la royauté sur la terre. Qu'après lui viendra les Mèdes et les Perses. Vous voyez cela? C'est ce qu'il annonce. Donc, après le royaume de Nebuchadnezzar, effectivement, dans l'histoire, après le royaume de Nebuchadnezzar, justement, si vous lisez Napolissa avec tous les autres, ça, Evil Merodakis, tous ces gens qui sont l'ont succédé, après eux, entrant en scène, la nuit, par exemple, le 12 octobre 538, Evil Merodakis, Balthazar, ce que vous appelez, celui que vous appelez Balthazar. Dans le livre de Daniel chapitre 5, vous lisez les derniers versets, versets 30 et 31, vous allez voir effectivement que lors de la fête religieuse, justement, le 12 octobre là-bas, il se rend des rires là-bas et puis la même voix va écrire, effectivement, Daniel viendra encore donner l'explication. Et cette même nuit, dans les maîtres ont pris le pouvoir, Daniel a pris le pouvoir en les tuant. Donc, la dynastie, la domination babylonienne, effectivement, cesse là et les maîtres entrent en action exactement comme Daniel l'avait annoncé. Maintenant, dans le deuxième royaume, donc, ça va être basculé entre les Mèdes et les Perses. Les Mèdes et les Perses, vous allez entendre Assyrus, le Perse, et puis Cyrus, le Mède, ainsi de suite. Vous allez voir, les dominations vont alterner. Par la suite, entreront en scène, et le prophète va expliquer cela, que ce sera maintenant, après ce royaume-là, un autre royaume qui va être fort. Et puis Dieu va faire ce royaume-là, le royaume des Grecs, vont entrer donc en action, et c'est Alexandre le Grand qui va introduire le royaume grec. Vous voyez? Nebuchadnezzar, premier type de royaume, Mèdes et Perses, deuxième, Alexandre le Grand, troisième, puis vient maintenant un quatrième royaume dont la Bible parlait qu'il était terriblement, terriblement fort, il brisait tout son passage parce qu'il était mélangé avec du fer et en même temps avec de l'argile. Et la Bible déclare donc que ce quatrième royaume-là sera un royaume qui sera sur la terre. Et comme Nebuchadnezzar a vu que c'était fait en partie de terre, d'argile et en partie de fer, ce royaume-là sera en partie fort et en partie faible. Et puis il dit, de la même façon comme tu as vu que les pieds étaient mêlés à la au fer, entre l'argile et le fer, de la même façon, ces royaumes-là, ils vont se mêler par des alliances humaines. Or, vous voyez effectivement que nous sommes dans le quatrième royaume, et le quatrième royaume, c'est Rome. Le quatrième royaume s'est muté maintenant en des alliances. Il n'y a pas eu des époques où la soif des alliances. On a même parlé de l'organisation des traités de l'Atlantique Nord, l'OTAN, avec des différentes alliances entre les armées. Un groupement d'armées pour aller combattre une même cause. Pourtant, les pays ne s'entendent pas. Vous voyez le Brexit qui a été occasionné entre les Grecs, le frère William, entre les hommes. Pourquoi il dort là hein? Le Brexit qui se passe entre l'Angleterre et l'Union européenne. Pourtant, dans certains aspects commerciaux, ils sont en alliance. Pourtant, sur certains aspects des forces internationales, ils sont en alliance. Des blocs communistes sont en bloc avec le capitalisme, ainsi de suite. Donc, les nations sont formées maintenant en bloc. Si vous touchez à l'Irak maintenant, les alliés des Irakiens vont se lever. Si vous touchez à la Syrie, les alliés, vous voyez ce qui se passe en Syrie maintenant, entre les alliés syriens ou les Russes sont derrière la Syrie. C'est pour ça que les États-Unis ne peuvent pas faire toute une pleine démonstration là-bas, parce que s'ils touchent, les Syriens seront là avec derrière eux, leurs capitaines d'équipe qui les suivent. Vous voyez cela? Donc les nations sont formées en bloc. La régionalisation de l'Afrique. Enfin, même en Afrique, vous voyez effectivement que vous touchez en France, au Cameroun et les nations francophones Afrique, on va vous parler des intérêts francophones français en Afrique qu'il va falloir défendre. Ils vont devoir défendre. Alors que les Chinois, eux aussi, sont en train de chercher des implantations derrière la Russie. Alors, Dieu avait donc prévu que le quatrième royaume va fonctionner en alliance. Et ces alliances-là seront en partie faibles. Donc, personne ne pourra se prévaloir de la force absolue comme le fit Nebuchadnezzar, comme le fit Cyrus, le maître, comme le fit Darius, le prince. Donc, vous voyez effectivement, le roi Assyrus, lui, dominait depuis les Indes sur 120 pays. Alors que maintenant, chaque nation, dans une nation, il y a une parcelle de chaque domination là-bas. Comme par exemple au Cameroun, il y aura les intérêts chinois, les intérêts français, les intérêts américains, ainsi de suite. Dans cette méli-mélo, dans cette melting pot, personne ne peut se prévaloir d'avoir la domination sur un peu. Donc les alliances sont faites de telle sorte que personne n'a la suprématie. Ce sera un pôle de fragilité et un pôle de domination momentanée. À un moment donné, la Chine vient sur la scène politique comme elle veut dominer. À un moment donné, les États-Unis se présentent comme les dominateurs. À un moment donné, ce sont les Anglais. À un moment donné, c'est la Russie. Vous voyez cette prédominance-là qui bascule de part et d'autre. C'est exactement comme ça. Maintenant, voici la révélation qui en ressort. Souviens-toi de ta question, ma soeur. La Bible déclare que c'est du temps de ce quatrième royaume. Donc nous sommes en plein là-dedans. C'est du temps de ce quatrième royaume que le Dieu du ciel suscitera. C'est ce que Nebuchadnezzar a vu, qu'une pierre est sortie sans le secours d'un homme. Donc, il n'a pas vu la personne qui a déclenché cela. Ce n'est pas un homme qui a frappé la statuette par le pied. Lorsque la pierre a frappé la statuette par le pied, souvenez-vous, la statuette était la zone de finition du royaume. Donc, la tête, le premier royaume, les poitrines et les bras, deuxième royaume, les reins et les cuisses, troisième royaume, maintenant les pieds de fer avec les orteils, le quatrième royaume. Donc, dans le plan de Dieu, le temps des nations s'étend sur quatre royaumes. Et quand ces quatre royaumes, le temps de ces quatre royaumes, au milieu de ces quatre royaumes, va entrer dans un autre royaume qui va prendre le pouvoir. Et donc, nous voyons effectivement que Jésus-Christ quitte le ciel, il vient sur la terre, il commence à annoncer dans le royaume, dans un autre royaume. Au point où, sur la terre, ça crée la confusion parce qu'ils savent que c'est les Romains qui dominent. Jésus-Christ va être amené devant le roi des païens qui se trouvait en plein Jérusalem. Il va lui dire, es-tu le roi des Juifs? Parce que quand il est né, même Hérode était paniqué parce qu'il pensait qu'il venait prendre sa place. Il ne comprenait pas qu'il ne venait pas pour s'établir sur la terre. Jésus va dire donc à Pilate que mon royaume n'est pas de ce monde. Donc vous voyez, effectivement, c'est effectivement parce que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Dieu donc prend les hommes sur cette terre, c'est antique, pour montrer que ce sont les nouveaux sacrificateurs, les nouveaux rois d'un nouveau royaume qui va être installé sur la terre. Nous avons vu dans ce livre des Zacharie maintenant, comme Dieu a dit que je vais habiter au milieu d'eux. Habiter, ça veut dire tabernacle. Donc, maintenant, dans le livre d'Apocalypse, on voit effectivement qu'il n'y aura plus ni nuit dans ce royaume-là, ni soleil. Il n'y aura pas de mal et quoi que ce soit. Dieu va être le roi souverain sur nous et l'agneau sera là comme flambeau pour conduire les nations. Alors, vous posez la question. Donc, ça veut dire que Dieu et les nations avec les Juifs ne peuvent pas être faits au même moment. Le seul et unique moment où nous tous nous allons servir Dieu d'un seul cœur, d'une seule langue, de la même façon, ce sera au ciel, dans le nouveau royaume où tous nous serons là-bas, réunis à table avec Abraham et toutes les autres choses-là. D'accord, mes frères? Alors, donc, le mystère, c'est que Dieu sur la terre ici a placé dans son plan ces différents royaumes-là et ces différentes façons de sauver afin de constituer son royaume. Dans ce moment-là, les Juifs seront réunis. On va servir le Seigneur d'un seul cœur pur dans ce royaume-là. Mais sur la terre, dans ce royaume-ci, l'Église et Israël ne fonctionneront pas de la même façon tant que ces royaumes, ces quatre royaumes-ci subsistent. Vous me suivez, n'est-ce pas? Voilà. Donc, amen. Vous voyez que cette question-là, vous ouvrez les ponts de ces questions-là. On est obligé d'aller dans toutes les directions là maintenant. Ça, c'est bien compris, ma soeur? Donc, amen. Oui. Si je comprends bien, ça veut dire qu'il y aura un temps Exactement. C'est ce qui est prévu dans la réconciliation d'Ésaü et de Jacob. Si vous lisez le livre de Genèse, chapitre 2, 32, c'est ce qui est prévu là à l'intérieur. Il y a une réconciliation. Donc, c'est le Messie qui viendra mettre la réconciliation. Même les musulmans, là, ils vont s'entendre avec les musulmans. C'est prévu comme ça dans les prophéties. Et donc, vous voyez donc dans Ésaü, chapitre 19, comment vous voyez, effectivement, subitement, il parle de la Syrie comme étant son peuple, de l'Égypte comme étant son peuple. Et puis, il parle d'Israël comme étant son héritage. Là, dans cette passage d'Ésaü, chapitre 19, il ne parle plus d'Israël comme étant son peuple, mais comme étant son héritage. Et il appelle l'autre le peuple. Pourtant, dans longtemps, dans le livre d'Ésaü, justement, il va toujours parler d'Israël comme étant son peuple. Donc, il veut parler du choix, puis le peuple qui les a réunis à eux. Alors, vous allez voir dans le livre de Zacharie, je crois que nous sommes dans Zacharie là maintenant, oui, vous allez voir effectivement qu'on va parler de Doumas, allons-y, d'Ascalon, ainsi de suite. Regardez bien. Oracle, parole de l'Éternel sur le pays de Hadrak. Vous avez vu? Vous avez vu ça? Le pays de Hadrak. Elle s'arrête sur Damas. Vous avez vu? Vous avez vu, frère? Donc voilà les oracles qui donnent sur Damas. Nous sommes dans Zacharie chapitre 9, à partir du verset 1. Zacharie chapitre 9, à partir du verset 1. Oracle, parole de l'Éternel sur le pays de Hadrak. Elle s'arrête sur Damas. Car l'Éternel a l'œil sur les hommes. Vous avez vu ça, frère? Donc, vous allez à Hadrak, à Damas, l'Éternel a l'œil. Déjà, avant qu'on ne continue, remarquez dans le livre de 2 Samuel, dans le livre de 1 roi et 2 rois, vous allez remarquer effectivement comment il va envoyer le prophète aller oindre Jéhu pour roi, à la place d'Akab et toutes les autres personnes. Il va aller prendre à oindre Azaël, aller maintenant oindre Ben-Hadad. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Comment se fait-il que c'est Dieu envoie un juif aller oindre un roi au Liban, en Syrie? Comment? Ça, c'est impensable parce qu'on sait effectivement qu'en Israël, avant que le roi ne prenne fonction, les sacrificateurs doivent le oindre. Les prophètes doivent le oindre pour que l'onction de Dieu vienne sur lui. Or là, Dieu dit clairement qu'on ne peut pas oindre comme ça le roi de la Syrie. Et il demande, et vous remarquez très attentivement qu'il parle du prophète Élie, que le prophète Élie doit laisser son manteau à Élisée, et ainsi de suite. Il laisse son manteau à Élisée. Il dit que celui qui échappera à l'épée d'Élisée. Donc, ce sont des moments de jugement que Dieu va utiliser les gens pour pouvoir juger. Si vous échappez à l'épée d'Élisée, Jéhovah va vous traiter. Si vous échappez à l'épée d'Élisée, Ben-Hadad, le roi d'Assyrie, de Syrie, va vous traiter. Alors, la question c'est, comment se fait-il que Dieu, le Dieu des Juifs, envoie un prophète aller oindre un roi étranger? Vous voyez les problèmes, n'est-ce pas? Ce sont les problèmes dans les Saintes Écritures. Alors ici, commence à parler donc l'oracle sur Damas. Verset 1 encore, il dit « Car l'Éternel a l'œil sur les hommes comme sur toutes les tribus d'Israël. » Donc, c'est pour dire ici que Dieu parle aussi sur Hadrak, le pays d'Hadrak, le pays de Damas. Ne pensez pas que Dieu regarde seulement Israël. Parce que si on n'avait pas dit comme sur toutes les tribus d'Israël, les amateurs des musulmans devaient dire que non, on n'avait pas les hommes, ce sont les hommes d'Israël. Ce sont les hommes de la diaspora Israël. Il dit clairement que l'Éternel a l'œil sur les hommes. Donc, ça veut dire que les hommes de toutes les nations, comme sur toutes les tribus d'Israël. Elle s'arrête aussi sur Hamad. Maintenant, on commence à poser la question, elle ici est mise pour qui? Parce que subitement, on dit que l'Éternel a l'œil sur les hommes. Puis on dit ici, elle s'arrête aussi. Ça veut dire que les oracles de Dieu, la parole de Dieu, la prophétie de Dieu, parlent aussi maintenant en faveur et sur les autres nations. Et ça va introduire cela. Elle s'arrête aussi sur Hamad. À la frontière de Damas. Vous voyez là où c'est situé. Ce n'est pas chez les Juifs. Sur Tyr et sur Sidon, malgré toute leur sagesse. Donc vous comprenez effectivement que Dieu avait des choses à dire, mais au fur et à mesure, il les a introduits comme des paraboles. Verset 4, voici le Seigneur s'en emparera. Il précipitera sa puissance dans la mer et elle sera consumée par le feu. Effectivement, c'est ce qui est arrivé à Ninive. Ascalon le verra et elle sera dans la crainte. Gaza aussi et un violent tremblement la saisira. Écran aussi, car son espoir sera confondu. Le roi disparaîtra de Gaza et Ascalon ne sera plus habité. L'étranger s'établira dans Asdod, vous voyez, et j'abattrai l'orgueil des Philistins. Maintenant, j'ôterai le sang de sa bouche et les abominations d'entre ses dents. Écoutez, lui aussi restera pour notre Dieu. Il sera comme un chef en Juda et Écran sera comme les Jébusiens. Les Jébusiens, ce sont les habitants de Jérusalem. Alors Dieu dit ici, il devait sanctifier même les Philistins. Vous voyez ça? Même les nations d'Asdod, les peuples qui étaient remplis au point où même les dieux souris étaient les divinités. Verset 8, je camperai autour de ma maison pour la défendre contre une armée, contre les allants et les venants, et l'oppression ne passera plus près d'eux, car maintenant mes yeux sont fixés sur elle, parlant de la maison. Puis il dit, sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Et nous voyons effectivement l'entrée du Seigneur Jésus-Christ dans Jérusalem dans Matthieu chapitre 21-22. Nous voyons comment il va accomplir cette prophétie-ci. Donc, vous voyez comment Dieu parle et puis il l'injecte des prophéties de la venue du Seigneur Jésus. Puis il dit, j'ai détruit les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem. Et les arts des guerres seront anéantis. Ils annonceront. Écoutez. J'ai détruit les chars d'Éphraïm. Éphraïm, c'est la nation de Dieu. Et les chevaux de Jérusalem. Et les arcs de guerre seront anéantis. Puis dit, il annoncera la paix aux nations. Ah mon Dieu, que Dieu nous donne vraiment de comprendre. Initialement, on a dit au verset 9 que le roi est en train de venir. Et il nous embrouille avec une certaine prophétie, puis il relâche encore ce que ce roi-là est censé faire. Il dit, il annoncera la paix aux nations. C'est ce que l'apôtre Paul s'est tué à expliquer dans les Saintes Écritures, dans Hébreux et Éphésiens chapitre 2. Il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient près et la paix à ceux qui étaient loin. Par le sang de sa croix, il est là d'en briser le mur. C'est prévu dans les Saintes Écritures. Le prophète, donc, l'apôtre a dit tout à l'heure qu'avec cela s'accorde ce qu'on dit les prophètes. Vous voyez cela? On dit, il annoncera la paix aux nations. Maintenant, les amis musulmans qui disent donc que Jésus était venu pour les Juifs, comment donc la paix devait. Qu'est-ce que veut dire la paix qui doit annoncer aux nations? Donc la réconciliation, ça veut dire que cette personne, c'est qui vient, le roi qui est censé venir au milieu des Juifs, c'est le roi qui va servir de réconciliation entre Dieu et les nations. Donc c'est prévu dans les Saintes Écritures que non seulement il va venir, il va régner au milieu de Jérusalem, ce roi-là a une mission. Et cette mission doit conduire à réconcilier les nations à Dieu, pour que les nations soient en paix avec Dieu, parce que les nations, à cause de leur incrédulité, non seulement cela, mais à cause de leur souillure du cœur, sont irrévocables de façon irrévocable devant Dieu, souillées. Et donc Dieu devrait purifier par la foi en Christ Jésus. Amen. Puis d'ici, il annoncera la paix aux nations et il dominera, écoutez, d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà où s'étend l'étendue de la domination du Messie qui vient. Maintenant, quand les musulmans prennent ça, ils disent que non, Jésus-Christ, son ministère s'est déroulé seulement sur le territoire juif, donc ça ne peut pas s'appliquer à lui. Parce qu'ils ne comprennent pas la vision des choses, la prophétie. Ils disent non, c'est Mohammed qui allait, parce qu'on a dit dans le livre du prophète que les îles espéreront en sa loi. Parce que c'est seulement les musulmans là-bas, les mosquées sont aussi sur les îles. C'est de ça dont on parle. Continuons ici, puis il va dire, et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, vous avez vu cela, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Alors, donc Dieu dit clairement ici qu'il a une autre alliance qui traite avec les Juifs à cause du sang qu'il a versé. Ce sera pour faire cela. Ouvrons le livre du prophète Michée maintenant. Je crois que vous allez voir le tableau complet maintenant, mes chers frères. Le jour où Dieu permettra qu'il vienne sur les prophéties sur l'Afrique pleinement, vous allez voir dans le Cameroun là-bas, le pourquoi le Cameroun a été positionné en Afrique centrale à ce point-là précisément. Et pourquoi tous ces voraces sont de se lever. Vous avez vu les chiens noirs qui sont levés maintenant pour venir au Cameroun pour essayer de relâcher l'onction parce qu'ils ont compris qu'on allait prier sur le Cameroun. Vous voyez, jusqu'à ce qu'on a poussé le lion du Cameroun, ils disent, on te soutient, présente-toi. Le lion lui dit, il dit, je suis abattu, il faut que je me repose. Il dit, non, tu as intérêt à te présenter. Mais qu'est-ce qui va arriver? Actes chapitre 12 va s'accomplir sur lui et qu'est-ce qu'on pourra y faire? Michée chapitre 4. La voix d'ici les résiste, c'est Actes chapitre 12. Michée chapitre 4. Michée du prophète Michée. Donc, je vous ai demandé aujourd'hui de noter Michée au chapitre 4. Nous allons lire le chapitre 4, puis passer au chapitre 5. Donc, prenez doucement la Bible. On va lire doucement. J'espère que vous n'êtes pas fatigué. Oui, je ne suis pas encore venu avec mes longueurs de messages là. Il ne faut pas seulement que vous dites que c'est seulement une seule question qu'on répond comme ça. Est-ce qu'à série, nous allons répondre à deux questions? Vous voyez que vous ne pouvez pas juste vous asseoir dans une assemblée en disant que non, je prêche 45 minutes. Parce que ces choses-là, personne ne comprendra rien. Parce que ces choses, il faut les dérouler avec patience. Maintenant, Amen. À partir du verset 1, la Bible déclare, il arrivera dans la suite des temps. Ah oh, mon Dieu, vous parlez des prophètes. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel. Notez encore Zacharie, je vais vous expliquer quelque chose. Je crois que je me sens vraiment bien là. Je suis encore venu avec la France ici. Ça me semble vraiment bien. Regardez, la Bible déclare qu'il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. J'aimerais bien que vous m'expliquiez donc. Il dit qu'il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Alors, je vous pose la question. À moins que vous me dites non que les prophéties n'ont pas encore accompli. Vous avez vu une montagne là-bas où Dieu allait construire une montagne au-dessus de son sommet? Alors, qu'est-ce qu'il appelle par la montagne de la maison de l'Éternel? C'est quoi la maison de l'Éternel dont tu en avais parlé, frère? Vous vous souvenez que c'est cette montagne-ci que le prophète Ésaïe a dit dans le chapitre 14 d'Ésaïe que le Lucifer disait que je monterai sur le sommet des montagnes. Il ne voulait pas dire qu'il va monter, aller régner sur Kilimandjaro. Ça n'a rien à voir avec ce que Lucifer disait. Parce que le Kilimandjaro, ça ne lui sert absolument à rien. Ce n'est pas le montagne physique dont on en avait parlé. Il dit dans ce Ésaïe chapitre 14, verset 12, il était voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, toi le vainqueur, le dominateur des nations. Tu disais en son cœur, je monterai sur le sommet des nuées. Vous voyez cela, à l'extrémité du septentrion. Il va monter sur le montagne et je placerai mon trône au-dessus du trône de Dieu. Et ici, Dieu parle de la montagne. Et dans ce livre des prophètes Daniel, dont j'ai cité tout à l'heure, la Bible déclare que la pierre qui a quitté, qui s'est détachée, c'est sans le secours d'un homme, a frappé et puis est devenue une grande montagne. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Devenue une grande montagne. Vous dites, c'est quoi cela? Et puis il dit que ça, c'est le 4, c'est un royaume que Dieu va susciter sur la terre sans le secours d'un homme. Il dit, ah, la montagne, c'est un royaume. La montagne, c'est un royaume. C'est terrible avec le langage des prophètes. Pas vrai, frère? Voilà. Alors, vous avez noté Zacharie chapitre 6. Voilà. Et il dit ici au verset 1, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel. Il dit la montagne de la maison de l'Éternel. Ça commence à poser le problème. De quoi est-ce que le prophète Michée parle ici en parlant? On a compris ce que c'est la montagne. Puis il dit de la maison de l'Éternel. Ça veut dire, est-ce qu'il parle de Mont Sion et le fait que la maison de l'Éternel sera bâtie? Vous voyez que Dieu prend les choses. Tant qu'on n'a pas compris la façon de Dieu de fonctionner, ni ses façons d'agir, on va arriver à toutes les dérives. Maintenant, pour les biblistes modernes, lorsqu'ils lisent par exemple à l'église de Corinthe, vous voyez, les gens disent par exemple que non, c'était à l'église de Corinthe qu'on écrivait. Dieu, dans le plan de la dispensation de l'église, va choisir sept églises qui seront le type d'église et des manifestations des esprits durant les sept périodes de l'église. Il va commencer à s'adresser à Éphèse, à s'adresser à Smyrne, à Philadelphie, ainsi de suite, jusqu'à l'Odyssée. Ça veut dire que dans l'évolution du temps, les esprits vont aller jusqu'à les dernières tranches de les esprits sera manifestée à l'Odyssée. Maintenant, sur le plan physique, vous allez au Moyen-Orient, enfin en Orient là-bas, vous allez voir à Éphèse, c'est-à-dire aux alentours d'Éphèse, à la Turquie, à Ankara principalement, ces différentes dénominations, enfin, ces différents positionnements géographiques de ces villes-là, où la lettre était adressée. Donc, physiquement sur la terre, il y avait un événement qui s'est passé à Éphèse. Physiquement sur la terre, il y avait un événement qui s'est passé à Philadelphie. Dans cette ville de Philadelphie, là-bas en Asie. Dans cette ville de Laodicée, il y avait quelque chose qui s'est passé. Mais ces esprits qui se manifestaient à cette époque-là, c'était des types d'esprits qui devaient se manifester généralement dans le cadre de l'Église. Dieu donc utilise les choses ponctuelles pour s'adresser à une dispensation, à une époque bien déterminée, par rapport à un esprit qui devrait être là. La même chose, vous pouvez voir ce langage-là se répéter dans l'Ancien Testament. Et c'est ce que le prophète André dit ici. Rentrons dans le livre du prophète Zacharie, et puis on va y revenir. Je vais vous montrer ce genre de choses. Zacharie, le chapitre 6. Zacharie, le chapitre 6. Puisse le Seigneur vous bénir. Maintenant, si vous y êtes, quelqu'un lit le verset 12 à 13. Le verset 10 à 13, lisons. Non, je crois que votre volume sera bas, c'est mieux que je lise là, parce que sinon dans l'enseignement, ce sera bas là. Donc, permettez que je retrouve ces Zacharie là. Zacharie chapitre 6. Je crois que nous étions dans le livre de Zacharie tout à l'heure, n'est-ce pas? Regardez le verset 10. Tu recevras des dons des captifs, Eldaï, Tobija et Jedaïda. Et tu iras toi-même ce jour-là. Tu iras dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ils se sont rendus en arrivant de Babylone. Écoutez, tu prendras de l'argent et de l'or, et tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête de Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur. Verset 12, écoutez très attentivement, ce langage-ci. Verset 12, tu lui diras. Maintenant, regardez-moi pendant que je parle. Et je vous explique donc la chose. Voici les captifs sont en train de retourner de Babylone. Il y a un problème de construction des temples de Dieu à Jérusalem. Agé va prophétiser par rapport à cela. Daniel va prophétiser. Néhémie va commencer à travailler. Esdras vont se battre là-bas, chacun en son époque, pour pouvoir fonder et rebâtir Jérusalem. Maintenant, il y a un problème de la restauration de l'iniquité du souverain sacrificateur. Au chapitre 3 de ce livre de Zacharie, la Bible explique que le souverain sacrificateur avait les vêtements sales. Donc, l'iniquité d'Israël était encore sur lui. Il fallait nettoyer pour que le Seigneur le soit propice, pour qu'il puisse nettoyer l'iniquité d'Israël et de Jérusalem particulièrement. Parce que le souverain sacrificateur qui portait le sceau et par conséquent le péché des péchés du peuple sur lui. Maintenant, lorsque l'ange va dire qu'on change son vêtement, on va changer son vêtement sur le plan spirituel. Maintenant, sur le plan physique, le prophète dit ici, dans cet oracle, c'est que la parole lui a été révélée maintenant d'aller et de recevoir les captifs des dons. Il dit, avec ces dons-là, l'or que tu vas recevoir avec de l'argent, il faut faire donc les ornements sacrés donc pour ces couronnes-là, pour le souverain sacrificateur. Maintenant, cela n'est pas le problème. Le problème se situe lorsque le prophète se tient devant le souverain sacrificateur et commence à donner des prophéties. Les prophéties sont bizarres. Regardez. Tu lui diras, souvenez-vous, il y a le souverain sacrificateur Josué, fils de Josadak, devant le prophète, et il est censé lui parler des choses. La Bible déclare, verset 12, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône et il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Vous voyez ça? Vous voyez la réconciliation. Donc, quand cette personne s'y règne avec le règne de la majesté, il y a la paix. Alors, regardez, les couronnes seront pour Helem, Tobija et Jedaïda et pour Hen, fils de Sophonie, un souverain secrétaire dans le temple. Ceux qui sont éloignés viendront et travailleront au temple de l'Éternel et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si vous écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Maintenant, dans ce contexte de la reconstruction du temple, vous pensez que le prophète parlant à Josué, fils de Josadak, est-ce que vous pensez qu'il en est de comprendre ce qu'on en est de lui dire? Non. Parce que en prélude à la construction du temple, la prophétie semble parler du temple dont ils sont en train de faire allusion. Ils sont en train de faire les collectes pour construire et agir. Le prophète va dire, vous bâtissez, vous avez semé, vous avez moissonné, peut-être vous bâtissez, votre maison sont jusqu'à quand vous allez bâtir votre maison alors que la maison de l'Éternel est détruite. Donc le prophète agit en train de prophétiser en compagnie du prophète Zacharie. Les peuples juifs sont là pour le temple. Et ils vont dire à Jésus dans Jean chapitre 2, verset 16, verset 19 à 20, qu'ils ont pris 46 années pour bâtir ces temples-là. Et Jésus qui veut détruire en 3 jours. Or, le prophète se tenant devant le souverain sacrificateur ici, il parlait de la venue du Seigneur Jésus-Christ et de l'Église. Donc, vous voyez que la mention de l'Église est donnée ici que la personne qui va bâtir l'Église, dont Dieu en train de parler en type dans le temple que vous voulez bâtir, c'est Jésus. Et il s'appelle le germe. Il va falloir qu'il germe. Il fait gomme pour pouvoir bâtir ce temple. Mais maintenant, il y a une situation de bâtir un temple sur le terrain. Là, mais Dieu parlant de ce temple-là, en train de parler de Jésus qui est censé venir. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Et si vous lisez également le livre de 2 Samuel au chapitre 7, verset 14 principalement, dans le livre de 2 Samuel, prenez à partir du verset 1 de votre lecture, et lorsqu'on arrive au verset 14, enfin dans ce 2 Samuel chapitre 7, il est question du désir du roi David de bâtir un temple à Dieu, parce qu'à ce moment-là, Dieu s'était fonctionné avec des tentes. Il a dit, Dieu lui a accordé de repos maintenant, depuis Dieu n'est pas encore habité dans un lieu de repos. Maintenant, il faut qu'il lui bâtisse le temple. Maintenant, le prophète va dire, et Dieu va dire que David ne peut pas bâtir le temple parce qu'il était un homme à sang. Il a versé du sang. Il dit, c'est un fils qui sera sorti de tes entrailles qui me bâtira une maison stable et je lui donnerai, son règne sera stable. Vous voyez, dans la conversation de Dieu avec David, on a comme impression qu'il parle du roi Salomon alors qu'il en a parlé de David, enfin de la venue du Seigneur Jésus-Christ et de l'Église. Il dit, celui qui bâtira une maison stable et son règne n'aura pas de fin. Je lui donnerai, il sera pour moi un père, il sera pour lui un fils. Vous voyez cela? Donc, longtemps avant, l'Église est annoncée dans les Saintes Écritures. Mais de façon crue, Jésus vient dans Matthieu chapitre 16, il dit, je bâtirai mon Église. Voilà donc la personne qui baptise le temple de Dieu. Donc, tous les temples que l'humanité a connus sous Salomon, ainsi de suite, ces temples-là étaient des prophéties du corps de Christ. Alors, donc, je voulais donc vous amener dans le livre des prophètes. Il faut faire attention lorsqu'on entre dans les prophètes. Donc, vous voyez que le prophète s'aventure et s'avance devant un homme et lui dit que voici, il déclare les paroles de Dieu par rapport au temple qui sont en train de bâtir. Et il va même dire, qui es-tu devant Zorobabel, toi, la montagne devant Zorobabel. Vous voyez effectivement que Zorobabel était un homme physique qui expérimentait des difficultés dans la réalisation, c'était le gouverneur en ce moment-là, qui expérimentait des difficultés dans l'accomplissement de cette œuvre-là. Mais Dieu, en parlant, en train de parler de Genèse chapitre 3, verset 15, où il est censé vaincre cet homme-ci à la croix lorsqu'il va écraser sa tête, parce qu'il ne peut pas empêcher que ce royaume se manifeste. Alors, il dit que qui es-tu, grande montagne devant Babylone, devant Zerubbabel. Vous entendez de ces paroles de prophète dans le livre des prophètes. Amen. Que Dieu bénisse. Lorsqu'on n'a pas compris ces choses-là, on va commencer à aller dans le livre d'Ésaïe au chapitre 7. Une fois de plus, une de ces choses va se retrouver là-bas. Akazia, le roi d'Israël en cette époque, va se retrouver confronté au roi d'Assyrie qui va envoyer des gens venir pour le haranguer là-bas avec des menaces. Et puis, le prophète Ésaïe va se diriger vers le roi en disant, demande pour toi un signe, que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre, n'importe quel signe, que ce soit difficile, l'Éternel l'accomplira. Akazia va dire que je ne tenterai pas l'Éternel. Et qu'est-ce que le prophète va lui dire? Il dit, voici quand même le signe que Dieu va te donner, que l'Éternel vous donne. Voici la Vierge deviendra enceinte. Il va tomber enceinte et il enfantera un fils. Vous voyez, quelqu'un est en période de guerre, il dit que voici le signe que Dieu vous donne pour montrer que votre guerre sera vaincue. Et cette signe-là, même le prophète lui-même ne vit pas cela. C'est 800 ans plus tard que le signe va s'accomplir. Alors vous comprenez que nous avons des problèmes. Si vous lisez les livres des prophètes et vous faites pas attention, vous risquerez de dire ce que le prophète n'a pas dit. Il dit à quelqu'un, un être humain devant lui qui a des problèmes de guerre, il dit que non, voici le signe donc maintenant que vous montrez que ces signes-là seront dégagés au-devant de toi, que la Vierge la deviendra enceinte. Il parle comme ça de Marie qui va venir 800 ans plus tard. À cause de personne de cette génération-là, même les gens qui sont en guerre ne seront pas vivants. Or, il a dit quelque chose de ponctuel, mais en annonçant quelque chose qui est futuriste. N'est-ce pas, vous me saisissez, n'est-ce pas? Amen. Voilà, rentrons dans notre livre du prophète Michée. C'est la première question ces jours-ci. La France dans la sainteté, bonjour. Bonjour. Ouais. Bonjour, frère. Voilà. Est-ce que les prophètes même. Beaucoup d'entre eux ne comprenaient pas justement. Si nous prenons le cas du prophète Daniel, qui écrivait justement cette prophétie difficile de la fin des temps, il a dit qu'après que l'ange lui ait dit toutes ces choses, il ne comprendra pas. Il a dit que mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il a dit, tiens-toi Daniel, tiens secret ces choses, ce n'est pas pour toi, c'est pour les portes de la fin, ils liront la connaissance, on augmentera. Donc, c'était quelque chose qui était scellé, que lui-même ne comprenait pas. Il écrit, il ne comprend pas. Et la Bible déclare qu'il lui dit que ce sont des choses qui sont faites pour la fin des temps. À ce moment-là, il va donner l'esprit de la connaissance là-bas et les gens vont comprendre comme vous comprenez aujourd'hui. Et le prophète Pierre nous dit quoi? Il dit que les prophètes qui ont prophétisé ces choses, donc les prophètes prophétisaient, ils ont fait de cette salut-là, l'objet de leur investigation. Donc, même quand ils finissaient de prophétiser, après, c'est un soir comme ça, quand l'esprit qui est tourné, il dit, mais de quoi est-ce qu'on parle même là? Le type, s'il nous dit quoi là au juste là? Ils essaient de sonder par l'esprit de Christ marqué en eux. Ils disent, qu'est-ce que cette époque-ci? Qu'est-ce que Dieu veut par là dire? Où est-ce là? La Bible déclare qu'il leur fait révéler. Quand Dieu vient à un prophète, il dit, réfléchis trop. C'est pas pour toi, c'est pour l'époque de la fin. Reste tranquille, passe seulement. Amen. Et va rendre à Daniel que va dans ton repos, va dans ton lieu, va te reposer, tu dois te lever pour la fin, pour ton héritage. D'accord, frère? Alors, il arrivera dans la suite des temps que nous sommes dans Michée maintenant, au chapitre 4. Nous y sommes revenus. Michée au chapitre 4. Il arrivera dans la suite. Vrai, là maintenant, je vais conclure ici par rapport à cette question-là. Donc, je crois que jusqu'ici, le tableau complet est sorti. Que Dieu devait venir chez les Juifs et chez les nations. Et en particulier dans l'Afrique. C'est donc pour cela que vous voyez dans Ésaïe chapitre 19, donc, il parle des différentes nations qui vont se réunir à Israël. Et là, maintenant, souvenez-vous de ceci. Le mot Égypte ici n'est pas je veux toute votre attention maintenant. L'Égypte dont il est mentionné là-bas n'est pas la ville pharaonique, le pays pharaonique qui s'est opposé aux Juifs. Le mot Égypte là-bas se réfère à l'Afrique tout entière. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Je crois que nous avons encore une autre interruption là de la connexion. Le temps que ça s'est stabilisé. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? Thank you. La France dans la sainteté, rebonjour une énième fois. Alors, vous voyez les persécutions dont je suis victime. Donc, il faut qu'on continue. Et Michel, chapitre 4, nous allons exposer ces choses-là, d'accord? Verset 1. Non, mais vous y êtes? Sur le point de quelque chose. Comment, frère? Tu étais sur le point de parler quelque chose. Je ne me rappelle plus, tiens. Bon, Michel, chapitre 4. L'Égypte dans ouais. Le contexte de Ésaïe 25. Hein. Ça, c'est un bon. Et il n'oublie pas. Alors, donc, l'Égypte dont il est question dans le livre des prophètes Ésaïe. Par exemple, quand vous prenez le livre des chapitre 30 d'Ésaïe, et chapitre 31 jusqu'à 33, la Bible déclare malheur à ceux qui descendent de l'Égypte, qui partent prendre le pharaon, puis qui va prendre du secours chez l'Égyptien. Or, ici, et l'Égypte dont il est question, et l'Égypte en tant que nation qui s'est confrontée à Dieu, que non. Il parle ici de l'Afrique, d'accord? Il parle même de l'Afrique centrale. Bon, de toute façon, on va y revenir dans un autre moment. Michée, chapitre 4. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Donc, ça dit que clairement, Dieu dit clairement ici que dans la suite des temps, le royaume de Dieu doit prendre le dessus sur tous les royaumes des hommes. Je crois que ça devait être un peu plus simple comme ça, et clair. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Amen. Verset 2, écoutez bien, des nations s'y rendront en foule et diront, venez. Et montons à la montagne de l'Éternel. Donc vous voyez que même la prédication que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples de prêcher est donnée par le livre des prophètes ici. Quand il les a envoyés, il leur a dit, n'allez pas prêcher n'importe quoi. C'est la prédication que vous devez censer donner. Si vous lisez le livre de Matthieu chapitre 10, dont je vous ai donné tout à l'heure, verset 5, 6, verset 7 et 8, il dit, voici ce que vous devez leur dire. Dites que le royaume de Dieu s'est approché. Donc, le but de cette prédication, c'est de se faire venir, donc, que les gens viennent donc dans le royaume. Et ici, c'est prophétiser justement cette prédication. Il dit, des nations s'y rendront en foule et ils diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Vous voyez, le lieu de sa résidence. Dans Hébreux chapitre 12, il dit que la montagne de Sion sur laquelle nous sommes rassemblés maintenant, ce n'est pas comme la montagne où les gens ne pouvaient pas toucher sous Moïse, que non. Il dit que c'est la Jérusalem, c'est la Jérusalem nouvelle. Le cœur des esprits des anges, des esprits des fils de Dieu, arrivé à la perfection. Donc vous voyez effectivement que cette montagne-là, c'est le royaume sur lequel Dieu règne, il est prophétisé ici dans le livre du prophète Zacharie que les gens devraient y venir. Il y a une prédication qui va faire venir les gens à cette montagne, à cette réunion-là. La prédication de la repentance parce que le royaume de Dieu est venu. Vous voyez comment c'est prophétisé. Mais avec le langage des prophètes. Vous dites, mais est-ce qu'il s'agit d'une montagne qu'on va construire quelque part où les gens vont courir pour arriver? Non. Il s'agit de la prédication de la repentance pour pouvoir se rejoindre au peuple de Dieu par le cœur purifié par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, la Bible déclare, verset 2 encore, des nations s'y rendront en foule et diront, venez, montons à la maison de l'Éternel, à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Écoutez bien, puis il lâche encore la prophétie. car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Vous voyez? Maintenant, les musulmans disent que non, c'est comme ça, là. La loi, là, c'est la loi de Dieu. C'est la loi, c'est le Coran. Que Dieu revienne en aide. Verset, écoutez, écoutez. La fin du verset 2 dit, car de Sion sortira de la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Maintenant, souvenez-vous de Jean chapitre 4, car il dit que le salut vient des Juifs. Verset 3 dit, il sera le juge d'un grand nombre de peuples. Le peuple est au pluriel. Le il-si. Finalement, on dit de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Mais en bas, on met plutôt il. Dans le livre de Jean, chapitre 1, on parle de elle est venue chez les siens ne l'ont point reçu. Mais si on parle de il, parlant d'une personne, on dit ici, il sera le juge d'un grand nombre de peuples. Puis on appelle l'arbitre. Pour ceux qui connaissent les différentes appellations d'Allah, c'est même pas le monde qui parle de ces choses, on va y revenir dans le mensonge des musulmans. L'arbitre des nations. Nation est pluriel, écrit avec S. On n'a pas dit l'arbitre du nation, de la nation. On pourrait dire encore dire que c'est le juge de la diaspora. On dit ici que c'est l'arbitre des nations puissantes, lointaines. Donc vous voyez que dans le livre des prophètes, comme on a vu dans le livre des Actes des Apôtres, il en dit que ces jours-là, les prophètes l'ont annoncé. Nous pouvons aller dans les Écritures et voir que les prophètes en ont parlé. Voici le prophète Michée qui en parle. Il dit, de leurs glaives, ils forgeront donc des royaux. Vous voyez ce qu'il dit? Donc en réalité, ça veut dire que quand Dieu va donc alimenté par la puissance du Saint-Esprit, ces peuples-là, ils seront vigoureux maintenant pour lutter pour la cause du royaume. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus de guerre. Vous voyez, le moment, vous savez très bien que le moment, ce n'est pas encore arrivé. Donc, quand l'établissement de toutes ces choses seront arrivées, la Bible déclare, ils habiteront chacun sous sa vigne, et sauf son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Amen. On continue. Donc, vous voyez effectivement que il y a un problème à l'intérieur de la Bible. C'est que Dieu a dissimulé les choses, ces mystères-là, de part ou d'autre. Si vous continuez au verset 11 de ce même livre du prophète Michée, vous allez voir, il dit, maintenant, plusieurs nations se sont rassemblées contre toi. Qu'elles soient profanées, disent-elles, et que nos yeux se rassasient dans Sion. Et on voit effectivement comment toutes les conclaves qui se réunissent pour traiter Israël, pour parler, menacer contre Israël. Mais la Bible déclare verset 12, mais elles ne connaissent pas la pensée de l'Éternel. Elles ne comprennent pas ses desseins. Elles ignorent qu'il les a rassemblés comme des gerbes dans l'air. Qu'on rassemble les gerbes dans l'air, c'est pour mettre au feu. Donc vous voyez que toutes les attaques qui se lèvent contre les Juifs, dans tous les peuples qui se lèvent contre les Juifs, le but, c'est Dieu qui est en train de faire cela. Le moment va venir, ils vont faire une résolution aux Nations Unies pour envoyer les armées aller combattre contre Israël. Ne sachant pas que c'est Dieu, le combat final, le dénouement final qui va amener Gog et Magog sur la scène dans la vallée de Josaphat, où Dieu va dans la vallée de Hinnom, où Dieu va les rassembler là-bas pour les juger. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Prenez le temps aussi de lire le livre du prophète Michée, toujours au chapitre 5. Vous m'entendez? Amen, amen, amen. Voilà, le livre du prophète Michée, dans ce livre, parce que je vais donner le chapitre 4 et chapitre 5, vous allez voir effectivement, on va parler de toi Bethléem, terre de Juda et Frata. De toi sortira pour moi celui qui va gouverner sur Israël, dont les origines montrent au jour de l'éternité, ainsi de suite. On va commencer à parler maintenant de son étendue sur toutes les nations. Donc, il faut être seulement malhonnête pour aller se cramponner sur Matthieu chapitre 10, verset 5 à 6, où Jésus a dit, allez, n'allez pas vers les brebis, n'allez pas vers les païens et autres là-bas. Quand on se griffonne là-bas, les autres versets bibliques vont te chicoter jusqu'à ce que tu lâches ces versets-là tranquille. Amen. La France dans la sainteté, rebonjour. Amen, amen, amen. Oui. Une question, en fait, liée à ce que tu viens de dire. Tu viens de dire justement que tout ce qui est lié aux Juifs, justement, c'est dans le plan de l'Éternel. Oui. Donc, la question, c'est vrai que ça me taraude depuis hier matin. Est-ce que justement les deux guerres, où il y a eu beaucoup de. On a tué beaucoup de Juifs, ont été prédits dans la Bible? Mais c'est prévu, justement, même, c'est dans les évangiles que celui-là est même prévu. Vous voyez, lorsque Hitler et Himmler, les médecins et autres là-bas, qui ont traité le cas des Juifs, c'est normal que ça arrive ainsi. Regardez, si j'entre encore à l'intérieur, on pourra encore faire 2 heures, donc je préfère répondre de façon sommaire comme ça. Un des sujets, lorsqu'on va parler d'Israël, on va y revenir. Maintenant, je crois que derrière un enseignement que nous avons fait au Maroc avec le frère Uri, justement, où je parlais du nouvel ordre mondial, comme sur le plan de Dieu, parfaitement, que le nouvel ordre mondial s'établit sur la terre. Vous avez suivi cela, n'est-ce pas? Donc, le nouvel ordre mondial est dans la volonté parfaite de Dieu. N'est-ce pas ça, frère? Vous bougez la tête comme ça. Allons dans le livre d'Apocalypse. Allons dans l'Apocalypse. Amen, amen, frère. C'est dans sa volonté parce qu'il permet ou bien c'est dans sa volonté? C'est lui qui le fait. Nous venons de lire tout à l'heure là, de lui, le prophète Michée, qui l'a dit parce qu'il ne connaît pas ses desseins. Le dessin, ça veut dire le plan, pas vrai? Et la Bible déclare qu'il les a rassemblés dans un lieu. Il les a rassemblés. Dans le lieu, le prophète Zacharie, au chapitre 14, il dit que le moment va arriver dans la suite des temps où il va rassembler toutes les nations pour qu'ils s'assemblent. Il lui-même, c'est la Bible déclare que c'est lui qui va rassembler les nations afin qu'ils attaquent Israël. C'est pas ce qui est écrit, frère. J'ai l'impression que vous avez peur chaque fois de dire que Dieu fait du mal, que Dieu tue les gens, ou bien qu'il faut le protéger. Non, Dieu, notre Dieu est un Dieu bon. Vous pensez que quand David a fait le dénombrement là, c'est un démon qui est en train de frapper les Juifs lorsqu'ils sont morts dans Jérusalem. Quand il a fait le dénombrement, qui a étendu sa main pour que les gens tombent? Toujours Dieu. C'était l'ange de l'Éternel, n'est-ce pas? Donc il tue, effectivement. N'ayez pas peur, Dieu tue. Apocalypse. Apocalypse. Chapitre 17, d'abord rapidement. Apocalypse. Ayez le temps de lire l'Apocalypse chapitre 17. Je crois que c'est mieux qu'il lise là rapidement à partir du verset 1, rapidement, pour qu'on voie la chose venir. Hein. Donc, si, pour plus de développement de cette chance-là, regardez sur Bamba Iba, le nouveau ordre mondial est dans la volonté de Dieu. Dieu fait quelque chose comme ça. Verset 1 et suivant. Puis un des sept. Pardon, ma soeur. Excuse-moi, j'avais une question par rapport justement au roi David, lorsqu'il a fait le dénombrement. Oui. Je pense qu'après, il s'est senti mal. Oui. C'est-à-dire après, dans son cœur, il a senti qu'il avait péché contre Dieu. Oui. Mais justement, je ne comprends pas si c'est Dieu, donc, si c'était dans la volonté de Dieu et qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu, pourquoi après, donc, il s'est senti mal. L'homme selon le cœur de Dieu ne veut pas dire l'homme qui ne fait pas de faute. C'est pas ce que ça veut dire. Parce que sinon, c'est l'un des grands rois et autres qui a commis non seulement le meurtre et l'adultère, comme vous avez remarqué. Donc, l'homme selon le cœur de Dieu n'a rien à voir avec ce moment-là. Dieu a ses aspects à lui. Je crois qu'il faut qu'on parle encore d'un certain. De ce caractère de Dieu à s'initier dans la vie de quelqu'un. Sinon, comment comprenez-vous. Allez, attendez. Vous lisez le livre des prophètes de Juges, vous voyez les Philistins et Madian qui se lèvent contre Israël. Madian, c'est un peuple impur. Et là, vous vous trouvez d'un côté, je crois que j'en ai fait état de ceci plusieurs fois dans les enseignements. Vous regardez le prophète, Gédéon, le libérateur, qui a peur d'aller affronter parce qu'il n'est pas sûr que c'est Dieu qui lui a parlé. Comme les chrétiens rêvent, je dis, mais est-ce que c'est, je ne suis même pas sûr que c'est Dieu qui a montré ça à ma femme. Parce qu'en général, encore plus belle, c'est des choses. Vous voyez que ces choses, ces embrouilles-là dans le rêve. Pourtant, le rêve vient de Dieu. Et là, vous regardez. Gédéon dit, si c'est toi, il commence à tester Dieu avec le mouchoir mouillé. Maintenant, quand Dieu va faire la séparation, jusque-là, le garçon, lui, n'est pas trop convaincu. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, ok, si tu n'es pas trop convaincu, descends très tôt et descends vers la montagne, là, tu vas entendre. Et ce que tu vas entendre, ça va te donner le courage. Il va prendre son serviteur, le grand matin, ils vont s'effrayer le chemin dans les herbes et ils vont venir à l'instant où quelqu'un a raconté un songe à son voisin. Ça, ce sont les ennemis, c'est l'armée ennemie. J'arrive là maintenant. L'armée ennemie, Dieu donne le songe à l'armée ennemie. L'autre dit, il se lève le matin, le soldat qui était de garde dit, ah, j'ai eu un songe cette nuit, si ça me bouleverse. Dieu a patienté et conduit le temps ainsi que Gédéon arrive jusqu'aux positions où il sera positionné pour entendre. Et c'est là où il a permis que l'autre raconte son songe. Et imaginez cela. Dieu dit que descends très tôt le matin et quand tu vas entendre ce que tu vas entendre, ça va te fortifier, ça va te permettre de comprendre quelque chose. Dieu ne donne pas le songe du côté Israël, il donne le songe du côté de l'ennemi d'Israël. Et dans le songe, le militaire opposé dit, j'ai vu un gâteau de filles qui est descendu de la montagne là-bas, ça a saccagé le camp du Madian comme ça, sans dessus, c'était désordonné. Vous voyez, j'ai donné entendre cela avec son disciple, et puis il se tourne, l'autre là dit qu'il a entendu le songe, dit que si tu as vu ça, il y a des songes comme ça, c'est que ce n'est que l'épée de Gédéon, fils de Jérobal. C'est-à-dire que l'Éternel a livré le camp des Madian entre ses mains. Vous pouvez entendre ces choses-ci, comment Dieu donne le rêve et l'interprétation à quelqu'un de païen pour pouvoir faire que les Juifs, celui qui est chez lui, puisse entendre Dieu parlant dans un être humain. Or, on sait que le songe et l'interprétation doivent être donnés par le prophète. Et cette personne, s'il va faire comme ça, il ne va pas le fuir le camp. Il va finir comme ça, tout à l'heure, on va venir le tuer. Mais Dieu dit que va là-bas, il va t'annoncer cela. Maintenant, je vous pose la question, un temps soit peu. Est-ce que ces gens, ceux qui ont le songe, est-ce qu'ils savent que ce songe-là vient de Dieu? Est-ce qu'il est conscient que ça vient de Dieu? Celui qui donne l'interprétation, est-ce qu'il est conscient que c'est Dieu qui a l'utiliser de donner l'interprétation? Est-ce que lui, dans sa pensée, il connaît même qu'il non seulement il n'est pas en train de donner l'interprétation à celui qui est en train de donner le son, mais à quelqu'un qui est caché dans l'herbe là-bas, qui ne sont même pas au courant qu'il est là-bas. Donc, attendez, j'arrive seulement avec Dieu dans notre manipulation. Vous avez, même les choix, souvent vous choisissez un truc, même une chose de votre maison, un choix, et ça vient de Dieu. Plus tard, vous entendez comment ces choses-là servent, vous ne savez pas que c'est Dieu qui vous a fait acheter cela. Alors, c'est dans Apocalypse chapitre 17, avant qu'il ne dise autre chose ici, là, maintenant. Apocalypse chapitre 17, à partir du verset 1. Parce qu'il y a des gens qui essaient de protéger, de dire que non, Dieu n'a pas de pensée. Dieu. La Bible déclare que comme j'ai eu la pensée de vous faire le mal, Dieu a la pensée de faire du mal. Il dit, maintenant, je reviens, je retourne en arrière pour vous faire le bien. Verset 17, le chapitre 17, là, lisons à partir du verset 1. Puis un des sept anges, chapitre 17 d'Apocalypse, à partir du verset 1. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens et je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème ayant sept têtes et dix cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Donc, les amis apocalyptiques et des providentiels là, pour ceux qui pensent que c'est la religion musulmane et autre là-bas, c'est votre problème. Je vais lire ce qui est écrit, je vais dire ce qu'il en est. Verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Je crois que si le Seigneur permet qu'on ait cette restauration totale de l'Église, que son esprit se meuve là, on aura le temps de prendre Apocalypse dans la France de la sainteté ou bien dans un autre volet. On parle chapitre par chapitre en lisant et en travaillant là-dessus pour qu'on comprenne toutes ces grandes choses-là dans les Saintes Écritures. Verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les sept têtes et les dix cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme. Monter de l'abîme, c'est terrible. Et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, virgule, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre des vies. Je crois que voici les versets que je n'aime pas entendre. S'éteindront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. L'intelligence qui a de la sagesse. Tu parles. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi, cette même sept, écoutez, ce sont aussi sept rois. Cinq sont tombés. Un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi. Et elle est du nombre des sept. Et elle va à la perdition. Vous voyez cet bicéphalisme entre l'Église catholique, le pouvoir état, un chef religieux en même temps chef d'État. Il est en même temps une bête, en même temps un roi. Hey, tu parles de Bible. Verset 11, verset 12. Les dix cornes, c'est ici que ça commence. Les dix cornes que tu as vu sont dix rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme des rois pendant une heure avec la bête. Donc, vous voyez effectivement que nous trouvons effectivement dans les prophéties du quatrième royaume. Ils ont un même dessein. Écoutez bien. Verset 13. Ils ont un même dessein, un même but, un même objet, un même plan. Et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Donc, vous voyez effectivement que l'Union européenne va finir par consacrer le pape comme leur dirigeant. Vous ne pouvez pas faire autrement, c'est ce qui est écrit là-bas. Amis, en tout cas, l'heure arrive, vous allez chercher à rentrer en Afrique. Verset 14, ils combattront contre l'agneau. Donc, vous voyez effectivement que tous les réunions qu'ils vont faire, l'Union européenne, tout ce qu'ils vont faire là, c'est contre l'Église. Ils vont voter l'homosexualité, voter telle ou telle chose, l'autorisation parentale, interdiction de prêcher ici. Vous voyez cela, ils combattront contre l'agneau. Quand ils combattront contre l'agneau, faites attention. Ne croyez pas que c'est parce qu'ils vont dresser la guerre qu'on peut faire telle chose. Ils vont, quand ils combattent l'Église, c'est contre l'agneau qu'ils sont en train de combattre. Donc, tous les décrets qui vont sortir contre la parole, c'est contre l'agneau. Vous voyez effectivement ces choses-là en présage dans, déjà là-bas. Verset 14, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont aussi avec lui les vaincront aussi. Donc, si vous êtes du nombre des fidèles appelés et élus ici, vous pouvez résister à la tentation. Vous pouvez résister. Mais si vous n'êtes pas parmi, qu'on va dire que non, l'homosexualité, tu vas dire que non, qui suis-je pour juger? C'est Dieu qui juge. Je ne suis pas moi xénophobe. Je ne suis pas moi hématobe. Ce sont tous d'autres problèmes. Attendons. Mais ceux, les vainqueurs, ils vont vaincre. Verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples. Donc les eaux, dans la Bible, en langage prophétique, symbolisent des peuples. Ce sont des peuples, des foules, des nations sur et des langues. Vous y êtes. Verset 16. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Regardez bien ça, consumeront par le feu. Car, maintenant c'est là où je voulais vous en venir, car Dieu a mis dans leur cœur, Dieu a mis, le Dieu de la Bible, a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein. Et vous voyez cela, et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Donc vous voyez clairement ici, la Bible est en train de dire que la Russie va devoir frapper le Vatican par une arme de destruction massive. Si vous êtes aveugle, c'est votre problème. Mais c'est ce qu'il dit là-bas. Donc on dit clairement qu'à l'issue de cela, il y aura une frappe au Vatican. Donc, alors vous dites, Dieu, c'est Dieu qui fait ça ou bien c'est sa volonté parfaite. La Bible déclare ici, c'est Dieu qui a mis dans leur cœur. Donc la décision qu'ils vont prendre dans ce conclave-là, c'est Dieu qui a mis ça comme ça pour amener leur chute. D'accord, le frère Pierre? N'essayez pas de dédouaner Dieu là où il est dans le problème avec la douane. D'accord, frère? Laissez-le, il peut s'en sortir lui-même. La France dans la sainteté, rebonjour encore. Bonjour, frère Junior. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Frère Junior. Oui. Donc, ça veut dire, en fait, si je comprends bien, on ne peut pas connaître les attributs de Dieu. C'est une question qu'on ne doit même pas se poser. Si vous posez des questions, il va vous montrer les attributs qu'il va montrer dans la Bible. L'intimité de Dieu, sa façon de fonctionner, c'est révélé dans les Saintes Écritures. C'est pour ça qu'en lisant les Saintes Écritures, il faut faire attention avec les caractères de Dieu. Vous allez voir à un moment donné, il dit que Dieu s'est repenti du mal qu'il a fait. Vous dites quoi? Dieu se repent du mal? C'est pour ça que vous allez voir, les gens vont prendre la Bible, vont dire que mais regardez-moi les dieux que ceux-ci servent. Un Dieu qui se repent. Un Dieu qui à un moment donné se pose la question où se trouve Adam. Non. Est-ce que Dieu a besoin de se poser la question? Les musulmans disent kun fayakun, c'est-à-dire quand il dit soit et la chose est. Vous voyez cela? Donc, Dieu a des attributs qu'il désire exprimer. Et il veut nous montrer effectivement que ces attributs qui sont en nous se trouvent en lui. Parce que nous sommes ses représentations. Vous voyez cela, frère? C'est compliqué, comment, ma soeur? Lui-même, il est compliqué. Compliqué. Oui, voilà, en fait, c'est ça. Je voulais en venir à ça, en fait. Des questions? Ou bien, c'est bon, c'est pour cette dimanche-ci, n'est-ce pas? Oui. S'il te plaît, quand on lisait Apocalypse au chapitre 17, là, chapitre 17 pour verset 8. Dans cette question, ce que tu dis là, c'est une question récente, alors, ça vient d'arriver là. Ça vaut la peine, donc, qu'on ne lit plus quelque part. Mieux, je réponds comme ça, pour qu'on ne va plus découvrir encore d'autres questions quelque part. Oui, vas-y, parle, frère. Bon, je ne sais pas, c'est une question, hein, de toutes les façons, c'est toi qui vas nous dire. En fait, on dit la bête que tu as vue était et elle n'est plus. Oui. Elle doit monter de la Bible. Oui. C'est de la Bible dont je m'arrête là. Oui. Est-ce que la Bible là, c'est lié à Genèse 1? Je crois que c'est Genèse 1. Ce n'est pas le Genèse 1 où il y avait le grand abîme. C'est pas ça, parce que l'abîme qui est là, c'est le vide du néant qui était sur la surface. Oui. Ce n'est pas cet abîme dont il est question. Oui. Je crois que si on commence à expliquer l'abîme maintenant, ça va nous amener encore loin avec les différents abîmes. Savez-vous que dans les cieux là, il y a des abîmes qui sont des tonneaux de prison pour les démons? Ok, c'est bon. C'est bon, alors c'est mieux. Donc, lisez dans la Bible. Des questions, frère? Moi, j'ai des questions. Là. Ne vous inquiétez pas, la France, nous viendrons vers vous. Nous viendrons vers vous encore. Ça, c'est sûr. Nous viendrons vers vous. Encore un peu de temps. Nous viendrons vers vous. Alors, s'il n'y a pas de questions... Je vous laisse travailler alors, n'est-ce pas? Je crois que le frère Olivier, il est où? Je crois que j'ai répondu à votre question aujourd'hui. On a vu beaucoup de choses, n'est-ce pas? Oui. Donc, ça fait 2h18 que nous travaillons maintenant. Mais quoi, frère Olivier? C'était par rapport à cette prophétie-là, comment est-ce que le frère Achille l'avait lu au commencement? Là. Oui. C'est pas encore apparu clair. Oui. Non, j'ai expliqué de façon grosso modo comment Dieu devait fonctionner avec la nation. Mais pour ce qui est des prophéties de l'Égypte et de Cameroun qui sont contenues là-bas, avec le Tchad y compris la Centrafrique, tout ce qui est donné là-bas concernant ces pays-là, avec la Tanzanie, l'Ouganda et toutes les autres choses qui sont écrites dans ces chapitres-là. Laissons le temps au temps pour qu'on puisse en découvrir, d'accord? Les événements sont en train de se dérouler. Mais chaque fois, maintenant, regardez l'Afrique, chaque fois, et regardez Ésaïe chapitre 19. Vous allez voir. D'accord. Et je voudrais savoir si par rapport à l'autre, comment on appelle on voit que l'Égypte ici, c'est le symbole de l'Afrique. Ouais, je vois, c'est le symbole un peu de l'Afrique. Mais quand je voudrais parler de la position de l'Égypte en tant que telle, oui. Est-ce que l'Égypte, celle-là qu'on voit aujourd'hui où les peuples arabes occupent, ce n'est pas l'Égypte, peuple africain, idolâtre, là, c'est le peuple noir, est-ce que ce n'est pas de ça que je voulais savoir quoi. Tout à l'heure, j'ai pris un cas où nous avons vu dans les Saintes Écritures comment Dieu parlant à Josué, le souverain sacrificateur, parlait du temple qui allait être construit, parlait d'autres choses. Mais pourtant, il utilise le même langage en disant la maison de l'Éternel. Quand il parle de la maison de l'Éternel, les sacrificateurs et tous ceux qui veulent y construire comprennent qu'il est en train de parler de la maison de l'Éternel qui est là, qui est en train de construire. Mais Dieu est en train de parler d'autres choses. De la même façon, quand Dieu parle de l'Égypte à Moïse et autres là-bas, Moïse a séjourné à l'Égypte ainsi de suite, il a dirigé le peuple égyptien, il a tué Pharaon là-bas. À un moment donné, il déplace le langage sur un autre. Maintenant, remarquez très attentivement. Ok, maintenant, vous voulez que je vais dire quelque chose, mais je vais lâcher quelque chose, tout à l'heure, il va sortir. Vous avez remarqué que dans ce livre des prophètes Isaïe, vous avez vu effectivement comment il a parlé de la traite négrière, comment les blancs devaient venir spolier l'Afrique. Vous avez vu ça là-bas, frère? Non. Si on peut relire. Vous n'avez pas vu ça là-bas? Vous n'avez pas suivi comment le prophète a dit qu'il va le soumettre à un maître, cruel, sur cette demi-sous? Oui. Vous n'avez pas vu ça, frère? Oui. Donc, il parlait de la traite négrière, de l'esclavage. On a parlé de ça là-bas. Donc, c'est après l'esclavage qu'à un moment donné, donc, on devait se au niveau de maître. Donc, quand vous entendez la colonisation, là, la France pollue l'Afrique, là, c'était dans la volonté de Dieu, parce que c'était prophétisé que ça fasse comme ça. La traite négrière, c'était dans le plan du Seigneur. Mais maintenant, l'heure du réveil et du retour à la médaille, des retours de médaille est arrivée. Remarquez très attentivement que Dieu ne dresse pas les Africains contre les maîtres qui ont dominé sur eux. Non, ce n'est pas prévu dans la prophétie comme ça. C'est prévu que les tumultes qui s'élèvent, c'est pour ça que vous pouvez voir dans ce réveil là prophétisé. C'est prévu que les tumultes qui vont se réveiller en Afrique, qui vont s'élever en Afrique contre les maîtres qui ont dominé, c'est pour enlever le joug de ces colons, le joug de ces moments-là au-dessus d'eux, non seulement cela, mais le principal objectif, c'est de se tourner vers Dieu. L'heure arrivée où, parce qu'il a parlé là-bas des... Et maintenant, écoutez encore. Dans ce livre des prophètes Isaïe, vous allez remarquer effectivement le pourquoi Dieu dit qu'il va envoyer la traite négrière. Il va envoyer cette colonisation. Dieu dit pourquoi? Il dit clairement que parce qu'en fait, il y avait des dieux en Égypte qui amenaient le vertige en Afrique. N'est-ce pas, frère? Et vous voyez effectivement que lorsque l'évangile va entrer, quand vous lisez pour les amateurs du panafricanisme et du panafricanisme religieux, vous allez voir effectivement qu'ils vont prôner la religion africaine. Prôner cette religion africaine en présentant le discours de Léopold. Je ne sais pas si vous avez lu ce discours, il parle que les Africains connaissent déjà Dieu. Or, Dieu lui dit dans la Bible que ce sont des divinités, à cause de ces divinités, qui vont amener les Africains captifs. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, il y avait des pratiques en Afrique, des pratiques ancestrales. C'est pour ça que vous voyez la Rose Croix et tous les autres Africains là, qui se lèvent maintenant, se lèvent contre les Africains en disant que l'Afrique est le berceau de toutes ces choses-là. C'est là-bas qu'on a pris, les Blancs sont venus pour spolier l'Afrique, les plus puissants africains, ce qu'on appelle le coutume et nos divinités, pour nous donner une religion importée. Ils appellent ça les religions importées. C'est pas ce que vous saisissez, mais c'est l'heure du réveil. Alors c'est à cause de ces vertiges donnés par les démons que les anciens égyptiens appelaient divinité, c'est-à-dire sur le plan africain en général, c'est à cause de ça qu'on est allé en captivité. De la même façon que les juifs sont allés en captivité à cause du fait qu'ils avaient intégré les juifs, les divinités africaines, tout autour dans le pays. Or Dieu les avait avertis d'éviter de vivre dans l'idolâtrie. À cause de ça, il les amène en captivité. À cause de la captivité, à cause de l'idolâtrie africaine, Dieu a amené l'Afrique à être oppressée. Donc, paradoxalement, les gens veulent se soustraire de la domination européenne et de la domination occidentale. Ils disent que ce sont eux qui ont donné la religion. Or, ils ne comprennent pas que, par le moyen de cette domination, Dieu a fait entrer l'évangile pour leur révéler le pourquoi justement cette domination est arrivée. Vous voyez donc que cette domination et cette, comment vous appelez ça, la traite négrée qui a eu lieu, la colonisation. Les gens disent qu'en Afrique, ils disent plutôt que les colons sont venus avec la Bible en main, mais ils ont spolié leurs richesses. Mais que direz-vous donc du peuple juif qui ont été spoliés également, amenés en captivité, et que tous les habitants de Jérusalem ont été amenés, les plus robustes, et même l'or que Salomon avait englasé, le bassin des vaches et autres, de la vache, ont été transportés à Babylone. Vous ne voyez pas également cela qu'on a spolié également là-bas. Dieu a amené toutes ces choses, la richesse là-bas, parce que c'est dans le plan de Dieu qu'on pille l'Afrique. C'est dans le plan de Dieu. voyez cela? Le moment va arriver, on va crier à lui, il va faire revenir toutes les richesses. Les richesses de l'Afrique n'ont pas encore été touchées, même au un tiers. Les richesses de l'Afrique, attendez voir. Les blancs viendront en Afrique pour demander du travail. Attendez voir. Mais derrière toutes ces choses, si ce réveil, si se trouve dans le réveil de Dieu, parce que Dieu veut tourner le cœur des Africains à lui. C'est de ça dont il est question. C'est de ça dont il est question. Alors souvenez-vous, quand vous lisez Ésaïe chapitre 19 encore, vous allez remarquer que Dieu dit clairement qu'il va envoyer d'autres maîtres cruels pour qu'ils dominent sur l'Afrique. C'est lui qui les envoie. La traite négrière, la colonisation. Et maintenant, Dieu montre clairement la période où ça doit sortir. C'est pour cela que les gens, les blancs qui sont sages, ils ont intérêt à ne pas résister contre les Africains. Parce que ça va aller dans tous les sens. Ça va aller au moment où les Africains vont gréver dans toute l'Europe, où il y aura un bouleversement, où même les Européens ne sauront plus quoi faire. Ils vont se tourner vraiment seulement vers le gouvernement en disant maintenant, dans des huis clos, qu'on fera mieux de ne plus mettre des dictateurs là-bas. Parce que quand on met les dictateurs, c'est ça qui nous cause des problèmes ici dans notre pays. Donc mieux on laisse pour qu'ils s'auto-gèrent. Et quand ils vont s'auto-gérer maintenant, le gouvernement africain va maintenant comprendre que les richesses de l'Afrique, c'est pour l'Afrique. C'est ainsi dit l'esprit. Voilà. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui. Mais il fut un temps, je ne sais pas si je me trompe, où c'est l'Afrique qui dominait le monde. Quand on parle peut-être d'Éthiopie qui avait la plus puissante armée du monde. Donc ça veut dire qu'un temps, c'est l'Afrique. Pardon, laisse-nous, dis donc. Laisse-nous. Dans le rêve de Nebuchadnezzar, tu as vu l'Afrique quelque part là-bas? Pardon, laisse-nous, dis donc. Mais pourquoi on parle de l'armée éthiopienne? On peut parler de l'armée éthiopienne, comme on peut parler de l'armée de Nebuchadnezzar, l'armée de ceci, mais quand on parle de domination en clair, l'Afrique n'a jamais dominé dans le cadre, dans les quatre royaumes, n'a pas dominé. Parce que la domination de l'Afrique n'est pas sur le plan militaire. Vous voyez, il y a une autre domination de l'Afrique. Parce que l'Afrique domine dans le domaine spirituel. C'est la plus grande domination là-bas. D'accord, mes chers? Je vais venir dans un autre enseignement sur le mensonge des musulmans avec le dieu de l'Arabie, tout ce que le Nebuchadnezzar allait faire là-bas avec ses fils qui sont allés faire en Arabie et Nabopolissar et allait faire là-bas pendant 10 années pendant que Belshaddai et son fils étaient mis au pouvoir. Nous allons voir tout cela dans un autre enseignement. La France dans la sainteté. Le frère Willy dit maintenant c'est bon, c'est bon là, trop c'est trop. Hein, frère Willy? Frère Junior. Oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? On fait nos valises et on vient en Afrique. Il n'y a pas suivi ce que le frère William a dit. Frère Junior, je disais, oui. Dans ces cas-là, oui. La France dans la sainteté, là. Oui. On fait nos valises et on vient en Afrique. La France dans la sainteté, oui. Tu vois, vous allez prier le valise, venez en Afrique. Vous voyez, maintenant, je vais vous dire quelque chose, mon frère Willy. Le peuple des dieux est multicolore. Parce qu'en réalité, Dieu a fait de telles enseignes que c'est Satan qui fait que les gens commencent à regarder sur l'aspect de la peau. Parce que vous allez remarquer que quelle qu'en soit la couleur de votre peau, vous avez le sang rouge. Vous avez remarqué cela? Le noir n'a pas le sang noir, le rouge a le sang rouge. Que non, le blanc a le sang blanc. Personne n'a le sang blanc. Tout le monde a le sang rouge. Parce qu'en réalité, l'âme n'a pas de couleur telle que nous voyons comme cela. L'âme est unicolore avec le sang. Incorporée dans le sang. De telles enseignes que ça ne soit pas coloré. De telles enseignes que Dieu n'est pas sur les aspects colorés. Dans Apocalypse chapitre 16 et chapitre 14, dont j'ai fait mention tout à l'heure là, vous remarquez que devant Dieu, il y avait le peuple de toutes les nations, de toutes les langues qui adoraient le même Dieu assis sur le trône, chantant le même cantique. À quel moment ils ont appris ces cantiques en leur langue? Donc vous voyez effectivement que Dieu va nous donner une langue unique, la langue de l'esprit d'adoration. Ça veut dire que pour les gens, il y aura c'est un peu comme, prenons un peu un exemple pour, prenons un Palestinien qui se marie avec un Juif. Et qu'il y a le conflit israélo-palestinien, vous voyez dans quel désarroi se trouvent ces enfants et cette famille-là. Ils ont intérêt à ne pas s'immiscer dans la politique, à s'immiscer dans cette bagarre-là. Sinon, c'est que quand on va dire un Palestinien tue son mari, tue les Juifs, c'est qu'à la maison, la guerre va commencer à la maison. Or, Dieu, avec l'amour brise les barrières territoriales. Vous voyez, renverse les murs de séparation. C'est donc pour cela que les peuples peuvent s'unir. Et c'est uniquement dans le corps de Christ donc, qu'on peut sentir cet amour-là. Donc, la haine et la dislocation qui va venir entre les Européens et l'Africain, ça n'a pas pour but de déchirer le cœur des cœurs. Non. C'est pour établir la volonté parfaite de Dieu sur la terre. Et par conséquent, ça ne dérangera en rien la relation entre les chrétiens de ces différents bords-là. Parce que ces chrétiens-là ont transcendé le royaume de la terre et la vie mondaine. Ils sont unis dans un seul esprit pour former un seul camp en Christ. Il ne se regarde plus comme français, slovaque, tchécoslovaque, ghanéen, nigérien, camerounais, non. Il ne se regarde plus comme ça. Il se regarde comme le peuple appelé du nom de Dieu. Amen. Mais frère Willy, tu viendras quand même au Cameroun, non? Comment? Mais tu viendras quand même au Cameroun. Mais le frère Willy, le sang africain quand même coule dans tes veines. Je te lance le défi de faire la généalogie de tes souches. Tu verras donc que tu descends de l'Afrique. Ainsi dit l'Esprit. Amen. Oui. Amen. Amen. Amen. C'est pour ça que tu vas te sentir mieux plus tard avec les Africains. Bon, bienvenue. Que le Seigneur te bénisse. Des questions? Ah, frère Junior, pardon. Oui, oui. Il y a des jours, ma femme, elle me fait croire en grand-père. Même Jésus a des problèmes avec sa propre femme. Donc Dieu a eu des problèmes avec sa femme au point où il a demandé où il y a la lettre de divorce. Mais ça n'a pas poussé à Dieu de divorcer de sa femme. Vous voyez? Voilà. Donc il y a ce sont des problèmes de foyer. Et ces problèmes de taquinage de foyer, là, ça fait le temps que l'amour augmente encore plus tôt. Au lieu de se disloquer. Déjà un coucou à ta femme. Elle se trouve même où déjà? Qui? Madame? Oui. Madame se cache. Elle est à côté de moi. Alors la sœur Laura, bonjour et bienvenue. Bonjour. Oui, donc malgré que la connexion émeraude a été retirée du forum, te voici maintenant présent. Dis bonjour à tes soeurs. Bonjour les frères. Suce, je vais profiter pour vous dire quelque chose. D'accord? Parce qu'il y a suivi de près et de loin cet petit événement, cet incident qui s'est passé. J'aimerais profiter pour vous dire quelque chose. Mon épouse a demandé de réagir. J'ai dit que je ne réagis pas parce que c'est dans la volonté parfaite de Dieu que ça se passe ainsi. C'est ce qui s'est passé. Dieu, lorsqu'il veut traiter avec les caractères venant de notre cœur, il ne va pas vous fermer dans une salle de classe en disant que sache que ton cœur est comme ça, sache que ton cœur est comme ça. Il te place dans une situation où tu vas savoir que ton cœur, il y a des choses qui ne vont pas. Il ne va pas chercher les gens loin. Il peut prendre ton enfant pour se dresser contre toi pour pouvoir t'enseigner. Prendre ton mari pour te créer des problèmes afin que tu saches que tu as des problèmes. Maintenant, quelque chose se passe comme incident. Et vous voyez là, vous êtes surpris que quelqu'un que vous aimez, avec qui vous collaborez, a dû dire quelque chose qui vous a choqué. Là, le problème n'est pas la chose qu'il a dite. Le problème, c'est de voir votre réaction. Et c'est justement là où le Seigneur attend. Vous dites, amen. À compter de maintenant, je me ferme. Alors maintenant, si vous faites la faute devant Dieu, Dieu aussi se ferme. Ou y aura-t-il accès de miséricorde du pardon? Que non. Dieu veut nous apprendre quelque chose. Je parle par rapport à l'événement qui s'est arrivé avec vous connaissez ce qui est arrivé, n'est-ce pas? Donc Dieu par là veut apprendre à notre soeur bien-aimée la patience et la tempérance. C'est ce qui en ressort de ceci. La patience et la tempérance. Dieu veut lui apprendre cela. Il faut qu'elle prenne ce coup et c'est comme ça que Dieu va faire. Elle esquive avec le cas qui s'est positionné. Un autre cas va se positionner jusqu'à ce qu'elle apprenne maintenant à compter sur Dieu en disant maintenant l'amour ne soupçonne point le mal. Maintenant, je vis dans la foi du Seigneur. Si quelqu'un fait n'importe quoi, je l'aime parce que le Seigneur m'a aimé avec mes défauts. Vous voyez, c'est l'enseignement que Dieu va faire passer là-bas. J'espère que vous m'avez bien compris, n'est-ce pas? Amen. Alors, la sœur Laura, est-ce que je peux appeler le nom de la personne ici, même comme la personne n'est pas présente, en disant que ma sœur bien-aimée, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Est-ce que je peux le faire? Amen. Amen. C'est à toi qu'elle parlait, ma sœur. Laisse-la parler. Non, allez, je parle. Frère Junior. Non, attends d'abord. Quelqu'un a la parole d'abord. Ok. Je parle avec qui? Ça, ce sont les enseignements bibliques. Si vous regardez dans 1 Jean chapitre 3, le verset 15, amen. La Bible déclare que si quelqu'un n'aime pas son frère, c'est un meurtrier. Et vous voyez dans les enseignements, il dit souvent, vous dites, non, je ne l'aime pas, mais je ne le déteste pas non plus. Votre cœur ne peut pas être neutre. Il y a un point. Votre cœur ne peut pas être neutre. Et si vous l'aimez, l'amour s'exprime. Vous pouvez dire, je t'aime. Comme je vous aime là, je vous le dis. Vous voyez? Et s'il y a la haine, il faut que ça quitte. Et la haine peut être remplacée que par l'amour. Donc, s'il y a la haine là-bas, vous dites, je t'aime, pour que l'amour puisse entrer et la haine puisse partir. Sœur Laura, tu as la parole. Shalom à tous. En fait, je dis bonjour à maman Abeti. Et concernant... Dis maman Abeti, ma bien-aimée. Maman Abeti m'a bien aimé. Mm-hmm. Si je jouais longtemps, elle est peut-être le partage avec la France, la sainteté. C'est vrai, devant tout le monde, j'avais dit que j'avais pardonné ce qu'elle m'a fait, mais j'ai eu du mal à lui pardonner là jusqu'à aujourd'hui. Devant tout le monde là aujourd'hui, vraiment, je dis à maman Albertine qu'elle est une maman pour moi. Courage, d'accord, ma soeur. Courage. C'est la guérison de ton cœur. La guérison de ton cœur. Donc, après cet enseignement, il faudra l'appeler, même si son téléphone vous en parle. On ne peut pas vous fuir. On ne peut pas fuir parce que le Saint-Esprit viendra. Ça va nous unir dans un seul corps. Le pied ne peut pas dire de la main que tu m'as fait du mal, il ne t'égrate plus. C'est que l'insecte, c'est que la morsure de quoi que ce soit va créer la difficulté à tout le corps. Et donc, si tu souffres, nous tous nous souffrons. Si maman Albertine souffre, nous tous nous souffrons. C'est pour cela que nous sommes unis. Un peuple uni dans une seule espérance, une seule foi, un seul amour. Et l'amour doit demeurer. La haine ne doit pas être au milieu de nous, quel que soit le cas. Nous préférerons, d'après les Saintes Écritures, subir des injustices au nom de l'amour. Prendre des charges sur nous pour pouvoir supporter les uns les autres. D'accord? Et s'il y a des sujets de plainte, on doit se pardonner. C'est ça, c'est le peuple de l'amour, et c'est le langage d'amour. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse. D'accord, ma soeur? Amen. Amen. Et si vous êtes à cette étape-ci où le cœur ne parvient pas à arriver à cette étape-là, abandonnez tout jusqu'à ce que vous êtes au pied du Seigneur, que le Seigneur puisse accorder la repentance de la bonne façon. Sinon, vous allez continuer en disant que j'ai oublié. Vous allez faire 40 ans de fois, Dieu va revenir sur cet acte-là parce qu'il ne peut pas oublier ça, lui. Il faut que ça soit ôté. D'accord? Amen. La sœur Laura, tu as la parole. Elle est une maman pour moi et que je l'aime très fort. Et voilà, là aujourd'hui, je pardonne tout parce que voilà, je ne suis rien. Le Seigneur m'a pardonné dans tous mes péchés que je fais chaque jour. Donc, quelque chose, c'est pas simple pour nous. Vraiment, c'est ma maman. Amen. Je ne veux pas l'abandonner. Je veux qu'on le contacte avec elle. Amen. Et je l'aime très fort. Que Dieu te bénisse. Et donc, dans ce cas, on va commencer à voir maintenant dans les groupes. Emeraude a rejoint le groupe. N'est-ce pas, ma soeur? Parce qu'il faut maintenant aller au sens contraire de la lit. D'accord? Voilà. Tu ne dois pas nous quitter et tu ne peux pas nous quitter. D'accord? Tu es dans nos cœurs. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Donc, souvenez-vous, prenez les fautes des uns et des autres comme un apprentissage pour ne pas fauter et aider les uns et les autres qui fautent pour se corriger. D'accord? Ne nous éloignons pas à cause des fautes des uns et des autres. Ne nous éloignons pas à cause des fautes des uns et des autres. Parce que si tu t'éloignes, le caractère humain fait de telle enseigne que l'un va toujours te créer des problèmes. On ne doit pas toujours être au même niveau de diapason, au même niveau de connaissance, au même moment. Et c'est pour eux que si tu commences à te séparer d'une personne, tu vas finir par te séparer avec toutes les personnes et t'isoler seul. Et c'est ça, c'est là où Satan veut nous amener. Non, la Bible déclare que si vous avez l'un à sujet de ses plaintes de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Le frère Olivier, tu voulais parler tout à l'heure. La félicitation à la sœur Laura. Félicitations à notre sœur Laura. Je crois que son mari, elle mérite un bisou de la part de son mari, comme ça officiellement devant vous. N'est-ce pas le frère Willy? Amen, amen. Oui, le frère Joseph. Un bisou, un bisou, un bisou. Un bisou. Voilà. Ben voilà, on applaudit à l'homme. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez-vous à l'esprit qu'il y a n'importe quel problème. La solution d'abord, c'est que ça doit s'arranger avant que vous compreniez n'importe quel moyen pour pouvoir y arranger. La solution, c'est que quel que soit le problème en milieu chrétien, ça doit s'arranger. Ça doit s'arranger parce que la vie chrétienne ou bien les chrétiens, c'est un milieu de solutions, pas un milieu de difficultés et de problèmes. C'est un milieu où on octroie les solutions. Les solutions sont ici. Vous êtes la lumière du monde. L'église est la colonne et l'appui de la vérité, dit la Bible. Amen. Alors, frère Olivier, tu as la parole. Comment ça se passe avec les païens? Frère Julien, c'est pour ça que vraiment ces derniers temps, comme tu n'étais pas, le Seigneur nous a mis à cœur de beaucoup travailler sur le cœur. Oui. Donc, pendant tout ce temps-là, c'était le sujet de notre méditation, le sujet de l'exhortation. En fait, on a travaillé que sur ça, le cœur. Amen. Puis le Saint-Esprit vient purifier nos cœurs par la foi et nous donner d'avoir de l'amour sincère, réciproque, de façon inéluctable et sincère. Amen. Amen. Mais souvenez-vous de ceci. Souvenez-vous que nous sortons, nous avons des backgrounds différents. Nous avons des pensées différentes par suite de notre appartenance, de notre culture. Lorsque vous rencontrez, c'est pour cela que Dieu a fait de telle enseigne que la Bible soit de culture unique céleste. Il n'a pas écrit quelque chose pour les blancs, quelque chose pour les noirs. C'est parce que c'était ça. Il y a la diversité culturelle qu'il y a sur la terre. Ceci transcende au-dessus de cela. Ça veut dire que lorsque les cœurs des gens s'arriment à ces saintes écritures-ci, ils commencent à voir le comportement céleste, pas le comportement coutumier. Et par conséquent, si on parle le langage de la Bible, on n'aura pas de problème. Mais dans le pourparler du langage de la Bible, on va se trouver confronté à nos anciens styles de vie, nos anciens mots qui vont refaire surface. Mais la priorité et la vision doit être la mise en pratique des saintes écritures. Au fur et à mesure, les autres choses qui sont secondaires là vont s'estomper. C'est pour ça que la Bible déclare « Supportez-vous les uns les autres. » Oui, quelqu'un m'a appelé. Oui, ma soeur. Oh, d'accord. Supportez-vous les uns les autres, c'est entre frères et sœurs. Et comment se comporter quand on a ce genre de cas avec des personnes qui sont païennes? La Bible déclare que autant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Autant que ça dépend de vous. Donc vous faites tout et tout pour que le problème ne soit pas de votre côté. Et dans Matthieu chapitre 5, donc, verset 8, il dit « Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront... » Verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. » Il faut procurer la paix. Il ne faut pas que les chrétiens soient quelque part, ce sont eux qui créent le désordre. Il faut que lorsqu'on va vous calomnier, comme il le dit dans le livre de 1 Pierre, que là même où vous calomniez, il glorifie Dieu le jour qu'il va le visiter. Vous voyez? Qu'on remarque même vos bonnes manières de vivre. Mais il y a des chrétiens que quand ils ouvrent leur bouche comme ça, ça sort 20 balles par seconde comme la mitrailleuse Kalamichkov. Vous voyez cela? De telle enceinte que quand quelqu'un, quand il bavarde quelque part, un de ces jours vous venez vous dites que cette personne c'est chrétien, dit qui? Celle-là, chrétien. C'est le païen qui commence à te dire le comportement que les chrétiens doivent avoir. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Or, la Bible déclare que nous devons avoir un comportement de telle enceinte que quand les païens soient confondus, quand ils veulent vous faire tomber dans la, rouler dans le couscous, dans la farine, en disant que vous êtes mauvais, on verra qu'en réalité, il n'y a pas de traces de mensonge quelque part. D'accord, ma soeur? Amen. On doit toujours leur manifester de l'amour et toujours tirer la paix de notre... Enfin, que la paix soit toujours... leur apporter toujours la paix. Exactement. Souvenez-vous, Dieu n'a pas dit que soyez en paix afin qu'ils soient en paix avec vous. Parce que ce sont eux qui nous calomnient, nous persécutent. Mais de ton côté, tu ne dois pas être coupable. Supposons que les païens vous calomnient d'avoir fait telle ou telle chose, d'avoir mal parlé du nom de quelqu'un, d'avoir fait la calomnie concernant quelqu'un. Il ne faut pas que cette accusation soit vraie de votre côté. Parce que nous sommes un peuple qui ne devait pas amener la calomnie sur la scène. Vous voyez cela? Mais si vous pouvez, avec les païens ayant des problèmes où on vous accuse d'avoir calomnié, que cela est vrai, c'est un problème. Donc il y a un problème là. Il faut que lorsqu'on vous accuse, parce qu'on a accusé le Seigneur jusqu'à ce qu'il a dit que, alors que Jésus n'avait pas dit cela. Vous voyez cela, n'est-ce pas? D'accord. Voilà. Oui, Junior. Oui, je réponds. Oui, le fond, Olivier. Oui, Junior, en fait, ça veut dire déjà deux choses, d'après ce que je comprends. Ça veut dire que même quand vous n'êtes pas connecté, vous êtes au courant de tout ce que nous faisons dans le groupe. Non, non seulement je suis au courant, mais même les murmures. Je travaille beaucoup dans l'esprit avec vous par rapport aux murmures. Vous savez, il y a des gens qui se tiennent sur les claviers, un frère écrit quelque chose, quelqu'un se tourne dans son côté et murmure. Le Seigneur montre tout cela dans le tableau. Je dis, Seigneur, ça me fait de la peine, mais je suis obligé de vous dire cela. D'autres choses, ne le dis pas. Je les glisse dans les enseignements, sachant que ça va toucher l'esprit de la personne. On ne doit pas murmurer. C'est ça. D'accord? Quand quelqu'un écrit quelque chose, même si la personne sort hors du cadre ou bien dit des choses qui ne sont pas vraies, la Bible déclare que les gens qui sont spirituels doivent redresser avec condescendance, doivent redresser avec amour. C'est ce qui est écrit dans le livre des Galates, chapitre 6, n'est-ce pas? Et surtout qu'on doit porter les fardeaux les uns les autres. Ça veut dire que vous voyez qu'un frère, une soeur vit dans un dérèglement. Ce qu'il faut faire, c'est aller devant le Seigneur en priant pour ses frères, priant pour ses soeurs-là. Pas l'amener en jugement devant l'autre frère. Amen. D'accord, mes chers soeurs. Amen, frère. Donc, tous les groupes, là, tous les forums, je suis au fur et à mesure. Pendant la nuit, je ne dors pas, je lis tout ce que vous faites, je suis tout ce que vous faites. Et je passe le temps de la prier pour cela. Dans tous les groupes qui se passent. D'accord? D'accord, frère. Bon, maintenant, j'ai une question, peut-être, je ne sais pas si elle est personnelle, mais une fois dans un enseignement, tu avais dit que tu avais fait un rêve où tu te retrouvais bloqué dans la vie, qu'il y avait un conteneur qui venait, quelque chose comme ça, tu avais demandé qu'on prie pour toi. Ce n'est pas un rêve. C'est pas le rêve. C'est quelque chose qui s'est passé physiquement. Ah bon? C'est pas le rêve, mon frère. Ce n'est pas le rêve. J'ai suivi ça aussi. C'était réel. Et j'ai dit qu'il y a quelque chose qui en s'est passé dans l'esprit, mais c'est dirigé vers moi. Et j'ai tenté d'expliquer cette histoire de condamner pour demander, parce que j'ai tenté de poser des questions en moi pour savoir si cet événement, ce qui est en train de se manifester. Et lorsqu'on a traversé cette étape, j'ai compris. Même maintenant, où je suis en train de vous parler, cette chose-là se trouve encore dans l'esprit. Ce n'est pas toujours estompé. Donc, ça veut dire que la chose est toujours en alerte. Vous voyez, à l'instant où je suis en train de parler maintenant, ça se trouve encore comme ça dans les eaux troubles, un peu comme l'eau est trouble. Donc, il y a quelque chose qui se dirige vers moi. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce qui va arriver. C'est pour ça qu'il dit priez pour ma famille, pour ma vie. Je n'en fais de ma vie aucun cas. Priez, c'est pour eux. D'accord? Des questions, des questions. D'accord. Il y a même des gens qui vont rêver qu'ils vont mourir. Puisse-t-il arriver ainsi? Mais il n'y a pas de problème. D'accord? Non, frère Junior, c'est comme la coupe de l'apôtre Paul. Souvenez-vous, si les étoiles s'estompent, je dois quitter. Des questions. Allons-y, des questions. J'ai une question. Je voudrais revenir particulièrement sur, comment on appelle, je voudrais avoir un peu savoir sur la vie, la confirmation par rapport à la vie des apôtres, bon, les premiers apôtres, particulièrement l'apôtre, je voudrais un peu revenir sur l'apôtre Paul. Oui. Et ma question, l'apôtre regorge la plupart des ministères en étant apôtre. Je crois que si tu nous entends là, une fois de plus, il y a coupé. Pourquoi chaque fois que le frère Olivier veut parler, il y a coupé comme ça? On ne t'entend pas du tout. Oui, c'est pas vrai. Je ne sais pas si quelqu'un a suivi sa question. C'est quelqu'un dont la connexion est claire, que la personne puisse réitérer sa question pour que je puisse avoir. Je n'ai pas suivi. Ma question est comprise. Elle est écoutée. Le frère Achille, le frère Yannick, vous avez entendu ce que le frère a dit? Oui, non, j'ai pas entendu. Alors, frère Yannick, si tu as entendu, il faut restituer un peu ces paroles alors. En fait, le frère demande si. Allô? Oui, vas-y, mon frère. Si l'apôtre Paul, il se rend compte que l'apôtre Paul avait beaucoup de dons, je crois qu'il a parlé de 9 dons, okay. Et il voudrait savoir si c'est lui qui comprend mal ou. il voudrait savoir si c'est vrai. Oui, mais c'est ce que tu as constaté dans les Saintes Écritures. Vous allez voir effectivement que pour des ministères spéciaux par rapport à certaines choses, vous allez voir que dans les Saintes Écritures, et justement, c'est bien comme tu as remarqué comme ça, l'apôtre Paul va manifester plusieurs dons dans son ministère parce que ça cadre avec l'appel qu'il a directement. Vous voyez ça? Donc tu as bien signifié, tu as bien vu cela, ce n'est pas faux, c'est exactement ce qu'il en est. Mais ce n'est pas tous les apôtres qui sont comme ça. C'est spécifique par rapport à son ministère. Donc non. Vous allez voir effectivement, il y a des gens qui vont manifester des ministères, vous allez voir, mais celui-ci, il est évangéliste. À un moment donné, vous voyez que mais, c'est un prophète ou c'est un évangéliste. À un moment donné, vous voyez, mais c'est un apôtre ou c'est quoi? À un moment donné, vous allez voir maintenant, dans les dons de puissance, mais finalement, il est même quoi finalement? C'est comme ça. D'accord, frère Olivier? Oui. Et vous allez voir oui. Quelqu'un comme Barnabas qu'on appelle apôtre, mais on dit qu'il est fils d'exhortation. Il passe son temps à fortifier l'esprit des disciples, mais peut-être il est apôtre. Justement, frère, j'en parlais avec mon mari hier, ce sujet-là, par rapport au fait que, parce que j'avais suivi un enseignement qui disait que il n'y a pas d'évolution dans les affaires, en fait. Peut-être quelqu'un sort pasteur, après il devient prophète, après il devient apôtre. Tu avais fait un enseignement sur ça, donc lui et moi, on était en train de parler par rapport à ça. Et puis on se disait que sûrement, peut-être des personnes tâtonnent, parce qu'on voit les authentiques, qui parle, j'étais dans la fonction pastorale, après, je suis parti dans la fonction apostolique, justement, ça m'a brouillé, dit que non, en fait, je vais plutôt enseigner que il n'y a pas l'évolution dans les appels-là. Donc, ça, on n'avait pas bien la compréhension à ce niveau-là. Pourquoi? Et donc, on dit qu'il était d'abord comme ça, après, il est... Et toi, tu nous as expliqué le contraire dans l'enseignement. Et la passation d'une et l'autre, comme on le montre aujourd'hui en milieu chrétien, entre la fonction. Le Seigneur Jésus-Christ, par exemple, à Jérusalem, a fouetté, vous voyez effectivement qu'il faisait office là-bas des diacres sans pour autant être diacre. Ça ne veut pas vous dire juste qu'il était un diacre. Donc là, celui qui met de l'ordre dans l'assemblée. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il part de lieu en annonçant la bonne nouvelle là-bas. Il fait leur fonction d'évangéliste. À un moment donné, donc, il va te mettre là-bas pour guérir les gens, porter le fardeau des gens. Là, il est maintenant comme le fardeau, comme Amos le dit. Amos veut dire porter le fardeau. Et là, maintenant, il a de porter le fardeau. Il est le Dieu qui guérit, ainsi de suite. Et la Bible appelle maintenant que lorsqu'il prend les brebis sous ses ailes, il est le grand pasteur de nos âmes. Donc il fait différentes fonctions. Mais il est le Messie. Ce qu'il est, il est le Messie. Il est le Dieu créateur dans différentes fonctions. Donc quelqu'un peut faire fonction de l'office de paître les brebis sans pour autant être un berger. Tu vois ça? Quelqu'un peut faire. Mais ce que nous dénonçons et ce que la Bible dénonce, c'est le fait que vous entendez quelqu'un dire qu'il est aujourd'hui le pasteur. Demain, il est apôtre. Demain, il est archbishop. Demain, ça, ce n'est pas dans le corps de Christ. Ça, c'est ça dont c'est les questions. Vous n'allez pas voir l'apôtre Paul se présenter là-bas. Vous n'allez pas voir la Bible le présenter comme étant un prophète. Vous n'allez pas le voir, la Bible ne va pas le présenter comme étant un évangéliste. Mais ces fonctions-là, il les a remplies. Mais la Bible l'appelle Paul, apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? C'est dans sa fonction intrinsèque là-bas de son appel. Mais peut-être il est prophète messager. D'accord? Amen. J'ai une question, frère. Oui, vas-y, mon frère Pierre. La question se trouve dans 1 Corinthiens. Peut-être, je ne sais pas si la question est à jour, donc si ça correspond avec ce qu'on est en train de parler aujourd'hui. C'est une question. Il n'y a pas un thème. Il n'y a pas un thème qu'on a en train d'aborder depuis. C'est la question, les questions que nous sommes en train de répondre, non? La question se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 11. Oui. Dans 1 Corinthiens chapitre 11. Oui. Jusqu'au. Jusqu'au verset 16, oui. Voilà. Oui. Non, c'est comme tu as compris maintenant. Pose la question. La question, c'est quoi? Parce que là-bas, on parle de la tête, des classements, de l'adoration, des cheveux, de la longueur, des couvertures, des voiles, ainsi de suite. Exactement. Oui. La question se trouve, c'est-à-dire la question se situe au niveau de la recommandation de Dieu par rapport au port du voile. Oui. Et voilà. Et ce que moi je veux savoir, parce que jusqu'au verset 16 aussi, il y a une autre question, c'est-à-dire là où Paul dit si quelqu'un ne se plaît pas à contester, nous n'avons pas à... Non, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude de... pas non plus que les églises des dieux, oui. Voilà. Donc, quand la première question, c'est d'abord, est-ce que la femme a le droit de couper les cheveux? Est-ce que la coupure des cheveux, si la coupure de cheveux est égale, par exemple, au voile. Disons plutôt que, est-ce que le voile est égal aux cheveux? Ça, c'est une question. Et est-ce qu'elle a le droit de se couper les cheveux? Oui, si elle a le droit de se couper les cheveux. Voilà, donc maintenant, on va répondre de façon sèche avant de passer la parole. Je vais passer la parole aux biblistes qui sont là. D'après la Bible, si une femme qui est mariée coupe ses cheveux, le mari a le droit de lui demander le divorce, dit les Saintes Écritures. Qui pourra prendre le développement maintenant? Je crois que ce serait mieux de laisser aux frères maintenant de répondre à ces questions-là. Qui pourra répondre? Qui veut répondre? Première question, la femme a-t-elle le droit de se couper les cheveux? Frère Achille? Femme mariée ou bien femme d'une manière générale? Donc, allons au cas par cas. Je vais un peu, parce que je ne sais pas s'il faut que je dise un peu cette partie. Ne t'inquiète pas, on a compris ta question. C'est quand on va entrer là-bas que tu vas voir maintenant vraiment ce que ça dit. Je veux qu'on réponde de façon sommaire. Plus tard, on va entrer dans les scènes écritures pour voir maintenant que quand, or, s'il est honteux pour une femme d'avoir des cheveux coupés ou d'être rasé, qu'elle se voile. On va comprendre ce que ça veut dire. D'accord, mon frère, on arrive. Alors, le frère Olivier voulait parler. Il a parlé de cas spécifiques, des cas généraux. Qu'est-ce que tu voulais dire par là, frère Olivier? Moi, je parle des femmes d'une manière générale, ou bien la femme mariée, quoi, je voudrais dire. Puisque de toute façon, il y a deux styles, celles qui sont mariées, celles qui ne sont pas mariées. Donc, brosse-nous les deux cas. Bon. Moi, par exemple, je vais parler du cas pratique. Oui. Comment on appelle les chevelures là que Dieu a mis chez les femmes, et que Dieu veut que la femme ait vraiment les cheveux, c'est pour une raison. Je prends par exemple dans mon cas. Mm. Quand ma femme a des cheveux et qu'elle les coupe, pour moi, dans ma tête, je vois que c'est autre chose maintenant. Au cas où peut-être c'est une maladie, c'est peut-être une plaie, c'est peut-être quelque chose. Là, ça va vraiment dans mon esprit, je veux comprendre ça. Ça, je parle je ne suis pas en train de parler, je suis en train de voir les choses puis pour comprendre ce que ça veut dire, la nature, ça veut dire des réactions humaines par rapport à ça. Et nous voyons que les chevelures d'une femme, c'est la chose la plus importante, c'est ce qui fait qu'elle est femme. Et c'est ce que moi, en tant qu'un humain, que je ressens, en tant qu'un homme, je ressens pour ma femme. Et que si ma femme coupe les cheveux, Une fois de plus, le frère Olivier nous dit des choses intéressantes là-bas par rapport à son expérience, même dans le couple, mais la connexion dira toujours du côté de la Chine là. Le frère Olivier, si tu nous entends, reviens-nous. Le frère Achille, tu voulais parler aussi. En fait, ce que je voulais dire, c'est que la femme n'a pas le droit de se couper chez nous. Comment tu le portes? Tu as un pasteur qui est sec comme ça là, mon frère. Non, voilà. Si, parce que, frère, je veux juste comprendre un truc. Tu as dit, parce qu'il y a une différence entre se raser et couper les cheveux, par exemple, pour arranger. Oui. Tu vois, pour arranger. Oui. C'est-à-dire, et parce que je sais que dans la parole, il n'y avait que Samson que Dieu a donné précisément une interdiction de mettre le rasoir de couper ses cheveux avec du rasoir. Mmh. Mais par contre, une femme, par exemple, peut arranger ses cheveux peut-être en coupant, puisque les cheveux même de naturellement tombent. Oui. Bon, maintenant, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que moi, je ne parle pas de raser les cheveux, parce que raser les cheveux, comme nous les hommes, c'est autre chose. Voilà. Mais pour couper les cheveux, pour arranger les cheveux... On arrange un peu comme pour le frère Willy, comme on voit là, la femme coupe ça un peu comme les... Oui. C'est là où je veux... Oui. Alors, la sœur Laetitia, oui, donc la sœur Laetitia en a parlé, la sœur Laetitia, dis-nous, tu veux dire quoi? C'est la sœur Hélène. Ah, la sœur Hélène, dis-nous donc. Non, en fait, moi, je voulais juste prendre un exemple. Bon, avant, je me défrisais les cheveux. Mmh. Et bon, j'ai décidé de les couper parce que je ne voulais plus les cheveux défrisés. Oui. Donc, j'ai coupé la partie défrisée pour laisser les cheveux naturels pousser. Donc, tu as pris un nouveau départ avec tes cheveux, quoi. Voilà. Mmh. Voilà. Là, maintenant, tu as utilisé la terminologie rasée. Mais le frère Pierre en train de signifier ici, par exemple, qu'une femme, par exemple, qui a les cheveux bizarres, même les extrémités, elle coupe juste les extrémités. Pour... Il y a un souffle, quelqu'un qui souffle là. Il y a des extrémités des cheveux pour arranger. Elle ne parle pas de couper totalement les cheveux. Donc, on coupe seulement pour arranger. Est-ce que ce sera tort de le faire? Mais il faut aussi des situations, des cas pour pouvoir vraiment... comment dire quelque chose, frère? On ne sait pas pourquoi elle arrange pour quel problème. Oui. Voilà, c'est ça, voilà, donc je crois que le frère Pierre doit devoir expliquer cela pour qu'on sache exactement pourquoi elle est censée arranger ses cheveux. Qui a-t-il sur ses cheveux pour qu'elle puisse arranger en coupant? Si c'est peut-être trop, si c'est beaucoup, donc si c'est trop, peut-être on peut diminuer. Si c'est trop long, par exemple, si ça déborde, par exemple, peut-être pour mieux nettoyer aussi. Mm-hmm. Il y a plusieurs raisons, mais je ne parle pas de raser. Mm-hmm. Je parle de ranger, en fait. Mm-hmm, de ranger. En fait, et par exemple, il y a d'autres... Bon, j'ai parlé avec une bien-aimée. Mm-hmm. Et que ce problème a été posé. Oui, frère Yannick. Quand je lis, et quand je lis la parole, je comprends. C'est-à-dire, ce que je comprends, peut-être je me trompe. Mm. C'est pas interdit, raser les cheveux, c'est pas normal, mais c'est pas interdit de couper. Moi, j'ai pas vu que c'est interdit, mm-hmm. mais peut-être dans l'explication, peut-être entre nous, peut-être je peux comprendre mieux. Voilà, alors là, je te pose la question, mon frère Pierre, quelle est la longueur donc? Parce que tu as dit que si c'est trop long, justement, c'est justement ça, mm-hmm. ça dépend de ça dépend de comment. Il y a d'autres personnes qui n'ont même pas assez de cheveux, d'autres sœurs qui n'ont même pas assez de cheveux, d'autres qui en ont beaucoup. Et d'autres qui en ont beaucoup, tu demandes qu'il faut qu'elles diminuent pour pouvoir arriver à un standard. Non, je parle pas des Européens, je parle d'un cas général en fait. Ok. Mais c'est un cas personnel, mais ça peut aussi servir de cas général. Exactement. Ça veut dire que est-ce que la femme a le droit de toucher à ses cheveux pour couper, pour arranger sur quelque forme que ce soit? Le frère Olivier attend de le développer dans un sens là, et c'était intéressant, mais sa connexion nous crée toujours des problèmes. Oui, le frère. Oui, frère Achille. Oui, je voulais juste remonter dans 1 Corinthiens 11 à partir du verset 6. Oui. Oui. Parce que là, on dit, si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux, point. Là, ce n'est pas rasé, n'est-ce pas? Là, ce n'est pas rasé. On a dit qu'elle se coupe aussi les cheveux, point. Mm-hmm. On continue en disant, or, s'il est honteux pour la femme d'avoir les cheveux coupés, ou d'être rasé. Donc, ça veut dire que couper et raser sont des problèmes. Sont des problèmes. Le frère Pierre, est-ce que tu dis, attends, je sais bien, c'est pour ça qu'il dit qu'on ne lit pas tout à l'heure, parce qu'il faudrait qu'il sorte d'abord tout ce qu'il a avant qu'il revienne. Parce que quand on va là-bas, ça dit autre chose. Alors, le frère Pierre, tout à l'heure, tu disais que couper pour arranger. Ici, et tu dis que tu signifies que tu ne parles pas de raser. Là-bas, on parle en même temps de couper et de raser. Qu'est-ce que tu en dis? Oui. C'est-à-dire que là, ils sont en train de parler des deux, en fait. Voilà. Oh, tout à l'heure, quand tu parlais, tu pensais effectivement que... Parler des deux. Alors, allô? Oui. Et tout à l'heure, quand tu parlais, tu pensais, toi, tu disais que tu n'es pas en train de dire que cette femme doit se raser les cheveux, mais qu'elle doit couper, n'est-ce pas? Oui. Mais maintenant, on découvre que la Bible nous parle de non seulement elle ne doit pas couper, elle ne doit pas non plus raser. Enfin, de toute façon, si elle rase, ça suppose que c'est ara. Si elle coupe, ça suppose qu'elle a touché jusqu'à un niveau donné. C'est donc pour cela que personne n'a le standard de la longueur, n'est-ce pas? Là, la question dans le verset 6 là parle de pendant la prière. Ça, c'est pendant la prière. Donc, ça veut dire qu'on coupe les cheveux pendant la prière. Après, quand on est hors de la prière. Ça veut dire pendant la prière, c'est parce que, en fait, l'apôtre, ce que je comprends. L'apôtre Paul est en train de ramener le non-port de voile à une personne qui se rase les cheveux, en fait. C'est-à-dire le non-port de voile pendant la prière. Oui. Et parlant des cheveux. À une coupure de cheveux, quoi, en fait. Le non-port de voile pendant la prière. On va arranger. La Bible déclare, c'est ce que la Bible déclare, on va citer la parole de mon grand frère. Il dit ceci. S'il est honteux, il dit, la femme ne doit pas. Toute femme, oui, commençons comme il a dit dès le départ. Toute femme qui prie ou qu'il prophétise, la tête non voilée ou bien non couverte, déshonore son chef. Puis il dit, c'est comme si, donc ça dit que ce n'est pas voilé, c'est comme si. Donc ça, c'est exactement comme si elle est quoi? Rasée. Et il explique justement, là, il laisse le cadre de la prière de côté. Et il explique que, en regardant même une femme qui est rasée, c'est déjà un problème. Car s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux rasés, de couper ou de raser, qu'elle se voile, il revient maintenant sur la prière. Donc, ça veut dire qu'il est temps d'expliquer la prière et la disposition de la femme, la couverture de sa tête dans la prière, avant de dire, en fait, pour faire l'extension sur le cheveu par rapport à cela. Ça suppose donc que, si une femme ne se voile pas, qu'elle coupe aussi les cheveux. Ça veut dire que si elle refuse l'autorité des premiers voiles, qu'elle enlève aussi l'autorité du deuxième voile, parce que la femme a deux voiles, n'est-ce pas, frère? Oui. Le premier voile qui concerne la prière et la prophétie dont il a dit de parler, c'est ce qu'elle doit faire. Parce qu'on dit qu'elle doit se couvrir. Vous voyez cela? Elle doit se couvrir. C'est un pronominal qui veut dire que c'est elle qui fait l'action de se couvrir. Or, les cheveux, ce n'est pas elle qui se la met. Là-bas, on dit qu'elle ne doit pas se couper les cheveux parce que le couper et raser, c'est elle qui voile pour la prière, qu'elle fait l'action de mettre. Vous voyez cela? Parce que vous ne pouvez pas fournir de couper et puis vous mettez votre cheveu sur la tête. Elle prie et qu'elle prophétise, elle doit avoir la tête voilée. Or, je ne sais pas si vous saisissez. Comment sur la tête, on ne peut pas dire pour là, que lorsqu'elle prie ou elle prophétise, elle doit avoir la tête voilée. Ça n'a pas, puisque les cheveux sont sur la tête. Donc, on dit qu'elle doit avoir la tête voilée. Ça veut dire que concerne la prière. C'est le foulard qui concerne la prière parce que se voile, si elle prie, parce qu'elle fait la tête constamment. Pour qu'elle fasse une prière ou elle prophétise, elle doit avoir des sens puisque les cheveux sont comment sur la tête. Il y a quoi que quand esquivé par rapport. Lorsque les cheveux sont. Que tu ne pries pas, les cheveux sont loin de là-bas. Le voile pour la prière, autorité. Alors donc, l'apôtre Paul est en train de montrer à la femme pour ce voile-là qui montre sa dépendance à quoi. Maintenant, il dit donc que si elle refuse dans l'autorité, c'est ça le problème. C'est une femme qui désobéit à son mari au commencement de cela, n'est-ce pas? Et en s'adressant, vu qu'elle est la gloire de l'autre, du premier chef, c'est ça qu'elle a deux voiles au-dessus d'elle. Pour quelqu'un qui est permanent, c'est cette voile qui est voile pour son mari, pour moi, couvrir cette gloire de son mari après du chef suprême. N'est-ce pas, mes frères? Donc, si je comprends, notre Paul n'est pas en train de prendre l'exemple sur la coupure de cheveux. Il a d'expliquer la portée spirituelle des coupures de cheveux et son implication dans la prière. C'est ce qu'il a dit d'expliquer. Il dit, si une femme n'est pas voilée, donc si tu refuses l'autorité de voile de ce voile-là, dans ces cas, refuse aussi l'autorité d'autres voiles. Coupe aussi les cheveux. Tu vois cela? Or, il mène une autre parallèle en disant maintenant, le lien entre une femme et ses cheveux, c'est la nécessité que ses cheveux soient là. Or, il dit donc, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasé, qu'elle se voile. C'est pour montrer effectivement qu'en réalité, en fin de compte, la femme ne doit pas avoir les cheveux coupés, elle ne doit pas avoir les cheveux rasés. Et par conséquent, comme les cheveux seront toujours là-dedans, par conséquent, dans la prière, voile-toi. C'est ce qu'il en a dit. Amen. Frère. C'est grave, allons maintenant. Oui. Oui. Un jour, pendant un partage, on avait abordé à peu près ce sujet-là avec les sœurs. Et on parlait pas seulement des cheveux sur la tête. On parlait des cheveux dans d'autres endroits du corps. Oui. Et on parlait aussi par rapport à l'hygiène. N'allez pas créer les versets bibliques là où ça se trouve pas. N'allez pas créer les versets bibliques. Amen. Si vous voulez faire l'hygiène de votre vie, rasez vos poils des aisselles ainsi de suite. Je vous vois venir. Rasez vos poils dans des endroits sensibles. Rasez. Amen, frère. Nous parlons ici de la présence de Dieu. En fait, il y a un pourquoi. Ceci est donné dans 1 Corinthiens 11. Regardez, c'est 16 versets pour expliquer ceci. Et là, il explique en commençant par le gouvernement de Dieu. Parce qu'en réalité, ce que vous devez savoir, vous les femmes, avant de passer la parole à la sœur Hélène qui parlait de cela, vous devez savoir que le corps humain lui-même, c'est une prophétie. Depuis la tête jusqu'en bas. Ce sont des prophéties. Vous vous souvenez dans 1 Corinthiens 12, justement, il va dire que l'œil ne peut pas dire que parce qu'il n'est pas la bouche, il n'est pas du corps pour cela. Vous voyez cela? Dieu a mis dans le corps. Il parle de la multiplicité de notre membre pour former dans l'union un seul corps. Donc notre corps humain est une prophétie même pour l'église du Seigneur Jésus. Et par conséquent, la tête est un symbole même du Christ. Je ne sais pas si les gens peuvent comprendre cela. La tête, notre tête humaine aussi, est un symbole pour le corps de Christ. C'est donc pour cela que si vous regardez bien votre membre en vous observant, vous allez remarquer que la partie la plus haute de vous, c'est la tête. Parce que Christ est la tête et il se trouve en haut. Le reste des membres est en bas. Et par conséquent, personne ne peut se lever, ne doit se lever au-dessus de la tête. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Maintenant, n'en parlons pas maintenant aux cheveux, parce qu'on va y révéler le mystère de ces cheveux-là. Maintenant, si vous levez votre main, vous allez beau dire, ok, mes mains sont au-dessus de ma tête. Vous n'allez pas rester pour longtemps, parce que toute personne qui se lève et essaie de lever sa gloire au-dessus de la gloire de Dieu ne pourra pas tenir pour longtemps. Vous ne pouvez pas rester comme ça indéfiniment, parce que ce n'est pas sa place là-bas. Vous allez rester 2 minutes et puis vous allez baisser vous-même votre main pour montrer qu'il faut que je me soumette au Seigneur Jésus. C'est pour vous montrer effectivement que la tête est naturellement la tête. Il est naturellement en haut. Et tête veut dire automatiquement, la tête se réfère au chef, à la prééminence. C'est pas ce que vous comprenez. Et donc, si c'est à la prééminence, les chevelus donc se réfèrent au couronnement, à la couronne, à l'ornement de ce couronnement-là. C'est ça, c'est à cela que les chevelus, c'est pour ça que la Bible déclare que la chevelure lui a été donnée pour parure, en guise de parure, pour ornement. Donc les cheveux sont là pour couronner la beauté de la femme. C'est pas ce que vous saisissez. Et donc, si vous avez votre poil qui vous dérange ou n'importe quoi, ne me faites pas dire des choses. Laissez-moi 1 Corinthiens, on parle des cheveux là-bas. Si vous voulez faire un capillet, soit un capillet ou autre là-bas, mettre le scotch sur vous, enlever que ça enlève les poils sur le pied, c'est votre problème là-bas. Il n'y a pas un verset de lui contre cela et pour cela. D'accord? Pour les cheveux, l'apôtre Paul a touché le cas des cheveux parce que ça concernait l'adoration dans la prière. C'était le mystère pour expliquer le gouvernement et les différentes stratifications dans ce gouvernement et l'ordre de prééminence. Merci. Amen. Mais là, frère, en ce qui concerne les sacrificateurs, comme la Bible le dit, oui, que le sacrificateur ne doit pas raser le coin de sa barbe, je crois. Non. C'est, là, maintenant, il faut qu'on touche encore quelque chose. Regardez très attentivement. Quand tu parles comme ça, ça me fait rire. Vous savez pourquoi ça me fait rire? J'aimerais bien voir tous vos visages là sur cet écran. C'est pour ça que je vous aime. Quand il vous voit comme ça, il lâche ça comme ça. Quand il parle, il sait que ça fait mouche dans les maisons. Vous savez, lorsque vous parlez des sacrificateurs et des sacrificatures, il faut faire attention avec les notions de sacerdoce. Il ne s'agit pas seulement d'appeler les gens sacrificateurs sans connaître le sacerdoce dans lequel on se retrouve. Dans le sacerdoce lévitique, certaines choses ont été dites à ce sacrificateur. Dans le sacerdoce de Melchisedec, certaines choses sont dites là pour nous qui sommes sacrificateurs. Dans les sacerdoces lévitiques, par exemple, les sacrificateurs sont uniquement féminins, masculins, pas vrai, frère? Ouais. Alors, est-ce que le frère Olivier, est-ce que tu peux me dire que ta femme est sacrificatrice? Je comprends. J'arrive. Alors je pose la question. Est-ce que ta femme est sacrificatrice? Oui non, ou non? Nous sommes tous appelés sacrificateurs. La Bible dit ça dans Apocalypse. Réponds-moi donc à la question. Est-ce que ta femme est sacrificatrice? Vous voyez? Dans la paix, oui. Dans l'autre, elle est facilitative dans la paix, mais pas quand on va dans la profondeur non plus. Alors, vous voyez dans l'ambiguïté qu'il y a à cette question-là, n'est-ce pas? Je sais pourquoi il pose la question, j'arrive là maintenant. Donc, vous voyez dans l'UDM, puis la Bible déclare qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, n'est-ce pas? Le nous est mis pour qui? Pour l'Église. Le nous est mis pour l'Église. Et je crois qu'il y a l'enfant qui pleure quelque part, qui fait des bruits quelque part. Et vous voyez effectivement que l'Église est constituée des êtres féminins et masculins, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, quand vous prenez donc les choses dans un sacerdoce et vous appliquez à un autre, il faut faire attention. Maintenant, qui sont les chrétiens? J'aimerais que tous les hommes parlent que je suis là présent en citant vos noms. Je vais vous dire quelque chose, vous poser une question maintenant. Quels sont les là. C'est qui là? Qui a parlé? Frère Pierre. Frère Pierre, hein? Allons-y. Je suis là. C'est qui encore? Frère Joseph. Frère Joseph. Frère Joseph. Vous allez m'avoir, je vais vous avoir tout à l'heure là. Continuez, qui encore? C'est là. Le frère Olivier. Le frère Yannick. Frère Achille. Voilà. Maintenant, prenons comme ça. J'espère que personne ne s'est caché. Le frère Willy est là. Maintenant, regardez pas très attentivement dans la. Vous voulez qu'on lise la Bible? Oui. Vous voulez qu'on lise la Bible? Allons-y. Amen. Amen. Ézéchiel. C'est chaud. C'est vraiment chaud. Ézéchiel. En frère, c'est la bonne nourriture que tu nous fais manger aujourd'hui. Mais ne vous fâchez pas par la suite alors. ça nous rassure beaucoup maintenant. Ézéchiel. Que Dieu vous bénisse. Chapitre 44 d'Ézéchiel. Vous êtes prêts? Quel est le sacrificateur qui est prêt à lire? Le frère Yannick. Ok. Lis-nous le verset 15 et tu t'arrêtes au verset 23. Allons-y. Ouais. Et puis je vais poser ma question. 44, verset 13. Verset 15 à 23. 15 à 23. Mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Tsadok, y ont fait le service de mon sanctuaire quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi. Ceux-là s'approcheront de moi pour me servir et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur l'Éternel. Ils entreront dans mon sanctuaire et s'approcheront de ma table pour me servir. Ils seront à mon service. Lorsqu'ils franchiront les portes du parvis intérieur, ils revêtiront des habits de lin. Ils n'auront sur eux rien qui soit dans laine. Quand ils feront le service aux portes du parvis intérieur et dans la maison, ils auront des tiares de lin sur la tête et des caleçons de lin sur leurs reins. Ils ne se ceindront point de manière à exciter la sueur. Lorsqu'ils sortiront pour aller dans le parvis extérieur vers le peuple, ils ôteront les vêtements avec lesquels ils font le service et les déposeront dans les chambres du sanctuaire. Ils en mettront d'autres afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. Ils ne se raseront pas la tête et ne laisseront pas non plus croître leurs cheveux. Mais ils devront couper leur chevelure. Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans le parvis intérieur. Ils ne prendront pour femme ni une veuve, ni une femme répudiée, mais ils prendront des vierges de la race de la maison d'Israël. Ils pourront aussi prendre la veuve d'un sacrificateur. je vais vous traiter aujourd'hui. Vous avez dit qu'il parle, non? Amen, frère. Parmi, parle, mon frère. Parmi tous les sacrificateurs qui sont présentés aujourd'hui, qui a épousé une femme vierge? Moi. Voilà, le frère Olivier. Tu l'as trouvé, tu as trouvé l'espèce rare. J'arrive. Mais, tout à l'heure, j'ai posé la question, où sont les salvateurs? Tout le monde a parlé. Maintenant, c'est une seule personne qui parle. Vous voyez, pourquoi ils sont des voleurs? Prendre ces choses pour vous montrer quelque chose. Qu'il faut faire attention avec les sacerdotes. Il ne s'agit pas seulement de prendre dans l'Ancien Testament que voici les sacrificateurs, puis vous prenez dans le Nouveau Testament que voici les sacrificateurs. Nous sommes tous sacrificateurs. Nous sommes sacrificateurs. Le mot sacrificateur reste, mais les fonctions et les attributs des sacerdotes sont totalement différents. C'est pour ça qu'il faut faire attention, on ne peut pas prendre quelque chose qu'on applique sur le sacrificateur. Parce que vous allez prendre. C'est pour ça que les pasteurs, qui les dîmovores, vous allez voir effectivement comment ils vont vouloir prendre que non. On a porté les dîmes au sacrificateur. Et on se rend compte maintenant qu'eux-mêmes disent aussi qu'ils paient aussi les dîmes à leur archbishop. Oh, vous voyez, vous allez dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, quand ils prenaient les dîmes, ils étaient les derniers strates de la chose, ils ne payaient pas les dîmes. C'est pas ce que c'est ici. Et là, d'une façon, d'une part, on dit que nous sommes tous des sacrificateurs. Et dans l'Ancien Alliance, on voit que les sacrificateurs ne payent pas les dîmes. Vous voyez cela, eux, ils prennent seulement. Donc, sur cette base-là, on est censé donner la dîme plutôt aux sacrificateurs. Or, c'est pour eux maintenant que tous les chrétiens sont sacrificateurs. Donc, ils doivent payer la dîme à qui? Aucun pasteur, aucun sacrificateur ne paye la dîme à aucun autre sacrificateur. C'est une strate inférieure appelée les Lévites qui amenait la dîme au sacrificateur. Donc, si vous voulez prendre la sacrificature, il faut faire attention avec le domaine dans lequel on doit les traiter. Sinon, vous aurez des problèmes. Donc, quand on dit que les sacrificateurs avaient le coin des barbes et ainsi de suite, devaient se raser, il faut faire attention. Ici, maintenant, on dit par exemple qu'on n'a pas coupé les cheveux, on n'a pas non plus laissé croître. Ça suppose qu'on devait maintenir les cheveux à un certain niveau. Ça, c'est un. Des deux, on dit, vous ne devez pas épouser une femme qui est déshonorée, une femme qui est répudiée. La seule chose, c'est deux possibilités. Soit une vierge, soit la femme d'un ancien pasteur. C'est pas ce qui est écrit là-bas. C'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible? Voilà ce qui est écrit. Non, vous avez dit que c'est pas ce qui est écrit là-bas. Mais dans la nouvelle alliance, non plus. Ah, dans la nouvelle alliance, donc, ça veut dire que donc, vous pupez la grâce. Tout le monde, le père appelle les prostituées, le père appelle tout le monde. Il les amène. Donc, le plus important, c'est la sémence de l'éternel qui est là. Ah, le reste, c'est pas. Voilà, et maintenant, vous voyez effectivement que si une fille n'est pas vierge, même si une fille. Le plus important, c'est la valeur qu'elle a en Christ, c'est ça qui est plus important. Voilà, mais si une fille n'est pas vierge, la virginité n'a rien à voir avec le spirituel, la virginité c'est physique, c'est l'humain qui a été coupé. Donc, si, même si elle est chrétienne, parce qu'elle parle en langue n'importe comment, si elle est déviégée, elle est quand même déviégée, pas vrai, frère? C'est vrai, c'était les hommes là un peu aujourd'hui. Oui, les hommes. Il faut qu'on traite les hommes là aujourd'hui, n'est-ce pas? Amen, amen, mon frère, pour une fois. Pour une fois, on traite aussi les hommes. Donc maintenant, regardez, quand vous dites par exemple, par rapport, comme le frère pose la question pour les sacrificatures, parce que ça fait suite à ce que la soeur Hélène a parlé de ces rageurs, des coins, ainsi de suite, beaucoup de personnes justement prennent ceci dans le livre d'Ézéchiel et dans le livre de Jérémie, où il a dit que Dieu va traiter ceux-là qui restent la race des coins de la barbe, en laissant pousser leur barbe là-bas comme le frère Yannick. Et même le frère Yannick, quand il laisse pousser, quand même, il trace quand même toujours, pour être comme un acteur de films américains. Donc vous voyez effectivement que lorsqu'on est sacrificateur selon Dieu, la sacrificature de notre sacrifice s'exerce, c'est un ministère spirituel, pas un ministère du sanctuaire terrestre. C'est pas pour cela. Vous voyez, n'est-ce pas? Or, maintenant, regardez encore, on va encore voir quelque chose ici. Au verset 18, il dit qu'ils auront des tiers de lin sur la tête et des caleçons. On dit que des tiers de lin sur la tête. Donc, ça veut dire que les sacrificateurs ici se couvrent la tête. Vous voyez cela? Il est posé comme ça. Et sur cette tiers-là, c'était écrit cette sainteté à l'éternel. Maintenant, ici, dans la Nouvelle Alliance que vous venez de lire dans 1 Corinthiens chapitre 11, il est dit clairement que tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Vous voyez que c'est dans ces sacrifices, si les hommes prient, ils ne doivent pas avoir quelque chose sur la tête, parce que la sainteté qu'on avait écrite là-bas pour qu'ils auraient pu voir que la sainteté appartient à l'éternel, cette sainteté, maintenant, c'est cette personne, c'est elle-même qui est sainte. Vous voyez là, les frères? Alors, il continue en disant que des caleçons de lin sur les reins. Il y a même des hommes qui portent des strings, d'autres qui n'en portent même pas. N'en parlons pas, ne faites pas parler aujourd'hui. Puis, ici, il dit. Ils ne se ceindront point de manière à exciter la sueur. Donc, même la façon d'attacher la ceinture, il y a des gens qui attachent la ceinture sur leur jean, ils attachent au point où, quand ils détachent la ceinture, ils crient un ouf de soulagement. Donc, même la manière d'attacher la ceinture des sacrificateurs importés, il ne faudrait pas que le muscle soit excité. C'est ce qui est écrit. Puis, la Bible déclare au verset 17, lorsqu'ils franchiront les portes du pavé intérieur, verset 17, ils revêtiront les habits de lin et ils n'auront sur eux rien qui soit en laine. Vous voyez cela? Rien de brodé en laine. Il y a un autre volet que j'aimerais vous faire voir là-bas rapidement. Il faut que je trouve cela. où est-ce qu'on parle de cette histoire. Voilà, verset 21, c'est le verset intéressant que j'aime. Le frère Yannick lit encore, verset 21. Verset 21. Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans le parvis intérieur. Voilà. Maintenant, je pose la question. Il y a quoi dans le parvis intérieur pour qu'on interdise au sacrificateur de boire du vin avant d'y entrer? Le lieu saint. Le lieu saint. Après le lieu saint. L'arche de l'Éternel, l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel était positionnée dans quel endroit? Le très saint. Le lieu très saint. Le lieu très saint. Donc dans le parvis intérieur se trouvait le lieu très saint. On interdisait au sacrificateur de boire du vin avant d'y entrer. Maintenant, le sacrificateur que nous sommes maintenant, le lieu très saint se trouve où, frère? À nous. Donc les gens, ils versent ça maintenant que sur le lieu saint, ils ne partent même plus à l'intérieur, ils versent un cas au-dessus, pas vrai? Frère, ça c'est un enseignement qui m'avait convaincu sur l'alcool, parce que j'ai écouté un enseignement que tu as fait sur ça, ça m'a passé, beaucoup de personnes disent qu'on ne doit pas boire l'alcool, mais ils n'expliquent pas, parce que c'est peut-être que non, je bois juste un verre de vin, c'est bon. D'autres disent non, il ne faut pas boire, mais ils n'expliquent pas. Mais quand tu avais expliqué ce côté-là, frère, j'étais à terre et ça m'a convaincu tout de suite le fait que tu avais pris exactement cet exemple où le lieu très saint, on ne devait pas boire l'alcool et qu'aujourd'hui, nous sommes ce temple-là. Et donc là, c'était l'enseignement de ouf, quoi. Et le verset 23 conclut que ces choses-ci, étant, les sacrificateurs doivent maintenant faire comme ça pour enseigner afin qu'on puisse discerner ce qui est pur de ce qui est profane. Vous voyez cela? Mais c'est aujourd'hui, c'est les pasteurs qui finissent. D'autres construisent les dénominations tous auprès du bar. Lorsqu'ils viennent, quand c'est fermé, ça sert au bar, ils prennent 2, 3, 4 musiques et le King Bier pour boire en attendant. Et ils viennent déverser les démons sur les gens. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit habite là-bas. Posez-vous tout simplement la question si le Saint-Esprit venant sur la terre, si fatigué, peut aller dans un endroit là-bas, boire un peu de vin là-bas, à Château Rouge, avant de rentrer. Posez-vous seulement la question. Alors, mon frère Olivier et les autres frères, je voulais prendre ces passages pour vous montrer effectivement que les sacerdoces sont différents. Il faut faire attention à comment aborder les sacerdoces. Dans les deux sacerdoces se trouvent les sacrificateurs, mais les sacrificateurs avaient des fonctions et des fonctionnalités différentes. La nouvelle alliance a son fonctionnement par rapport à l'alliance de l'Esprit. L'ancienne alliance a son fonctionnement avec les sacerdoces lévitiques, avec le fonctionnement de la chair. Amen. Amen. Frère Junior. Oui. Alors, comment répondre pour... je reviens sur le vin dans Timothée. Quand l'apôtre Paul dit à Timothée de boire un peu de... Non, c'est tel que mon grand frère l'a dit. D'abord, pour son estomac. Laissez son estomac tranquille. Lisez d'abord ce que c'est dit pour qu'on puisse comprendre d'abord. On lit d'abord. À la base, on lit pour comprendre. Si vous pouvez m'aider à retrouver le verset. C'est où là? Quel chapitre? Donc tu fais exactement comme les Soulas. Quand ils disent que dans la Bible, on a dit qu'il ne fait que de boire du vin, mais on ne sait pas où c'est trouvé. Non, mon frère. Non, il y a un Timothée parmi vous là-bas. Un Timothée parmi vous là-bas retrouvé, ça ne vous inquiétez pas. Vous avez trouvé? Tous les gens qui sont les défenseurs des buveurs de vin savent connaître au moins là où ça se trouve. Si vous, quand vous ne savez pas, ça, ça se trouve où, mon frère? Non, mais est-ce qu'il boit le vin? Oui, d'autres disent même que Jésus avait multiplié le vin, donc il est pour le vin. On arrive. Qui continue? Que Jean-Baptiste est venu ne mangeant ni buvant. Il ne va pas pour Jean-Baptiste, il va seulement pour Jésus. Continuez. Vous avez trouvé? Donc, pendant que vous allez les chercher, j'espère que le frère Pierre, on a conclu, on a compris effectivement que les cheveux de l'île de la femme ne doivent pas être touchés, n'est-ce pas? Oui, j'ai compris, frère. Mm-hmm. Mais le truc, ce qui me revient un peu, bon, disons, ce qui me revient un peu dans la pensée, c'est que, en fait, dans les traditions, il y a des traditions et certains coutumes et certains modes de vie des gens qui ne touchent pas leurs cheveux. Oui. Par exemple, les traditions, parfois, à l'ouest, il y a des gens qui vont, je ne sais pas quelle vision ils ont souvent, disent non, ils ne vont pas toucher leurs cheveux. Et parfois, les cheveux, c'est dans tous les... voilà. Et parfois, on va voir des gens qui ont des locks, des rastas, des trucs comme ça, qui ne touchent pas leurs cheveux. Et ça fait, pour moi, personnellement, ça m'a toujours donné une mauvaise image. Oui, mais si tu voyais Samson, là, tu vas dire que Samson, là, c'est un garçon répugnant. Mais je voulais dire... Ce qu'il veut dire, c'est que même dans la Bible, on voit effectivement comment Dieu a donné l'interdiction au sacrificateur, justement, de ne pas couper la tête, les cheveux pour un mort. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Or, dans les deux, maintenant, pour signifier qu'on est désemparé, c'est là où on rase les têtes. Donc, ça montre clairement que la coutume que les gens de l'Ouest Cameroun et autres là-bas rasent les morts n'est pas nouveau. Ça se trouve dans la Bible. Parce que Dieu dit effectivement qu'ils ne doivent pas rêver, ils vont raser la tête uniquement pour peut-être un frère proche ou bien sa maman. Mais pour les autres morts, ils ne doivent même pas aller même au deuil pour se souiller avec le cadavre. Vois ça, frère? Donc, en réalité, on n'a pas considéré ces choses comme les coutumes des peuples. On va regarder à la lumière de la parole de Dieu ce que la Bible en dit et on vous obéit plutôt à la Bible, pas aux coutumes. Parce que d'autres personnes, comme les Rastafari, eux, ils laissent leurs cheveux comme ça, avec, sachant qu'ils sont déçus comme ça la tradition de leur père. Allons-y, on va maintenant dans le cadre des vins. On y va. Qui a posé la question? Non, le frère Olivier, ta connexion n'est pas bonne pour la lecture. Je crois que la personne qui a posé la question du vin doit lire. Donc c'est 1 Timothée chapitre 5, verset 23. Oui, ça fait 3h24 minutes que nous travaillons ensemble. Allons-y, continuons. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Voilà. Maintenant, combien de choses sont mentionnées là-bas? On a trois étapes là-bas, n'est-ce pas, ma soeur? Oui. Avant d'aller sur le vin, qu'est-ce qu'elle a d'abord dit? Ne continue pas à ne boire que de l'eau. Ça suppose que la personne s'y faisait quoi? Ne buvait que de l'eau. Donc, ça veut dire pour que quelqu'un puisse prendre ses versets, c'est comme promesse pour lui. Il faut qu'il respecte quelles conditions d'abord? Qu'il ne boive que de l'eau. Voilà. Ça veut dire que si tu as eu à goûter le vin, ça ne te concerne pas le vin. Même si tu ne peux pas, ça ne te concernera jamais. Parce qu'on dit, ne continue pas à ne boire que de l'eau. Parce que tu ne bois pas que de l'eau. N'est-ce pas? Alors, si tu buvais déjà, c'est que c'est plutôt le livre de Proverbes chapitre 21 qui se concerne. Que pour qui les rats, pour qui les yeux rouges, pour celui-là qui s'attarde dans les yeux, ne regarde pas d'un vin doux, la rougeur dans les verres qui finit par mordre comme de l'esprit. Donc, c'est la promesse là-bas. Donc, ça ne concerne pas pour Timothée, c'est ceux qui ne boivent pas de vin comme nous. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Qui buvons seulement de l'eau. Donc, vous voyez, quand les gens voient la Bible déclare que non, bois un peu de vin à cause de ton vent. Il dit qu'il y a trois volets là-bas dans cette phrase-là. Il dit que la personne buvait seulement de l'eau. Deuxième chose, on le conseille maintenant de boire d'un peu de vin. On a dit quoi? Un peu de vin. On dit qu'il fait usage d'un peu de vin. On n'a pas dit qu'il boive, qu'il fait usage. Pas boire, utiliser seulement. Voilà. Voilà. Il fait usage d'un peu. D'un peu. C'est temporaire. Voilà. Ça veut dire que c'est temporaire. Et on dit le pourquoi. On dit qu'à cause de quoi? À cause de ton estomac. Donc si quelqu'un vous dit la prochaine fois ce verset, tu dis que tu le pointes du doigt, tu dis que tu as le mal d'estomac. S'il dit non, tu dis arrête de boire. Vous voyez cela, n'est-ce pas? C'est donc pour cela que je vous demande de lire d'abord, pour qu'on puisse laisser la Bible dire ce qu'elle dit. Ne continuez pas à ne boire que de l'eau. Faites usage d'un peu de vin à cause. Donc on fait usage de cela à cause. Ça veut dire que si la cause est arrêtée, il continue à boire que de l'eau. Voilà. Même celui qui va se justifier en disant qu'il a mal à l'estomac, est-ce que c'est la direction que le Saint-Esprit aurait donnée pour lui de boire du vin? Bonne question. Même si quelqu'un se crée le mal de ventre pour boire le whisky, c'est son problème. Il a de tromper qui? Des questions? Bon, moi, je voudrais... Moi, j'ai une question, frère. Les affaires. Bon, que le frère pose carrément. Je ne sais pas pourquoi le frère, la connexion du frère Olivier dérange aujourd'hui comme ça. Pourtant, il a des choses de qui vient nous expliquer là. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Le frère Joseph parlait... Voilà. Frère Junior, j'ai une question. Oui. Allô? Il y a encore la soirée de mercredi. On sera mercredi ensemble, non? Vous voulez épuiser aujourd'hui? Il y a le cas de l'Allemagne aujourd'hui, pas vrai? Mon frère, il y a des dernières questions. Ouais, donc c'est chez toi que c'est dernier, alors maintenant. Oui. Oui, le frère Yannick, vas-y. En fait, ma question, elle est. Ça se situe dans le livre, dans deux livres. Je remarque qu'il y a la même phrase. Genèse 2, verset 21. Là où il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Avant ça, il explique pourquoi, en fait. Et la même chose se retrouve, la même phrase se retrouve dans Genèse, dans Éphésiens 5, 25 à 29. Oui. Il dit encore, à partir du verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Mmh. En fait, ma question, c'était, il y a d'autres raisons pour lesquelles l'homme quittera son père et sa mère, ou c'est que ces deux-là? Et pourquoi c'est qui vient avant cette phrase à chaque fois? Dans les deux versets, c'est différent, ça n'a rien à voir. La question, c'est pourquoi y a-t-il une raison pour laquelle c'est deux, ça revient à deux fois? Oui, parce que dans les deux versets, ce qui vient avant, ce n'est pas le même contexte, en fait. Oui. Dans Genèse chapitre 2, il est quoi? Il est dit quoi? C'est l'inauguration même de l'institution. C'est la loi de l'institution du mariage, n'est-ce pas? Frère Junior. Oui. Je vais un peu appuyer sa question. Oui. Il s'agit de quitter comment? Bonne question. Ça, c'est la meilleure des questions là-bas maintenant. Comment est-ce qu'on quitte son père et sa mère? On dit que non, on quitte la maison de son père. Qu'est-ce que la Bible nous parlait par quitter? Oui, Abraham aussi a quitté sa famille. Mais quitter dans quel voilà, justement, comment en fait? Maintenant, que dit des gens qui se marient alors qu'ils n'ont plus de parents? Ils quittent quoi? Voilà. Je crois que ce sera l'objet de la réponse d'une autre cela. On va continuer avec ça mercredi. Comme ça, on va bien épiloguer là-dessus pour bien entrer les questions. Vous allez me faire encore faire 4 ici. Je vous connais. Une dernière question, mon frère. Oui, je pensais que c'était la dernière. Oui, ma soeur, allons-y. Alors, moi, c'était dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 5, versets 17 à 19. Oui, avant que tu ne lises là, frère Pierre, donc ça veut dire que pour tous les hommes qui ont les cheveux de femmes, sachez que c'est l'ornement de leur corps. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est donner de l'argent à cette femme-là pour qu'elle nourrisse bien les cheveux pour encore être plus belle pour vous. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Amen. Amen. Amen. Oui. Mais moi, en fait, frère, donc, en fait, il y a d'autres. Les amen féminins sortent vite, hein? Oui. Oui, frère, derrière ma question, il y avait aussi une question de liberté en Christ, en fait. Oui. Voilà. Donc, c'est ce qui était aussi caché derrière ma question. Mmh. C'est-à-dire, à un moment donné, un peu comme le frère Olivier a commencé à expliquer au départ, avant que la connexion s'est arrêtée, à un moment donné, si la sœur constate que, voilà, bon, il y a quelque chose, peut-être que mes cheveux sont peut-être un peu en désordre, un peu n'importe comment, tout ça. Je peux arranger en les coupant, en mettant une forme et tout ça, machin. Mmh. Mais au moment de la prière, elle met son voile. Mmh. Donc, c'est dans ce sens de liberté. Bon, mais j'ai compris que c'est un ordre que le prophète, que le frère Paul a donné. Donc les sœurs. Que vos cheveux soient bien parfumés pour te sentir comme celui de la tsunami qui sentait comme ça sur les pans des montagnes. Ça ne soit pas, ça veut pas dire qu'il faut que vous profitez pour prendre le voile pour cacher la saleté dans vos cheveux. Vous voyez effectivement comment les hommes commencent à faire agir là-dedans. Donc, arrangez bien vos cheveux pour que lorsqu'ils approchent leur nez là-bas, ils puissent sentir le parfum des cinnamomes d'Égypte. Donc, faites attention. Il faut arranger bien vos cheveux, bien les ranger. Il faut arranger les cheveux. Pas couper dans la forme africaine sur la forme du bontologue. Non, ce n'est pas pour couper, il faut arranger. Donc le mot c'est arranger. Que le Seigneur vous bénisse donc. Est-ce qu'il y a les sœurs qui... Il y a les sœurs. Laisse-moi parler, j'ai parlé des hommes, laisse-moi aussi parler des sœurs. Parce qu'il y a des sœurs qui profitent maintenant qu'on a dit pour couper, constamment elles couvrent cela. Les cheveux comme ça, son mari regarde et dit ah, c'est pas vrai, c'est Frère Junior qui a amené ces choses-ci. C'est pas moi qui a amené cela. J'ai dit qu'il faut qu'elles arrangent. La Bible déclare que lorsqu'elle prie ou elle prophétise, elle doit avoir la tête voilée. Je n'ai pas dit qu'elle cache ses cheveux chaque fois avec la saleté dedans. Je n'ai pas dit ça. Amen. Voilà. Ecclésiaste. Amen. Voilà. Amen. Oui. Junior. Oui. Par exemple, nous, les sœurs africaines, parce qu'il y a aussi les sœurs européennes qui ont les cheveux longs. Oui. Mais nous, par exemple, à force de peigner souvent nos cheveux, ou peut-être utiliser les huiles qui ne conviennent pas au type de cheveux, on a souvent des cassures. Ce qui fait qu'on a les cheveux souvent déséquilibrés. Une partie peut-être long, une partie peut-être court. Je crois que c'est ça que le frère Pierre voulait aussi parler. Mais là, ça fait partie de l'entretien du cheveu. Voilà. Bon, non, pourquoi vous regardez plutôt qu'il faut couper l'autre pour diminuer? Parce que les cheveux sont censés faire pour grandir. Nourrit plus l'autre que ça retrouve d'autres tailles. Des questions, la sœur d'Ecclésiaste chapitre 5, là. En fait, moi, j'ai parlé de la liberté de la femme de bien ranger ses cheveux, en fait. Non, non, elle est libre, justement. Elle est même pas seulement libre, elle est obligée de ranger ses cheveux pour te plaire, d'accord? Parce qu'elle est ta gloire. Voilà. Amen. Amen. Amen. Et la Bible déclare que le mari doit prendre soin des dons. Le mari doit lui donner le soin pour qu'elle puisse s'arranger pour lui plaire. Donc, vous voyez qu'on est tous dans cette liberté-là. Amen, frère. Amen. Oui. Amen. Frère, oui. Voilà, frère, c'est, pour moi, c'est la dernière. Oui. On a eu un partage ici où on n'était pas d'accord, justement, les femmes à ce sujet des cheveux. Les hommes ont même dû intervenir pour vous calmer un peu. Parce que, justement, on parlait du foulard et la sœur parlait que non, on doit mettre le foulard en permanence parce que nos cheveux, c'est une séduction. Oui. Et nous, on expliquait que le Seigneur ne nous a pas donné les cheveux. C'est Satan qui détourne ça en séduction. Mmh. Mais les cheveux, c'est la gloire en fait. Non, la Bible, donc, la Bible n'a pas mis la tenue de la séduction dans les cheveux. La séduction se trouve dans les mèches brésiliennes. C'est pour cela que les gens qui mettent ces mèches-là ne veulent même pas couvrir les cheveux parce qu'ils veulent qu'on voie la qualité qu'elles ont. D'accord? La chose, c'est ceci. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens que lorsqu'elle prie ou qu'elle prophétise, elle doit. Ça, c'est un devoir. Elle doit avoir la tête voilée. Si elle ne prie pas, elle est libre de laisser ses cheveux ouverts. C'est ce que la Bible nous enseigne. Parce que la Bible a dit clairement lorsqu'elle prie ou prophétise. Mais si vous êtes déjà devenu au niveau où vous êtes au-dessus de la chair du mariage, au point où, quand vous restez à tout moment, vous priez, sachez qu'à tout moment, quand vous priez, vous devez vous voiler. C'est ça dont c'est les questions. Donc, si le frère Willy, par exemple, calme sa femme que, hey, oh, tu pries seulement quand on va dans la chambre. Tu pries quand on sort. Alors, ça veut dire que dans ces moments-là, elle doit avoir la tête voilée. Mais en attendant, le frère Willy, on peut passer les mains dans ses cheveux pour dire que, oh, gazelle pleine de grâce, biche des amours, en disant que je sois censé élever de ton amour. Vous voyez ça? Alors, ça veut dire que c'est le son. Le frère est poète. Hein? Comment? Il est poète, hein? Merci mon frère cet éclaircissement. Merci beaucoup. C'est pour ça que la sœur ne pouvait pas résister autrement. Mon frère, oui. Je voudrais un peu dire quelque chose par rapport à une balle. Quelque part, les cheveux ils sont en train de se dire aussi. Pourquoi je dis ça? Oui. Je n'en disconviens pas, justement. Oui. C'est vrai, c'est absolument vrai. On n'a pas bien compris ce qu'il a dit. On n'a pas entendu sa question. Il voulait dire qu'en fait, en quelque sorte, les chevelures aussi séduisent. Ça peut, en quelque sorte, ça séduit. C'est donc pour cela que vous voyez dans la région musulmane, ils couvrent même le visage. Parce que quand vous voyez pendant la sœur, Laetitia, la sœur Laura, tu regardes comme ça là. Tu dis, ah, j'ai un ami qui a raconté que le jour qu'elle est allée voir sa femme, et ce n'était pas encore sa femme, il était en train de mettre la bière dans le verre comme ça là. Pendant qu'il s'est tourné, quand il a regardé cette femme là, seulement son regard a fait, il a versé la bière dans la sauce. Vous pouvez imaginer ce que ça peut faire. C'est que le regard dans la sauce jaune surtout. Il a mélangé la bière dans la sauce jaune. Là, il était pantois debout comme ça, regardant la femme. La femme l'avait tétanisé avec ses regards. Bon, alors, la sœur Laetitia, allons-y avant qu'on le tourne. Il touche les femmes encore ici avec le regard revolver là. Entendez même, on dit qu'elles ont le regard revolver. Et dans les revolvers, se trouvent des balles. Oui. Ecclésiaste 5, oui. Ecclésiaste 5, dans ma question. Versets 17 à 19. Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sur le soleil pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. Oui. Voilà. Verset 17. Et ensuite, par contre, je n'ai pas retrouvé le verset. Je sais que dans le Nouveau Testament, il y a un verset où le Seigneur nous demande d'être prudent et que notre cœur ne s'apesantisse pas sur le manger et le boire. Luc chapitre 21, verset 34 et 35. Oui. Donc voilà, je ne comprenais pas. Je voyais qu'il y a une contradiction. Et je ne comprenais. Enfin, j'étais un peu perdue. Il y a beaucoup de petites contradictions souvent entre l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance qui me perdent. Voilà, je crois qu'un de ces jours, nous allons travailler là-dessus. Tu fais bien si bien de le signifier, d'accord? Maintenant, ces contradictions apparentes se situent et s'estompent lorsqu'on arrive au niveau de la révélation. Vous avez remarqué que dans l'Ancienne Alliance, justement, les gens sont en quête de la recherche de ce qui se passe dans l'au-delà. Ils n'ont pas la révélation du spirituel, pas la révélation des choses de l'esprit. C'est pour ça qu'ils étaient basés, ils faisaient le culte terrestre charnellement. Maintenant, vous allez voir que c'est rare dans les Saintes Écritures. Amen. Maintenant, c'est rare dans les Saintes Écritures que vous voyez parler des démons, n'est-ce pas? Dans la Sainte Alliance. Vous avez vu qu'on parle des démons quelque part? Non. Quand vous lisez le livre de Genèse jusqu'à le livre de Malachie, vous avez vu qu'on parle des démons quelque part qui possèdent les gens? Non. C'est quelques deux livres comme ça qu'on fait, comme deux ou trois livres qu'on commence à faire allusion à Satan. Pardon, mon frère? Bon, on disait que, comment on appelle ça, le roi Saül était habité par des pimpules, par des esprits. Mais on a dit le mauvais esprit venant de Dieu. Qu'est-ce que tu en dis? C'est ce que 1 Samuel chapitre 16 nous dit. Si vous lisez 1 Samuel chapitre 16, où c'est mentionné. Une fois de plus, la connexion dérange là. Allô, vous m'entendez? La France de la Sainteté, bonjour, vous m'entendez? La France dans la Sainteté, bonjour. Je crois que nous avons quelques problèmes avec la connexion chaque fois que ces choses sont mentionnées. C'est ton volontaire, toi, des rois. Florence devant toi, c'est trop de Golgotha. La couronne, mon bouclier combat. Florence devant toi. Alors le ciel s'est levé au-dessus de tous les anges, au-dessus de tous les anges. Et de toute l'humanité, un créateur qui nous rend. Moi, je suis un peu comme ça, légèrement. Comme le père même l'a dit, voilà, je vais parler un peu. Connexion, mais cette machine, c'est vieillissante et ça a des données. Mais on a dit quand même que c'est la vie. Les vieilles mamies qui préparent des bonnes sauces. Nous continuons à préparer la sauce maintenant. Là. Vous êtes là, la France de la Sainteté, le bonjour. Bonjour, frère. Voilà. Alors, je tente de parler, le frère Olivier parlait, j'ai parlé du démon, de la présence du démon dans la Bible, et il a parlé de l'esprit qui possédait le roi Saül. Si vous lisez justement 1 Samuel chapitre 16, le verset 14, je crois que le frère Yannick peut nous lire ça rapidement, avant qu'on avance avec sur le territoire de la contradiction apparente. 1 Samuel chapitre 16, le verset 14. Rapidement. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül. Il fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Voilà, c'est bon. C'est bon. Oui, effectivement, que c'est le mauvais esprit venant de l'Éternel. Vous allez lire la Genèse, vous allez beau lire la Genèse, les 50 chapitres de Genèse, vous ne verrez nulle part Lucifer là-bas, nulle part Satan là-bas à l'intérieur. Mais au fur et à mesure, on le présente dans le livre de Job, on dit clairement qu'il se promenait sur la terre comme un gentleman, il partait en boîte de nuit danser. Il a cherché Job là-bas en bois de nuit, il ne l'a pas vu. Et vous voyez, vous retournez encore maintenant dans le livre de Zacharie. Lorsqu'on a des sorties de l'Ancien Testament, on voit subitement Satan se présenter là-bas pour accuser le souverain sacrificateur Josué. Donc vous voyez, on fait allusion à lui comme ça. Dans le livre de Genèse, dans le livre de Ésaïe chapitre 14, on dit, t'es voilà tombé du ciel, astre brillant. Le mot astre brillant là-bas, dans la version hébreu, c'est Lucifer, normalement. Non, c'est son nom, Lucifer qui est écrit là-bas. Donc, mais on fait allusion à lui en langage prophétique, en donnant ses attributs, en l'appelant dans les attributs. Mais vous ne verrez pas dans les Saintes Écritures, dans la Sainte Alliance, où on parle clairement des démons. Je suis en train de répondre à la question de la sœur Laetitia avant d'avancer sur le territoire où elle a dit là-bas. Alors vous voyez effectivement que les révélations de la Bible sont venues au travers du ministère physique du Saint-Esprit. Le ministère physique du Saint-Esprit, parce que les autres étaient en image. Vous remarquez que Job pose des questions. Il pose des questions sur le lendemain, pose des questions sur le séjour des morts, pose des questions sur l'éternité. Ces questions-là, ce sont des questions de l'âme, des questionnements de l'âme de l'homme de cette époque-là. C'est un prophète et il vit ces choses-là pour montrer à l'homme que l'homme est en quête de la soif de l'éternité. Il cherche ces choses-là, il essaie de se poser des questions par rapport à ce qui va arriver. Le prophète Daniel va être investi de la mission de révéler ces choses-là. Au chapitre 12 de Daniel, la Bible va nous donner une révélation de la résurrection, ce qui n'était pas clair dans l'Ancien Testament. C'est pour cela que les groupes vont être érigés durant le moment des pharisiens et la venue de Jean-Baptiste de Jésus, où des autres personnes ne croient pas à la résurrection des morts, ne croient pas qu'il y ait une résurrection des morts, parce que ce n'était pas clairement révélé dans les Saintes Écritures. Mais quand vous lisez Daniel, la Bible déclare que plusieurs des personnes qui dorment dans la poussière se réveilleront. Vous voyez, de façon claire, il parle ainsi de la résurrection. Dans Isaïe chapitre 26 également, il dit, mon peuple, va, ferme la porte devant de toi jusqu'à ce que le temps soit, la colère passe. Et puis, il dit clairement que cet esprit vivifiant-là va venir maintenant pour réveiller. Dieu va les appeler de l'ombre, ils vont se réveiller. Donc, vous voyez que non seulement la mort, la résurrection, l'éternité n'a pas été révélée. Or, quand vous lisez le Nouveau Testament maintenant, vous comprenez clairement là où on vient, où on va, comment on fait pour y arriver, ce qui se passe même dans le séjour des morts, ce qui se passe au ciel actuellement, ce qui va se passer dans le ciel. Maintenant, on connaît tout ça. Ça, les anciens prophètes qui ont prophétisé ne connaissaient rien de cela. Et donc, Salomon posait des questions dans le livre d'Ecclésiaste. Vous allez voir, effectivement, il va arriver au niveau, il va donner la. Il va mettre l'homme à l'égal de l'animal mort, des animaux morts, au point où il dit qu'il n'y a pas de différence entre un homme mort et même un chien. Et il dit même qu'un chien vivant même vaut même mieux qu'un lion mort. Donc ici, on voit effectivement que quand les gens sont couchés, et là il parle de l'homme en tant qu'animal, parce que la partie spirituelle de l'homme, il va avoir la révélation au chapitre 12 d'Ecclésiaste. Là nous nous trouvons au chapitre 5, Vous allez remarquer qu'au chapitre 12, vers la fin du chapitre 12, la révélation commence à être claire. Il va parler maintenant de ces cris-là qui coublent les rues. Il va commencer à dire, jeune homme, réjouis-toi pendant le jour de ta jeunesse, mais sache que pour tout cela, Dieu t'emmènera en jugement. Où les jours de ténèbres, où tu vas passer, les jours de ténèbres seront nombreux dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts, donc, il dit, on va vivre longtemps, on sera longtemps là-bas. Et il parle du fil qui sera coupé, lorsque le fil sera coupé, que l'esprit retourne à Dieu. Là, il commence à comprendre maintenant, au sorti de sa révélation, qu'en réalité, l'homme n'est pas seulement charnel qui se couche comme un lion mort, comme un chien mort, comme un arbre mort, mais tel est l'homme animal, tel est l'homme spirituel aussi. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, en expliquant que s'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Et lorsque le corps animal est semé, Dieu lui donne un autre corps pour la résurrection. Donc, ces choses-là, il explique que c'est un mystère. Vous voyez, donc le mystère de la résurrection, de l'enveloppement et du nouveau corps. Et l'Ecclésiaste, donc, au chapitre 12, donc, à partir du verset 9, va commencer à avoir la révélation que lorsque l'homme meurt, lorsque le fil est coupé sur la terre, le nombril est coupé, le cordon est coupé, et que les cris parcourent les rues pour dire tel est mort, et à cet instant-là, l'esprit retourne à Dieu. Il venait de comprendre maintenant que lorsque quelqu'un se couche comme un chien et que le corps retourne dans la poussière, l'esprit doit retourner à Dieu. Et donc là, il donne la conclusion que, du moins, craint Dieu. Et fait le bien car Dieu amènera tout homme en jugement. Il vient de comprendre donc qu'il y aura un jugement. Et par conséquent, la vie des vanités là ne se concentre pas sur les choses de la chair. N'est-ce pas si vous comprenez? Donc, les gens de l'Ancien Testament avaient des bribes. Ce n'est pas que ça continue le Nouveau Testament, mais ils avaient des bribes. Ce sont des questionnements des lampes pour pousser l'homme à la réflexion que nous ne sommes pas sur la terre seulement pour manger. Parce qu'il a l'air de donner une pensée qui est à l'intérieur pour dire mangeons et buvons, comme l'apôtre Paul a dit. Que s'il n'y a pas de résurrection du mort, alors faisons donc comme Salomon a dit mangeons et buvons, car des morts nous mourrons. Vous voyez cela? C'est le niveau de réflexion que les gens d'avant étaient. Ils disaient, puisque personne n'est jamais venu de la mort pour nous prouver qu'il y a de l'au-delà, nous tous nous vivons et nous passons. Et donc, la réflexion de l'Ecclésiaste est là pour sonder, pour arriver au niveau de la révélation du jugement que Dieu va amener sur tout être qui est sur la terre. Donc, ce n'est pas la contradiction, c'est la soif de la révélation et sonder le plan de Dieu, mais c'est pleinement révélé donc en ce que tu as vu dans le livre de Luc, chapitre 21, verset 34, où Jésus a dit qu'on prenne garde à ce que notre cœur ne s'apesantisse pas de manger et de boire. Or, si on s'arrêtait au niveau de l'évangile de Salomon, vous allez voir effectivement que Dieu, il a dit que Dieu a donné la vie des vanités sur les hommes sur la terre. Que si un homme trouve des bénédictions à manger, à boire, c'est la part des grâces qu'il a trouvé sur la terre, que Dieu lui a donné. Vous voyez? Et puis, il dit maintenant justement que toutes ces choses même sont vanités. Il veut dire, à quoi c'est bon même de manger, puisque tu vas aller sur la terre n'ayant pas amené quoi que ce soit. Tout ce que tu auras travaillé, tu travailles pour du vent. Donc, en réalité, il voulait dire qu'arrêter, l'être humain doit être en quête de ce qui est plus important que le manger de bois et le superficiel de la chair. Amen. Donc je crois que lorsqu'on va revenir sur ces contradictions apparentes, on va bien expliquer ces choses-là. Donc gardons à l'esprit que c'est parce que ces gens n'avaient pas l'ouverture dans le champ spirituel qu'ils avaient des questionnements de l'âme, les questionnements que l'homme, le commun de mortel, s'est questionné. Mais c'est clair, la Bible déclare dans Jean chapitre 3 que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. S'il y avait quelque chose qui était dans l'homme, c'est révélé en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen. Amen. Des questions? Au fait, je m'excuse, ce n'est pas le mot contredit que je voudrais dire. Je voudrais un peu, parce que les terres ne comprennent pas, les terres ne me savent pas. Il y a un truc, par exemple, vous verrez, la Bible dit que quand la sœur, au moment qu'elle prophétise ou elle prie, elle doit voiler sa tête. Oui. Il y a un moment où nous, chrétiens, nous vivons un réveil où nous sommes en prière permanente, où l'esprit même qui prie quand tu marches sur la route, même quand tu vois quelque chose comme ça, tu commences à glorifier qui est parlé. Oui. Tu parles comme vraiment un fou. Oui. Donc, c'est dans ça que tu ne peux pas, comment on appelle, juger, comment on appelle, ce que vous venez de dire, il faut le juger comme ça doit être. Non, non, nous sommes rêvés. Enfin, frère, ça, je comprends et je sais pourquoi tu es parfaitement vrai. Et j'attends cela, j'attendais que quelqu'un suscite le temps. Vous voyez, la Bible déclare que lorsqu'on prie ou on prophétise, c'est à l'instant qu'on doit le faire. Maintenant, comme tu le signifies, la Bible déclare si quelqu'un dit par exemple, oh Seigneur, quand tu dis oh Seigneur, c'est une prière que tu veux adresser. Voilà. Quand tu vois une catastrophe, tu dis oh mon Dieu, c'est une prière que tu viens de faire. Voilà. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Quand tu dis Seigneur Jésus, c'est la prière que tu viens de faire. Frère. Oui. L'accident veut se produire, l'esprit nous amène à condamner. Oui. On condamne ça, c'est par la prière. Donc, c'est là, amène que l'esprit doit garder le pouvoir dans les têtes permanemment. Oui. Moi, pour moi, c'est ça. Mais la Bible déclare, c'est un commandement dans le Nouveau Testament qu'on doit prier sans cesse. Le frère Pierre voulait parler, voulait rebondir. Oui. Donc, si je comprends très bien, ça veut dire que nous, les hommes, nous ne devons plus porter de chapeau à l'enfer. C'est-à-dire pour un homme spirituel. Oui. Il ne devrait plus porter de chapeau. Ça veut dire que tu as bien compris. Si tu pries, parce que tu pries avec quelque chose sur la tête, tu ne dois pas porter. Si tu ne pries pas, tu peux porter. Tu es libre de porter. Oui, mais si on est spirituel, ça veut dire à tout moment, on est en train de prier parce qu'on peut prier aussi en cœur. Si tu es spirituel dans le chapeau. Tu es spirituel, ça veut dire que tu n'as même pas le temps du soleil qui doit te brûler la tête. Donc tu es spirituel. Tu vis comme ça. Courage. Donc, on ne porte plus le chapeau après. C'est ça. Des questions? Frère Junior. Oui. Mais la sœur dit ça. C'est toi qui as dit maman, ça tout à l'heure. Moi, je vais vous parler selon. C'est toi qui as dit tout à l'heure que c'était la dernière là, pour éclairer le chapitre 5, non? Oui, c'était la dernière question. Je veux juste rebondir sur l'avis du frère Olivier. Oui. Moi, je sais qu'aujourd'hui, vraiment, je vais en croissant avec le Seigneur. Mm-hmm. Je sais que je ne suis pas encore à un niveau mm-hmm. où je prie par l'esprit permanemment. Mm-hmm. Ça, je le sais, par l'esprit. Je dis bien par l'esprit mm-hmm. permanemment. Moi, personnellement, ça, je ne sais pas, ça se dit ça à mes sœurs. Ce que je fais, des fois, quand je n'ai pas le foulard, j'ai toujours un foulard dans mon sac à main à côté de moi. Mmh. Si ça me prend au travail, je mets mon foulard. Il n'y a pas si de problème, ça me prend dans la voiture, je mets mon foulard. C'était pour revenir sur le frère Olivier qui dit, parce que je me dis, je ne vais pas être... Le Seigneur connaît mon cœur mieux que moi-même. Je ne vais pas être fausse à me mettre le foulard 24 heures sur 24, alors que des fois, je sais que ma tête est... Tu es dans le même esprit. Tu es dans le même esprit que lui, ça ne contredit pas. Donc, si tu n'es pas dans l'esprit de prière, fais comme tu veux. Mais comme tu vois effectivement que si tu veux prier, tu dois le faire. Mais la chose, c'est ce qu'il faut se souvenir que tu ne dois pas prier sans voiler la tête. C'est ça l'autre question. Nous parlons le même langage. C'est le même langage, d'accord. Nous parlons le même langage. Mais elle a arrangé ça diplomatiquement en disant que je ne suis pas encore au niveau trop spirituel. Non, il faut me mentir. Je sais que je vais tous les jours, c'est un pas avec le Seigneur. Je sais que c'est comme ça qu'il me conduit. Même si je veux aller plus loin, il me ramène à son lit. Que le Seigneur vous bénisse. Ma dernière question. Wonderful. Oui. J'ai pour quelque chose, mais c'est cette question là que je m'en posais quand même. Moi, c'est par rapport au pourcentage, mais dérange beaucoup, en toute vérité. Les pourcentages dans les affaires. Oui, frère Olivier, ça fait 4 heures presque que nous travaillons ensemble. Tu permets qu'il n'y ait pas travailler avec les Allemands? Hein? Tu permets qu'il n'y ait pas travailler avec les Allemands? On revient la prochaine fois, n'est-ce pas? Mercredi, par rapport à cela, il y a le cadre des mariages qui a été posé et le cadre contradictions dans le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Oui, on évolue là-dedans. Mercredi, plaise au Seigneur. Comme ça, je puisse me concentrer avec d'autres frères également qui ont été lésés par rapport longtemps. Ok. Amen. Ça, juste le message qu'on fait, Mike, il a dit qu'il t'en veut parce que tu as attendu quand il n'est pas là pour donner la bonne nourriture. Tu lui dis exactement que je l'en veux parce qu'il a attendu le jour où je viens pour sortir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Thank you.